Images qu'on pourrait vous mettre, oui. D'ailleurs. Vous les avez pas vu, les images? Ah oui, vous les avez pas mis, les images? Ouais, on va les mettre, les images. Les images de notre soirée en Italie pour commenter le match France-Portugal. Ce soir, en direct des studios de Skyrock, oui. Dans toute la France. Ouais. C'est parti pour Italie-France. Petit pronostic, Fredo. Ah bah, un 2-0 facile. Ah, 2-0 facile, bah pour oui, toi. Oui, allez, facile. Facile. Attends. Bon, allez, les bleus, on va suivre ça dans un instant. Ça démarre, tout de suite sur Sky Radio Libre. Vous tous en direct, bien sûr, pour tout ce que vous voulez au 01 53 40 30 20. Vous nous passez un coup de fil de toute la France. Vous nous laissez vos messages sur le 41 759 et avec l'appli Skyrock. Allez les télécharger et envoyez-nous des messages tout au long de la soirée. C'est gratuit, profitez. Et attention, c'est retour demain pour toi, Fredo. Oui, avec beaucoup de live encore demain soir. Un Big Flo et Oli, du Black M en live. Des extraits de concert. MHD, ça c'est un titre concert qu'on a capté pour vous cet été. Mmh. Donc totalement inédit, personne ne l'a entendu encore. Et ben on l'entendra demain, non, peut-être. Du Nekfeu, Soprano aussi, qui débute sa tournée L'Everest Tour au mois de mars. C'est avril 2017, pardon. Et qui passera par le stade Vélodrome dans un an. Oui, le stade américain. Donc demain soir, entre 20 et 21, beaucoup d'extraits de concert encore. Une heure complète de concert. Waouh, bah demain soir on est là. On se fait un petit drag tout de suite et on démarre avec le match de foot juste après sur Skyrock, la pub en speed, et on arrive. Merci Fredo. Ciao. À demain 20h et à tout de suite pour la Radio Libre avec vous tous et vous toutes en direct. Laissez vos pronostics pour le match, suivez le match avec nous. Et puis si vous n'aimez pas le foot, vous serez au courant de tout ce qui se passe. Et on fait tout le reste en direct sur Skyrock avec le problème du mois, avec les doubles appels et avec toute l'équipe qui est là. À la rentrée, on a besoin d'argent. Réveille-toi avec Skyrock. The Morning Show. Tous les matins, le Morning de Difool te réveille. Et pour fêter la rentrée, Difool t'offre 1 500 € toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Ta radio préférée? Skyrock. Envoie 1 500 par SMS au 72020 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1 500 € dans le Morning de Difool. 1 500 €, c'est pas possible. Oh là là, mon Dieu, merci beaucoup. La rentrée, ça a du bon. 65 centimes plus coût d'un SMS. Tu veux rencontrer la fille de tes rêves? C'est facile. Tu peux te mettre au sport, développer des techniques de drague. Bonsoir. Et aller dans tous les cafés de la ville. Ou tu peux tout simplement télécharger Smax, rester toi-même et rencontrer des nanas qui te plaisent près de chez toi. Smax, S-M-A-X. C'est la plus grande radio libre de France. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. C'est nous et allez les bleus et allez Drake. Allez les bleus. Drake. Et One Dance. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Cause if you're down I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Drake sur Skyrock pour démarrer cette soirée, c'était One Dance. C'est bientôt le coup d'envoi du match des Bleus Italie-France. Allez les Bleus. Et coup d'envoi de la Radio Libre tout de suite. C'est parti en direct, on y va. Skyrock, Romano. Je suis comme un nouveau-né. Mais oui, c'est bien Romano, vas-y, mais parle-moi plus clairement. Un nouveau-né ou un teubé aujourd'hui. Foule. J'ai envie de voir ton cul, je suis dans un train, j'aimerais te sodomiser en cuissarde. C'est quoi ce truc, Cédric? Il avait des gros trucs, des gros ch'tards plein de blancs là. Vous étiez sacrément une bande de beaux gosses, toi, tes potes. Bah, il manquait que toi, tu sais, pour faire un beau gosse. Marie. T'aimes quoi sexuellement? Samy. Pourquoi tu l'as pas ken? Ouais, lui, ouais. Lui, il a grandi dans la saleté, donc pour lui, tu sais, peut-être il dit même pas ça. Difool Radio Libre, tous les soirs sur Skyrock. Et voilà, c'est parti ouais. En direct sur Skyrock. J'espère que vous allez bien, vous êtes prêts pour une grande soirée de foot, grande soirée de folie. Venez tout déchirer avec nous au 01 53 40 30 20. Venez tout déchirer avec nous sur les applis. Vous nous laissez vos messages au 41 759 et sur l'appli Skyrock. Laissez bien votre numéro de téléphone si vous voulez débarquer ici en direct jusqu'à minuit. On est là avec toute l'équipe. Bonsoir. Pronostic pour le match de foot. Bah moi j'ai comme ce matin, j'ai pas changé, 1-0 pour la France. 1-0 pour les Bleus, Marie. Moi je dis 2-1 et bonsoir tout le monde. Et bonsoir Marie, Cédric. Ouais, bonsoir tout le monde, 2-1 moi aussi pour les Bleus. 2-1 pour les Bleus. Allez, salut les filles. Et on joue en bleu. Et on joue en bleu. On se posait la question. Oui, c'est vrai. Samy. Allez, salut tout le monde, moi je vais dire 2-0 pour la France. 2-0 pour les Bleus. Mais tout le monde pense que les Bleus vont gagner contre l'Italie. L'Italie, ils s'en branlent un peu les matchs amicaux, man. Ah, et Karim, veut faire le dissident ce soir. Moi je dis match nul parce que l'Italie, ils aiment bien la défense, tout ça. Catenaccio. Ça parle vraiment en mots footballistiques, Catenaccio, tout ça. Non, je pense qu'il y aura match nul, moi, partout. Et Raphaël Varane, qui est capitaine de l'équipe, Steve Mandanda, il y a Kurzawa, Varane, Pogba, Griezmann, Giroud, Martial, Kanté, j'ai pas eu le temps de voir les autres. Mathieu Kostiel, Giroud. Et Giroud. Voilà. Et voilà, et Martial, j'ai dit. Ouais. Et voilà. Donc voilà l'équipe de France qu'on a sur le terrain. Mais où est. Ah, Grisi. Grisi, il est à droite. Mais il est là, Grisi. Grisi à droite, Giroud en pointe, Martial à gauche. Ça, c'est l'attaque des Français. Ouais. Et bien, on suit ça en direct. Et Mandanda. Mandanda. Il est plus Marseillais. Et ça y est, il devient goal de l'équipe de France. C'est un signe. Ça. Il joue les deux matchs de l'équipe de France parce que Loris s'est blessé. Il n'est pas sélectionné, c'est pour ça. Non, mais c'est intéressant quand même. Bah, il part de Marseille et hop là, on le fout dans les cages. Il a déjà pas mal de sélections, Mandanda, en équipe de France. Mandanda. C'est un pionnier, il est là. Bon, on suit le match en direct avec vous. Vous nous laissez vos réactions. On donnera la note d'ailleurs du match. La note à la mi-temps tout à l'heure. Restez bien sur Skyrock. C'est vous qui serez les profs aujourd'hui en cette journée de rentrée. Ouais. Alors, la rentrée des Bleus, ok. Mais alors, votre rentrée à vous, c'était comment si vous êtes rentré aujourd'hui? Sympa. Dites-nous, il y en a qui rentrent demain. Ben, bon courage à vous. Il y en a qui sont déjà passés par là aujourd'hui. Dites-nous comment ça s'est passé. Et si vous avez une classe de merde ou pas? Ah, bah attends, j'avais déjà Coralie là. Karina, pardon, qui nous a laissé un message. Je suis dans une classe, il y a toutes les meufs les plus pétées du bahut. Ah, mort de rire. Année de merde. T'as de la chance. Allez, t'as trop de chance. Hashtag année de merde pour toi. Bah, peut-être que ça va devenir tes meilleurs amis. des fois, tu sais pas. Est-ce que vous avez déjà eu des gros cons dans la classe? Racontez-nous. Est-ce que vous avez une nouvelle classe avec des gros cons à l'intérieur? Racontez-nous aussi. Il y a partout des cons. Ou alors, vous êtes dans une classe super. Oui, c'est rare d'avoir une classe où il y a que des mecs cool et des meufs cool à l'intérieur. Oui. Mais racontez-nous. Voilà, parlez-nous également des profs. Il y a Momo qui nous dit moi, j'ai la prof la plus sévère en maths. En plus, on comprend rien de ce qu'elle dit. Elle parle tout doucement. Connasse, hashtag connasse. Ah bah tu vas passer une bonne année toi. Oui, merci Momo pour ton message. Tous vos messages en direct, bonjour à Diablotin, bonjour à Gionit, à Charles qui vient d'arriver, bonjour Ophélie, à Jules qui est là, bonjour à Cortez, à Rick Ross, 17 ans qui nous dit bonsoir, bonjour Rick Ross, je vous adore, pour Momo Mara, bonjour Momo Mara. Le cul défoncé de la Marie. Bonjour le cul défoncé de la Marie qui vient de rentrer. Je suis rentré, je connais personne dans ma classe, c'est que des profs cons. Bonne nouvelle. Bonne rentrée. Hashtag année de merde. Rentrée de FDP pour Rick là sur SMS. J'ai tellement une classe de merde que je me suis enfumé toute la journée. Bonjour à toi, mon ami. Bienvenue. Bumila qui est là aussi. Blue vient d'arriver. Allez-y, profitez-en. Vous nous laissez tous vos messages. Et si on peut faire quelque chose pour vous pour la rentrée, vous nous faites signe. Moi, j'ai un de mes neveux qui est arrivé une galère. Déjà aujourd'hui. Alors, vous nous racontez racontez-nous les galères de la rentrée. Comme ça, si vous avez une rentrée difficile, vous vous sentirez un petit peu moins seul. On salue le câble HDMI de la PS4 qui rentre en médecine cette année. Lui, il a jusqu'au 12 septembre pour la rentrée. T'es tranquille. Ouais, bon courage à toi. Hein. Jojo Ben, lui, il a une vieille prof. Décris-nous ta vieille prof. Et si vous avez des photos, parce que je vous ai demandé des photos hier. Les photos de la rentrée, vous nous les envoyez, ou alors vous les faites demain si vous rentrez demain, ou si vous avez oublié de les faire aujourd'hui. Et vous envoyez tout ça à, sur l'appli Skyrock, par exemple, elle marche très bien. On salue Stéphane qui est sur l'appli, qui nous envoie une belle photo. Et bien vous nous envoyez tout ça sur l'appli Skyrock, histoire qu'on voit la tête de vos profs, la tête de vos collègues de classe, la tête de vos potes. Allez-y, profitez-en. Alors, les galères de la rentrée, bah tiens, on peut commencer tout de suite avec toi, Romano. La galère de ton neveu, qui est rentré en quelle classe, le petit neveu? Cinquième. Ah, il est en cinquième quand même. Ouais, bah c'est le plus petit des deux. Hein. C'est un grand neveu. Hein. Non, c'est le plus grand des deux. Non, l'autre. Non, lui, il rentre en quelle classe? Non, le plus grand, il rentre en cinquième et le petit. Eh bah, t'es bien renseigné? Il doit rentrer en sixième alors. Bah, je sais pas, c'était neveu, Romano. Le tien. Oui, non, mais neveu, il te demande à toi. Il me pose des questions à moi. Attends, mais. C'est attends, pas putain, mes neveux à moi. Trop, en fait, du coup. Tu te rappelles comment il s'appelle? Ouais, ça, je m'en souviens. Très bien. Mais on attends. Il rentrait au collège, quoi. Bon, il rentrait au collège. Voilà, oui. Bon, hier soir, tu sais, il se couche plus tôt que d'habitude pour se remettre dans le bain. Dans le bain, tu sais, il prépare ses affaires. Ce matin, il se lève bientôt, il prend son cartable, il va au bahut. Personne devant le bahut. Il fait merde, le con. Donc il va à l'arrêt de bus et là il y a un chauffeur de bus qui attendait, qui fumait sa clope et lui dit mais tu t'es trompé mon petit, la rentrée c'est que demain pour le collège ici. Non, non, et en fait sa mère elle s'était trompée, elle l'a envoyé au collège aujourd'hui alors qu'elle n'avait pas. Il n'y avait personne donc il est rentré. Hier soir il s'est couché tôt pour rien, pour il a niqué une soirée pour rien. Voilà. Et coup d'envoi du match, ça y est, c'est parti pour Italie, France, les 15 premières secondes. Et c'est les Italiens qui ont la balle. On suit le match en direct avec. Hey, Cédric, comme il est bête. Le mec, je lui dis de me mettre le match. C'est con, il m'a envoyé spécial. Ah ouais. Le match là. Ah ouais. Maintenant qu'il y a des envoyés spéciaux aussi pour les matchs de foot. Non, spéciaux. Voilà, des envoyés spéciaux partout. Ouais, spéciaux. Tiens, on a Samuel pour le match de foot en direct avec nous. Salut Sam. Sam du 59. Salut. Ça va Sam? Salut tout le monde. Salut l'équipe. Ça va. Salut Sam. Ça va. Coucou. Alors toi t'as 27 ans et t'es lillois et tu voulais me non, faire. Non, je suis de Valenciennes, ouais. T'es de Valenciennes, excuse-moi, c'est pas. Ah, pardon, désolé. Voisin, mais c'est pas pareil, attention. Ouais, pas pareil. En direct de Valenciennes. Et tu nous appelais pour Italie-France, toi. Alors, Italie-France. Bah franchement, le pronostic, je pense que la France, il y a moins qu'elle gagne. Ça ouais d'ailleurs, vos pronostics. Vos pronostics qui vont dans ce sens. Ce matin on a fait un sondage express, vous étiez 71% à parier sur la victoire de la France, 14 pour l'Italie, le reste pour le match nul. Donc toi t'es pour la France, 2-1 pour la France. Ouais, 2-1 pour la France, je pense que. Ce que j'avais dit ce matin. On est largement capable de gagner. Ouais, moi aussi. Allez les bleus, allez les bleus. Ouais, allez les bleus, allez les bleus. On suit donc le match en direct. Allez, match amical avant mardi prochain. Un gros match, puisque lui, ce sera un match qui comptera pour la. Les éliminatoires de Coupe du Monde 2018. Et ça, c'est important pour le mondial de 2018. Parce qu'en 2018. C'est important pour le moral. C'est reparti. Ouais, mais bon, on est une équipe jeune, pas mal. Et premier tir de l'Italie. Mais bon, pour rien du tout, c'est eux qui ont tiré à côté, les Rital. Voilà. Bon, on suit ça en direct. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. Et ouais, bien sûr. Bip, bip. Bon, tu bosses toi, Sam, t'as 27 ans, c'est ça? Non, je bosse pas, non, je suis en recherche d'emploi. Ah, tu cherches un taf, toi, donc t'es encore en vacances, c'est bien pratique, dis donc. Ouais, ça va, ouais, c'est les vacances prolongées, on va dire. Voilà, bien sûr. Mais cool. Bon, ce matin, c'était la rentrée de ma copine, donc c'était réveillé de bonheur. Mais elle a quel âge? Ah, elle a 24 ans. Ah, j'ai eu peur. Ah, tu crois que c'est la rentrée des classes? C'est la rentrée de ma copine, j'ai l'accompagnée avec son petit sac. Ouais. Oui, elle est rentrée en CP. Ah ouais, c'est bien, les jeunes. Oui. C'est pas comme Romano, c'est pas trop bête de journée, c'est bon. Ah ouais, t'imagines ça, tu vas en cours, tu te retrouves tout seul au bahut, donc petite angoisse, et après on t'explique que ta mère, elle s'est trompée de jour. Non mais c'est ça, mais ouais, non mais la mère est en pleine forme, d'après ce que je vois. Ah ouais, elle est en avance, ouais. Oui, bon. Non mais lui, il a flippé parce qu'il s'est dit, ouais, pour un peu, il y a un problème, je suis en retard, le rendez-vous, il était pas à la bonne heure, donc il a appelé sa mère en panique, quoi. Non mais du coup, il est rentré après à la maison. Ah bah ouais. C'est levé pour rien, quoi. Non mais au final, c'est mieux que d'avoir une journée de cours. Non mais c'est bien, ça lui a fait de l'entraînement. Ouais, voilà, au final, ça lui a fait de l'entraînement, on peut dire ça comme ça. Il fallait qu'il prenne le bus, tout ça, pour aller jusqu'au bahut. Ah, comme ça, il est rodé là. Ouais, comme il y a vu si c'était le bon horaire et tout, comme ça, moi, il sera à l'heure. Nickel. Voilà, comme ça, il est prêt. Bon, bah écoute, merci Samuel, on verra si. Je peux faire une petite dédicace. T'as le bon pronostic 2-1, c'est également le mien. Alors, petite dédicace, ouais, vas-y. Et puis on prend Isaac, il y a une urgence du côté de Mulhouse là tout de suite, on va s'en occuper. Ah bah allez. Petite dédicace à ma chérie, ma proutoutoune d'amour. Et à tous mes potes, tu me reconnais trop, Sam Samoff. Eh bien, salut Sam Samoff, salut la proutoutoune d'amour, et salut Valenciennes, salut Sam. Salut, merci, à la prochaine. Salut à toi, salut, bon match. Ciao Sam, bon match à vous aussi. Hein. Pour l'instant 0-0, on est à 3 minutes de jeu et on suit ça en direct sur Skyrock évidemment parce qu'on est premier sur le foot bien sûr. Alors ouais, une urgence, c'est juste après double appel avec les familles de France qui vont débarquer en direct sur Skyrock. Et puis donc là une urgence avec Isaac, ouais c'est ça, Isaac de Mulhouse. Alors, on m'a dit qu'il y avait urgence. Qu'est-ce qui se passe, Isaac? 18 ans et à Mulhouse. Salut tout le monde. Salut, Isaac. Salut. Coucou. Mais c'est une urgence, urgence ou Ouais. Ah ouais, parce que on m'a dit qu'il faut le passer tout de suite. Alors, je te passe tout de suite, Isaac. Vous appelez 01 53 40 30 20. Vous débarquez sur l'antenne. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Ben là, je suis coincé dans le tram, en fait. T'es coincé dans le tram. Mais le tram, il est où? Là, il est en pleine voie, là. Donc, il est en pleine voie. Mais il était tout seul dans le tram, coincé dedans? Non, non, il y a quand même des gens. Ah, parce que c'est toi, Romano, qui t'étais retrouvé tout seul dans un bus, parce que non, c'était pas un bus, moi, c'était un métro. Un métro, oui, tu t'étais endormi dedans. Mais en fait, moi, je m'étais retrouvé au garage, moi. Au garage. C'est-à-dire, non, mais ouais, on était sur, bon, enfin, évidemment, si tu fais chaud sur les voies, mais il était, en fait, il avait été se garer pour faire, je sais pas quoi, un peu de maintenance, et après, il repartait dans l'autre sens, quoi. Voilà. Et donc, toi, t'étais endormi dedans. Comme t'es tout petit, il t'avait pas vu, tu t'étais retrouvé au garage. Non, mais tu sais, il vérifie pas, hein. C'est pas comme les TGV, hein. Les TGV, vérifie, mais les métros, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, je travaillais à Skyrock déjà. Ouais. Et je travaillais de minuit à 6h. Et à 6h du matin, j'avais 21 stations de métro à faire pour rentrer chez moi. Enfin, 21. Ouais. Oh, ça en fout, ça. Ouais, ouais, c'est un truc de ouf. Sans changement. Et en fait, tu sais, un matin sur deux, je m'endormais, quoi. Tu sais, je me faisais. En plus, à 6h du matin, tu sais, il y a encore pas grand monde. Ah ouais, c'est vrai. Donc je me calais, tu sais, je m'endormais. Et arrivé à la dernière station, après le truc, il l'envoie au garage, quoi. Ouais, ouais, direct, et moi, je m'étais retrouvé là-dedans. Et le mec, il me pourrit la gueule. Mais c'est chelou parce que normalement, le mec, il doit faire un tour, vérifier s'il y a quelqu'un. Bah là, il avait pas dû envie de faire le tour. Il l'avait pas vu. Il est tout petit. Il était sous le siège. Ça va, je me suis pas couché sous le siège non plus. Il dormait entre deux sièges. Il était tombé dans le trou, vous savez, entre les deux sièges. Terrible. Et ce qui s'est passé, c'est que le mec, donc là, arrivé au garage, là, il y a un mec qui a fait le tour. Il me fait, qu'est-ce que vous foutez là, vous? Espèce de con. Bah, je fais, bah, je dors. Bah, je dors dans ma nouvelle maison. Moi, je lui dis, mais je fais, on est où là? Il me fait, bah, vous êtes au garage, hein. Il me fait, bougez pas, ça repart dans 5 minutes dans l'autre sens. Donc j'ai attendu, puis je suis reparti dans l'autre sens, quoi. Et voilà. Et toi, pourquoi t'es bloqué dans le tram, toi, Isaac? En panne? Non, en fait, je rentrais des cours, en fait. Ouais. Et, sympa, la rentrée. Je sais pas, peut-être pas de courant, peut-être, je sais pas. Mais vous êtes combien à être bloqué dans le tram? Je sais pas, peut-être 10, 15, je crois. Et ça fait combien de temps que t'es bloqué? Je sais pas, ça doit faire une heure. Et ah, vous dites une heure, t'imagines, tu t'es tapé une journée de cours ou une journée de boulot, tu prends les transports. T'as qu'une envie, c'est de rentrer chez mais toi. Mais pourquoi tu descends pas du tram? Et encore, t'as de la chance, hein. Y a que 10 personnes, hein. Le truc, il aurait été blindé à bloc. Ah ouais, ouais. Tu sais, genre avec des gens debout et tout. Ouais, mais sors. Et des gens qui puent. Imagine des gens qui puent. Voilà, coucou, j'arrive dans le tram. Ce qui est bizarre, c'est que personne ne vous dise rien, tu sais, dans le micro ou un truc, quoi. Ah, ils vous ont rien expliqué. Non, ouais, c'est une pointe du courant, je sais pas quoi. Ah, donc déjà. Mais c'est quoi? C'est un tram automatique ou y a un chauffeur? Il y a un chauffeur. Faut chanter chauffeur, si t'es champignon. Ah, sur champignon. Et le mec, mais il fait quoi, lui? Il s'ébarre, mais c'est chelou, c'est quand même. Parce que... je sais pas, il appelle les contrôleurs, je sais pas quoi. Il dit, il faut attendre. Mais vous pouvez pas ouvrir les portes. Et pourquoi tu sors pas? Et pourquoi vous poussez pas le tram? Ouais, bah, bien sûr, t'as raison, ouais. Je suis quand même dehors, quand même. C'est dans quelle ville que t'es bloqué, on nous demande? Rentre à pied, mec. C'est à Mulhouse. T'es loin de chez toi? Ouais. Ah ouais, ouais, donc rentrer à pied. Ah, si, t'as les ouvertures automatiques. Et les gens, ils sont à bout de nerfs, ils sont comment, les gens dedans? Non, ils sont énervés un peu quand même. Ah bah oui, tu m'étonnes. Comment ça se fait et tout, je sais pas quoi. Bah, c'est scandaleux de payer un abonnement pour un service aussi merdique. Non, mais c'est vrai. T'as qu'une envie. C'est rentrer chez toi, tu te retrouves bloqué une heure. Ah ouais, l'enfer. Et là, la journée de cours, c'était comment pour savoir si t'as vraiment une journée de merde du matin jusqu'au soir? Non, là, je suis dans une classe de merde. Tu vois, il y a des profs de merde. Oh, bah, la totale, quoi. Très bien, mais t'es pas le seul. On a eu plein de messages. Une vie de merde. Ouais, ouais. Il y a Kevin qui nous a laissé un message aussi, qui a eu à peu près la même aventure que toi. Tous mes potes de l'année dernière sont dans une autre classe. Je suis exclu. Qu'est-ce que je peux faire? Aller voir le proviseur? Ouais. Ah, peut-être. Non, mais moi, je suis complètement tout seul, tu vois. J'ai pas de potes, j'ai rien, j'ai personne, tu vois. Ah oui, t'ont foutu dans une classe où tous tes potes, ils sont pas dedans. C'est voilà. Total. Ah ouais, ça c'est horrible. Ah ben profite-en pour te faire des amis dans le tram pendant qu'il est à l'arrêt. Pourquoi pas? Très bonne idée, Romano. Mais c'est reparti. Gling gling. Gling gling. Ça c'est bon signe. Le petit bruit, ouais. Parti pour un tour. Ça y est, vous redémarrez? Peut-être 27, attends, non, pas encore, non. Ah, pas encore. Ah, une fausse joie. Non, non, le mec teste la cloche. Ouais, c'est cool, ça va. Voilà. Il a clé, il a clé, il t'es sur quelle ligne de tram? Il y a des Mulhousiens qui nous laissent des messages. C'est, Je suis sur, la 1, je crois, je sais plus. Et vous avez beaucoup, il y a plusieurs lignes de tram à Mulhouse? Excuse-moi, je connais pas. Ouais. Ouais. Ah putain, bah, c'est la ville du tram, hein, Mulhouse. Donc voilà, prenez le tram à Mulhouse et vous avez un petit bonus. C'est-à-dire qu'au lieu d'y rester, je sais pas, 20 minutes, si c'est le trajet entre chez vous et le boulot ou le bahut, eh bien vous y restez 1h30. C'est super. Ah, mais ça, voilà. C'est génial, ça. Et ça, c'est quand même super. Ah ouais, tu m'étonnes. Et ouais. Ah, c'est cool, hein. Bah oui, c'est cool. Bon, bah écoute, Isaac, j'espère que tu t'es réveillé avec nous. Moi, il y a eu un bon moment dans ta journée. Puis couche-toi avec nous, tu verras, il y a un deuxième bon moment qui t'attend, là. Parce qu'on a plein de trucs. Ah, là, je vais me coucher avec vous, tiens. Très bien, bah couche-toi avec nous, on a plein de trucs à faire ce soir. Bon, bah ouais. bon courage, ouais, Isaac. Bon courage. Hein. Ah, bah ouais. A priori, merci, si ça fait gling-gling, c'est qu'ils ont retrouvé l'électricité. Bah là, je pense. J'ai une bonne nouvelle, les lumières sont allumées. Oui, c'est ça. Le gling-gling signale qu'il y a de l'électricité et les lumières s'allument. Ça va repartir. Je pense que c'est bientôt parti. Bah, normalement, ça devrait partir dans 5 minutes. Hein. Bon, bah écoute, bon courage. Et après, dans combien de temps t'es chez toi? Bah, dans peut-être 10 minutes. Voilà, dans 10, t'imagines. Ah, t'es à 10 minutes de chez toi. T'es bloqué à 10 minutes de chez toi, ouais. Voilà. Dites-nous si vous avez déjà eu des galères dans les. Ah, faut y aller à pied aussi. Dans les bus. Trop loin. Ah, trop loin, ça te fera les jambes. Bah, en une heure, tu seras arrivé, hein, sans problème. Hein. Peut-être. Ouais, peut-être. Mais au début, tu sais pas que ça va durer une heure. Bah, après, c'est vrai, ouais. Oui, puis tout dépend les espaces entre chaque station, quoi. Ouais. Regarde, il y a toi. Rentrer à 22h30 chez moi, ça fait chaud quand même. Ouais, ouais. T'as commencé à quelle heure ce matin, toi? 8h. Ah, ouais, ça fait une grosse journée quand même, hein. Ouais. Ouais, grosse journée. Il y a Toa qui nous dit, il a 20 ans, il nous dit ça arrive presque tous les jours dans le RER, alors qu'il se peine très trop, le campagnard. Mais c'est pas la campagne, Mulhouse. Regardez-moi les Parisiens. Les Franciliens, là, qui laissent des messages. Mais c'est vrai que le RER, c'est assez sympa. C'est un peu aussi, la campagne, ouais, Mulhouse. Putain, c'est une galère, le RER. T'as eu déjà des galères, Cédric, dans le RER? Je sais qu'il y en a un qui s'était arrêté pour cause de surpoids quand il était rentré dedans. Ah non, non, rien à voir. Ah bah si, Romano m'a raconté ça. Non, mais ah si, si, affaissement des voies. Affaissement des voies et écroulement d'un pont. Oh, excusez-moi, je suis dedans. Oh, non, souvent, le RER, il s'arrête, tu vois. Genre, tu sais, je sais pas, pendant 10-15 minutes, le train s'arrête entre deux stations, puis ça bouge pas. Bon, en attendant, Le pire, c'est quand t'es en plein après-midi, qu'il fait chaud, que le train, il est blindé. Et que les gens puent. Ah ouais, putain. Ah, moi aussi. Pleurer, je te jure. Et toi sinon, aussi. Un truc qui m'a fait une fois, c'était ça, c'était sympa aussi. C'est que moi, je prenais le dernier train pour rentrer chez moi, à minuit 30, minuit 40. Mm-hmm. Et en fait, ce jour-là, ils ont sauté le dernier train. C'est-à-dire que le dernier train, en fait, il a supprimé. C'est-à-dire qu'il y avait, je sais pas, une trentaine de personnes sur le quai. Oui, il y a Cédric dans le dernier train, qu'est-ce qu'on fait? Ah, bah, supprime, laisse tomber, tu rentres plus tôt. Bah, t'as l'air d'un con, tu dois prendre des bus de nuit, en plus c'est une galère parce qu'il faut en prendre plusieurs pour arriver à la gare. On annule, il y a Cédric dedans. Ouais, allez, annulez. Ah, c'est sympa, hein, les trains, les RER. Bon, bah écoute, bon courage à toi, Isaac, et puis vos messages pour Isaac, pour tout le reste. 01 53 40 30 20. C'est le meilleur, Cédric. Ah, c'est gentil, poteau, merci. Bah, hier soir, non. T'inquiète. Bah non, mais t'inquiète demain. Il va reprendre la main, t'inquiète. J'espère, crois, poteau. C'est parce qu'il nous a dit que sa team était encore en vacances hier soir. Ouais, mais là, c'est la rentrée. Restez-y. Ouais, la team Le Belge, restez en vacances. Ah, mais c'est la rentrée, là, c'est reparti, t'inquiète, tu verras demain soir. C'est la reprise, là. Ouais, demain, ça clash, et en direct sur Skyrock. Ouais. On salue le chauffeur de. La machine en route. On salue le chauffeur de. Oui, la machine en route. Bah, la tienne de machine, ton tram, il est en route, ça y est, c'est reparti. J'ai regardé à Mulhouse, il y a 3 lignes de tram. Ouais. Une ligne de train-tram, en fait. Merci, Cédric. Voilà, vous connaissez mieux les transports urbains de Mulhouse. Et ça, Cédric, c'était super. Mais tu sais qu'on s'emballait un peu les couilles, sérieux. T'es entre la gare centrale et Châtaignier, c'est ça? Ouais. Voilà. Merci, Cédric. Bah, écoute, là, on est rendez-moi si vous avez besoin d'infos. Là. Bah, non, on a besoin de rien. Moi, je vais passer le week-end à Mulhouse maintenant que je connais les. Si on pourrait te demander de fermer ta gueule ou pas? Non, ça, tu vas te calmer. Oh, Romano, ferme ta gueule. Elle va prendre ton tram. Merci, Isaac, en tout cas. Salut, Isaac. On t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison, comme ça, t'auras pas attendu pour rien. Et on salue Hichem, qui est chauffeur de bus à Lyon, et je peux vous raconter un paquet d'histoires. On va peut-être te passer un petit coup de fil. Vos galères dans les bus, je sais pas si vous avez vu des gens chelous, dans les bus, les trams, les métros, ou dans les trains aussi. Racontez-nous, dites-nous, vous avez vu des gens chelous, vous avez assisté à des trucs de malades. Ah, les mecs qui tirent l'alarme. Ah, tiens, un truc horrible, là, un mec qui tire l'alarme, tu te parles de ça, Cédric. Moi, j'ai une auditrice de Skyrock, l'inconnue de Skyrock, 19 ans, qui a déjà vu devant le métro un mec se jeter sur les rails. C'est horrible. En plus, il a bloqué tout le monde. Oui, mais bon ça, ah ben, en général, oui. Mais souvent, il y a des retards à cause de ça. Ouais. Accident en voyageur, Accident voyageur en général, c'est que l'accident, c'est qu'il est passé sous le truc. Bah, c'est ça, ouais. Mais c'est quoi, c'est des mecs qui se suicident ou des mecs qui tombent? Ouais, c'est des mecs qui se suicident, ouais. Ah ouais. Et ça mêle les trucs. Non, mais après, c'est déjà arrivé, ouais, que des gens tombent. Ou, il y avait pas une histoire à un moment donné, il y avait des histoires avec des pousseurs, qui poussaient les gens sur les rails. Oui, un mec qui s'est fait arrêter parce que son délire, c'est de pousser les gens sur les rails. Imagine le taré. Bah, il y avait aussi un mec, là, qui traînait, c'était où? dans le centre de Paris vers Invalides. Et le mec, il balançait, il avait une seringue et il mettait de l'acide sur les gens. Il y a quelques années. Ah, voilà. Lui aussi, il était lui bien aussi, amoché. Ouais, lui, tu m'étonnes, ouais. Ouais, ouais, je sais plus quel acide et ça brûlait les gens, tu sais. Ah oui, il était pas mal, lui, tiens. Ah, il était arrangé, ouais. Bon, vous êtes bien, les Mulhousiens, les Alsaciens. Merci pour les coups de fil et les messages. Isaac, il a redémarré ton tram parce que sinon, on a Alan de Mulhouse, il est prêt à venir te chercher, hein. Ouais, il est taxi, mais le compteur en route, hein. Il arrive. Non, il a pas encore démarré, non. Ah bah attends, on va peut-être te le passer. Alors, t'es là, Alan? Ouais, je suis là. Eh ben, bienvenue. Salut, toi. Alan. Sympa, Alan. Salut. La solidarité alsacienne ce soir sur Skyrock, là. Donc, exactement. T'as 23 ans, t'es. Où, Isaac, là? T'as une voiture, t'es où, Isaac, exactement? Ben là, je suis vers. Attends, je vais te dire ça. Je suis vers. Tu sais, il y a plein de magasins. Même il y a la grande récré en face. Juste devant la grande récré. Ah, ouais. Porte jaune. Ouais. Porte jaune. Ah, porte jaune. Voilà, moi c'est jaune devant, marron derrière. C'est slip jaune. Ah ouais. Slip jaune et marron. Surtout beaucoup marron. Donc porte jaune, la grande récré. Tu vois où c'est, Alan? Ouais, je vois. Ouais, c'est juste à côté de République. Ouais, non, je vais pas y aller. En fait, ouais, c'est une galère là-bas. Tu vas aller le chercher, non, c'est ça? Oh non, non, c'est trop loin. Ah, bon. Je peux le chercher, il n'y a pas de souci. Bon, hein. Isaac, Alan, on vous met en contact. Et puis, bah voilà, la Sky Solidarité joue à plat. C'est hyper gentil. Ouais. Ah bah c'est voilà. Super, ah, c'est cool. Alan. On va t'offrir un maillot, tu choisis un maillot de foot, de rugby, de tout ce que tu veux. On t'envoie ça à la maison, Alan. Ouais, un maillot de basket, c'est possible. Bah basket, on a aussi, ouais. Tu veux le maillot de qui? De l'équipe de France. L'équipe de France, les Bleus, même si on a perdu. Tant qu'à faire. Au JO, c'était pas super. Hein. Ouais. On t'envoie le maillot des Bleus et bah merci pour la Sky Solidarité. Et Isaac, il y a Alan qui arrive tout de suite alors. Hein. Ouais, pas de soucis, hein. Et bah voilà. Et bah c'est cool. Bah on vous met en contact. Et oui. Ouais. Merci pour cette belle Sky Solidarité. C'est cool. Merci les Alsaciens. Salut Mulhouse. Salut. Au revoir. Salut. Au revoir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Salut Mulhouse. Bon, merci à vous. On prépare Jules. Qu'est-ce qu'on va écouter de Jules? Moi j'écouterais bien mon bijou. T'es mon bijou. Ben oui, mon bijou. Tu me fous pas, je veux mon bijou. C'est le son qu'on va écouter tout de suite sur Skyrock. Le match de foot, toujours 0-0 entre l'Italie et la France. Match de foot à suivre. Et dans un instant, attention, attention, les familles du double appel débarquent. D'ailleurs, laissez-nous les numéros de téléphone que vous voulez qu'on appelle ce soir. Si vous connaissez quelqu'un, j'ai le numéro de la sœur de Sonia, là, sur le 41-759. Ma sœur qui pète un câble dès que quelqu'un l'appelle. Bon, écoute, ça tombe très bien. C'est exactement ce qu'il nous faut, dis donc. Parfait. Allez, c'est parfait. C'est parti. C'est Jules tout de suite. Mon bijou, Jules sur Skyrock. Première radio urbaine mondiale. Demain matin, ils vont tous se réveiller sur Skyrock. Hi, this is Rihanna. Maître Gims. Hey, it's Beyoncé. Salut, c'est Romano. Wesh l'équipe, c'est Jules. C'est Sabrina. Hey, this is Justin Timberlake. Salut, c'est Difool. Salut, Difool, c'est Momo du 4-2. This is Bruno Mars. Bonjour, c'est Pamela. This is Eminem. The Morning Show. Toi aussi, rejoins-nous demain matin en direct de la part dès 6h pour le retour du morning de Difool avec 1 500 € à gagner toutes les 30 minutes si tu réponds que ta radio préférée c'est Skyrock. 6h-9h. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Et bon, Skyrock sur le foot, bien sûr, et 1-0. 1-0 pour les Bleus. C'est Martial. Buffon n'a pas suffi. C'est Martial qui a marqué. Ouais. Bravo Marie, première sur le foot, bien sûr. Oui. Tu es notre Estelle Denis. Je sais lire. Oui. Tu es Estelle Denis, mais tu transpires moins. Oui. Estelle Denis transpire beaucoup. Ah, bon, ah ouais, putain, elle a des putains d'auréoles sous les bras. Ah ouais, c'est abominable. J'ai jamais remarqué. Elle sue beaucoup, Estelle. Ou alors il fait très chaud dans les studios de. Tu vois les disques à l'ancienne, là, les vinyles. Ouais, ouais. Bah c'est pas. Elle a ça, elle a un vinyle sous chaque bras. Ouais, mais un 33 tours. Mais faut qu'elle mette des serviettes hygiéniques sous les bras. Ah bah je sais pas ce qu'elle mette, peut-être du déodorant aussi. Estelle Denis, si tu nous écoutes, mets des serviettes hygiéniques et du déodorant sous les bras. Et but des Bleus. Il y a Matuidi qui est content, bah nous aussi. Griezmann qui fait un grand sourire. Et Varane, Martial qui a marqué le but. Martial, ouais. Ouais, ouais. À la 17ème minute, 1-0 pour la France. Allez, en Italie. Bon, Anthony Martial. Ça se joue en Italie, à Paris. Et c'est sur Skyrock, évidemment. Et déjà un but pour les Bleus. Allez, les Bleus, match à suivre en direct, évidemment, sur Skyrock. Maître Gims, à contre-cœur. Retrouvez tous les tubes de Mon cœur avait raison, enrichis de 7 inédits. Inclus Est-ce que tu m'aimes, Sapé comme jamais, Ma beauté, Boucan. À contre-cœur, le meilleur des pilules rouges et bleues, plus 7 inédits, disponibles maintenant. Allez, attends. toi, Jérém. Je suis sûr que t'es un mec marrant. Ok. Alors en fait, c'est l'histoire d'un mec qui est en vacances et. Stop! T'en as marre de raconter des blagues pourries? Télécharge Yax. YAX. Yax, c'est l'appli pour délirer et faire marrer tes potes. Dépêche-toi. Le peuple Yax t'attend. Yax. YAX. Mécanique Résurrection. Jason Statham reprend du service. Tu as 36 heures pour éliminer toutes les cibles de cette liste. Sinon, c'est moi qui vais éliminer. 3 continents, 3 cibles à abattre et 36 heures pour sauver celle qu'il aime. Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones. Mécanique Résurrection. La mort n'attend pas. Comme moi, actuellement au cinéma. Avec Skyrock. Et c'est déjà reparti sur Skyrock à 0 pour les Bleus. Italie-France, on gagne. Allez les Bleus. 21h minuit, Tifoul, Radio Libre, tous les soirs sur Skyrock. Et ouais, Jules maintenant, mon bijou. C'est le son qu'on va écouter tout de suite. Les Bleus à suivre, vous tous en direct. Les transports et ce qui se passe dans les bus. Ah, vous voyez des... exhibitionnistes. Absolument, oui. Oui, ah bah tiens, on en a avec vous. Absolument, je montre ma queue. Bonjour Patrick, comment vas-tu? Ah, je suis bien décaloté là. Les exhibitionnistes. C'est Coralie qui nous a laissé un message. Bon, on en reparle tout de suite, on écoute mon bijou, c'est Jul, évidemment sur Sky. Dis-moi tout, y'a des bruits qui courent, y'a des têtes qui tournent, faut que je te dise tout, il est magique ton boule, viens on va faire un tour, avant que je perde le nom. Oh mon bijou, oui, viens faire un bisou, je sers, tu m'as quoi tu joues, voilà, tu vas me rendre fou, je veux qu'on se lâche plus quand tu me sers dans tes bras, je veux présente dans les hauts et les bas, j'y crois. Mon bisou, je fous de toi, je veux mon bisou. Dans mon bisou, oh, oh. Dans mon bisou, oh, oh. Je te veux inviter à moi, tu peux me laisser, t'as le choix. Je suis content, ça se voit. Quand j'entends ta voix, je t'aime bien habillé ou en pyjama, coiffé ou avec les pinces. Des fois tu sais pas où t'as mal, suffit d'un sourire pour faire une étincelle. Y'a ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours mes yeux te dessinent, je pense à toi quand je suis dans ma piscine. Y'a ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours mes yeux te dessinent, je pense à toi quand je suis dans ma piscine. T'es mon bijou, je suis fou de toi, je veux mon bisou. Dans mon bijou, oh, oh. T'es mon bisou, oh, oh. T'es mon bisou. J'suis fou de toi, je veux mon bisou. Dans mon bisou, oh, oh. Dans mon bisou, oh, oh. T'es mon bisou. But de l'Italie, ah là là, partout. Légalisation. Ah, va fanculo, va fanculo, but de Pelé. Pelé, Pelé. On s'est pris un but là pendant le son de Jules. Deux buts en deux minutes là sur Skyrock. Fait chier quoi. Ah, ouais, fait chier, hein. Bon, match amical, mais fait chier quand même. Un but de l'Italie. Va cagarrer quoi. Exactement, va cagarrer. Si, ça veut dire va chier. Va cagarrer. Un partout, but de Pelé. Le premier but c'était de Martial. À 4 minutes d'écart les deux buts, c'est France-Italie du suspense. Tifoul, Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Ouais, c'est nous avec toute l'équipe qui est là. La Marie, yes. Cédric, Samy, ouais. Karim, ouais. Romano, ouais. Vous tous, ouais. Vous tous en direct de toute la France. Ouais. Bonjour au gangster qui vient nous laisser un message. Salut le gangster. Bonjour à Lenny, à Jules, à Flo. Putain, il y a plusieurs Jules qui nous écoutent. Et il y a Jules qu'on passe en plus à la radio. Magnifique. Il y a Cortez aussi, Bellichou. Bonjour à Pézenas. Bonjour à Pézenas, mais bien sûr. À gangster du 75-04. Moi j'ai un gangster, toi t'as un gangster, Romano. Ouais. Là. Bonjour à celui du 62 au blond et à tous les autres. Stamero qui vient d'arriver également. Vos messages tout au long de la soirée, ils arrivent directement dans le studio. Quelle chèvre ce Mandanda. C'est qui envoie ça? Pézenas. C'est Pézenas justement, ouais. Alors, ouais, Samy. Ouais. Bah, il joue à Crystal Palace, hein, vous pouvez le traiter, moi. Allez-y, hein. Allez-y. Mandanda, quelle chèvre. Bon, en tout cas, un partout. Moi, j'ai pronostiqué 2-1. Il suffit que la France marque encore un but. Et j'ai gagné 100 euros puisque j'ai parié avec Romano. Voilà, hop. Ah ouais, total, on n'arrête pas du tout. 600 euros. Ce matin, t'as dit 2-0, toi, hein, c'est ça hein. Non, j'ai dit 1-0. 1-0. Bon, bah, t'as perdu ton pronostic. C'est déjà mort, moi. Ça, c'est déjà mort. Moi, j'ai dit 1-1. Moi, je suis encore dedans pour les premiers. Moi aussi. Ouais, on est encore dedans. Attention, évidemment, vous avez tous copié sur Difool. Non, moi, j'ai dit 1 partout. J'ai dit avant. À part Karim, c'est vrai, ils ont tous copié sur moi. Bah, non, Marie, tu l'as pas dit avant parce que Difool, il l'a dit ce matin. Je dormais. Bah, t'as 4 réveillés. Mais je l'ai dit avant. T'as 4 réveillés comme tout le monde. Et ouais. En plus, tu serais bien marré. On s'est bien marré. Vous avez vu au début du match, il y a eu un petit incident. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pendant la Marseillaise, donc les supporters italiens à Bari ont sifflé la Marseillaise. Et du coup, à l'initiative de Buffon, le goal de l'Italie, tous les joueurs italiens ont applaudi pendant la Marseillaise pour contrer les sifflets des supporters. Merci les Italiens. Ah, merci bravo. Buffon, merci. Ah, c'est un bon ce Buffon. Voilà, bon, pour moi, je suis un Buffon. C'est autre chose. Ouais, en fait, son nom, ça s'écrit Buffon. Je vais te voir, c'est qui Buffon. Jean-Luc Buffon en français. Jean-Luc Buffon. C'est son nom, Jean-Luc Buffon. Bah, il fait bien des Italiens. Ouais, tu vois, c'est mieux que Gianluigi Buffon. Gianluigi Buffon, c'est vrai, ça sonne un peu mieux. Ouais, Jean-Luc Buffon. Non, c'est Jean-Louis, c'est pas Jean-Luc. Jean-Louis, ok. Jean-Louis. Bon, bah, c'est pareil. Jean-Louis, c'est encore pire. C'est même pire. Jean-Louis Buffon, donc. Bon, il en a pris un, et nous on en a pris un aussi avec Mandanda, et on va remonter, vous allez voir. Oui. Moi, je les sens bien, les Bleus, ils sont chauds, ils sont contents, et puis on se prépare surtout pour le match de mardi soir, un autre match qu'on suivra en direct sur Skyrock. Regardez bien le match si vous aimez le foot, et puis vous nous donnerez la note de l'équipe de France à la mi-temps. On se prépare, et on est avec vous en direct. Hein. Le double appel, vous êtes prêts pour les familles du double appel? Allez. Merci pour les messages et les numéros que vous nous avez laissés là, sur le 41759 sur l'appli Skyrock, sympa. On va appeler tout ça en direct dans un instant. Et puis on a en direct avec nous. On va parler des transports. On a eu il y a un instant un beau moment de radio, un beau moment de la radio libre, une belle Sky Solidarité entre Alsaciens. Isaac bloqué dans le tram depuis une heure. Ouais, une heure que ça. Le tram est à l'arrêt. Il rentrait du bahut, t'imagines. Et puis Alan qui nous écoutait à Mulhouse dans sa voiture, qui va aller le chercher. C'est bon, on les a connectés les deux. Ah bah connectez-les vite. C'est bon. Bah oui, parce qu'autrement il va rentrer à 1h du matin, le pauvre Isaac. Mais t'es complètement idiot, Cédric. Pourquoi tu lui dis ça méchamment? Bah non, tu es très méchant ce soir. Mais pourquoi tu parles à moi, toi? Bah parce que pourquoi tu lui mets pas en contact? Eh oui. Parce que Samy va le faire là. C'est bon, c'est fait. C'est géré, les mecs. Toujours, tout est géré. Bon voilà, donc un souci de gérer, et on va parler des trucs dans les transports, des trucs que vous avez connus dans les transports, les moments difficiles dans les transports. Alors ça c'est quand même assez chaud. C'est Julia qui nous a laissé un message et qui nous dit qu'elle a une copine qui se faisait doigter dans le bus par son copain et qui s'est fait choper par un mec qui était juste à côté et qui arrêtait pas de les regarder, qui à un moment il leur a dit: vous voulez pas que je vous aide? Alors, en même temps, quelle idée de faire ça dans le bus avec du monde. Ah ouais, fallait le faire cacher, mais un petit doigt, c'est discret, un petit doigt comme ça. Ouah, c'est bizarre. Marie, c'est tu t'es jamais fait doigter dans le bus, toi? Non. Ken uniquement, d'accord. Ken, non, j'ai sucé le chauffeur. Parce que j'avais pas d'argent pour le ticket. T'es con, toi. J'ai payé en nature. T'as fait des saloperies dans un avion. T'as fait des saloperies quoi dans un avion? Bah, t'as sucé ton mec, quoi. J'ai sucé le pilote. Non, parce que sucer, c'est quand même pas très discret. Mais dans les toilettes? C'était le 11 septembre 2001. Ah, tu m'étonnes, merde. Ah, oui, on allait à New York. J'ai sucé le pilote. Je me suis mis à sucer le pilote. Non, mais je partais aux États-Unis, ouais, mais c'était de nuit. En plus, je revenais des États-Unis, mais c'était de nuit, tu sais, tout le monde dormait. Mais non, j'ai pas sucé le pilote, j'étais avec mon mec. Non, le steward, toi. Ouais, normal. Non, mais n'importe quoi. Mais non. Dis donc, le steward, pour un petit verre de vin, une petite pipe. Non, mais. T'es con. Tiens, on a un Italien qui nous laisse un message, qui nous écoute de Milan. Salut à toi, Forza Valle, qui nous dit moi, je suis italien et je souhaite bonne chance pour les Français pour le match. C'est gentil, vous êtes sympas, les Italiens. Merci, merci, amis italiens. Merci. Grazie mille. Wow. Si. Alors, donc on va revenir à ce qui se passe dans les transports. On aura Hicham qui veut témoigner. On reparlera de la rentrée. On fera un petit tour du côté de la rentrée de Manon. Et puis le double appel des familles de Skyrock. C'est parti dans un instant. Hicham, le Lyonnais, t'es avec nous, Hicham? Oui, vous allez bien? C'est toi qui es chauffeur de bus qui a laissé un message, non? Ouais, salut Dufoul, ouais, c'est moi. Salut Hicham. Salut Hicham. T'es sur quelle ligne pour les Lyonnais qui nous écoutent? Si on sait jamais, ils vont peut-être te faire un petit coucou demain. T'es sur quelle ligne à Lyon? Je suis sur la 12. La 12. Donc, ouais. Bon, si vous avez un beau gosse, parce que les auditeurs de Skyrock sont beaux gosses, vous le savez. C'est clair. Ah. Bah, en fait, généralement, c'est la 12, ça marche trop, mais en fait, il y a pas mal du monde, donc c'est plus des jeunes, donc des lycéens et tout, donc ils vont écouter bien Skyrock ou quoi. Donc, ouais, et demain, vous êtes sympa avec Hicham. Ouais. Vous le reconnaîtrez. Décris-toi un peu, Hicham. Issa, parce que je suis le plus jeune dans la société. Ah, donc il n'y a que des vieux, donc le seul jeune que vous aurez sur la ligne 12. C'est Hicham. Et but de l'équipe de France. Et ouais. Ouais. Giroud, en plus, Giroud.

Alan qui va aller chercher Isaac qui était coincé dans un tram depuis une heure. Ouais, eh ben ça y est, problème c'est réglé. Les joies de la rentrée, les joies du transport. T'as pas vu le message du joint du cendrier ? Qu'est-ce qu'il a le joint du une cendrier ? Une fois, une meuf de mon âge très très laide m'a tapé la discute pendant tout le voyage dans le bus. Je suis descendu avant, j'en pouvais plus. Ouais, mais tu sais, les gens ils te parlent, ils te font mal à la tête. Ça part d'un bon sentiment, ils sont plutôt gentils. Hein. Tu sais, c'est comme ceux qui, les gens qui prennent le taxi, tu vois. Des fois, les chauffeurs de taxi. Ah ouais, rien qui te parle. Le mec il te parle, mais en plus souvent, des fois il te raconte de la merde. Hein. Non mais tu sais que tu peux lui dire. Hein. Non mais. Il te parle de Uber tout le temps. Ouais. C'est vrai que les derniers temps c'était marrant, ça. Ouais. Ils sont chauds. Ou alors les mecs, ou alors le pire c'est quand ils parlent de la politique. Mais c'est toi Difool, t'es tombé sur un taxi raciste, non? Oui, j'ai demandé de me déposer. Les arabes, tu sais. Ah non, mais l'autre, je rentre dans le taxi, le mec commence à me faire une diatribe, tu vois. Il y a un rebeu qui traverse. Et voilà, on est envahi. Ouais, en plein milieu de la rue, qu'est-ce qui traverse pas? Il y a un arabe. Et voilà. Avec un peu de chance, on va s'arrêter au feu rouge, j'aurais tombé sur un noir. Et puis il manquerait plus qu'un roumain. Un roumain qui nettoie le pare-brise, alors ça vraiment. J'achèterais le pompon. J'ai eu ça aussi, je suis descendu. Hein, et le mec écoutait une radio qui s'appelle Radio Courtoisie. Mais pour de vrai, j'ai jamais vu quelqu'un qui écoutait Radio Courtoisie. C'est le seul, je crois. Dans la voiture, il y avait l'autocollant du FN. Oui, aussi. Et puis il avait le pins parlant de Marine Le Pen. Yavol. Tu appuies dessus, ça fait Yavol. Yavol. Yavol. Sur le pare-brise, il y avait écrit arabe à bord. Et puis évidemment la petite photo de Donald Trump pour égayer tout ça. Merci en tout cas Hicham, on va t'envoyer le t-shirt Skyrock à la maison et puis on salue tous les bus de Lyon et de toute la France. Ouais, tant qu'à faire. Ouais, les chauffeurs. Et bon courage si vous prenez le bus demain. Merci Hicham. Je peux passer un petit dédicace? Allez, vous plaît. Vas-y, fais la dédicace. Dans un instant, on vient à la rentrée de Manon. Je sais pas comment ça s'est passé, mais Manon raconterait à celle d'Alex aussi. Ben, je ferai une petite dédicace en fait pour ma chérie Noël et Abdel, mon cousin, et tout Saint-Fond. Et ben, bise à la chérie, on salue les autres. Et puis à Saint-Fond aussi. 190. Représente. Oui. Salut Hicham, ciao. Salut. Allez, merci. Salut Hicham, ciao. Alors, pour la suite, ouais, on va faire la rentrée. Ah oui, la rentrée. Comment ça s'est passé? Juste un petit truc, Difool. Alan, il est avec Isaac par rapport au tram. Il est avec lui, là. Il m'a envoyé une photo, il m'a envoyé un snap. Ah, on va vous la mettre sur les réseaux. Vous allez pouvoir les voir tous les deux, là. Donc oui, vous pouvez aller sur le snap de Skyrock, hein. On reçoit tous Skyrock les FM. Tous les messages. On suit ça tout au long de la soirée. C'est Skyrock FM, c'est bien dit. Instagram, Romano, c'est Skyrock FM. Et Twitter, donc, c'est Skyrock FM. Facebook, c'est Skyrock FM. Et c'est Skyrock FM. Il y a Skyrock.com. Voilà, vous allez partout et vous nous laissez des photos, des messages. Et si vous voulez passer à l'antenne, ça marche aussi avec Snap. Hein. Vous pouvez nous demander. On les a. Nous demander tout ça. Il est là, Alan, encore. Alan. Salut les gars. Oui. Comment ça va depuis tout à l'heure? T'as récupéré Isaac? Ah bah ça va. Hein, j'ai récupéré Isaac là. C'est gentil. On ça, est bientôt arrivé chez lui. Hein. Ah. Fais voir. Alors Isaac, je le vois. Isaac, c'est le petit Renoir à toi, à ta droite, et toi, tu es le barbu à gauche. Cool. Ouais. Right, je vous avais dit un Renoir et un barbu. Ah, je vous l'avais dit, on va bientôt tomber sur un Roumain. Il y a un Roumain. C'est pour vous rappeler mon taxi là, hein, mon super taxi. Bon ben c'est super, vous êtes super tous les deux là, dis donc. Lourd. Ah, merci. Bah, c'est cool, Alan, en tout cas. Bah, ouais. Et le taxi était toujours à l'arrêt pour Isaac. Le tram. Ah, ouais, le tram avait pas redémarré. Non, toujours pas, non. Ah, d'accord, bah, t'as bien fait d'arriver. C'est ça la Sky Solidarité, hein, si vous avez un problème. On est là, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous appeler au 01 53 40 30 20. Et comment on va se terminer la soirée alors? Ah bah là c'est je vais déposer et voilà. C'est-à-dire Romano, j'ai senti un peu de visserie, de vicieuserie, de vicieuserie. Non mais y a pas un petit rapprochement en cours? Non, tranquille, c'est pas. Un rapprochement, plus, t'es malade. T'es plus femme. Peut-être que Isaac aussi, hein. Bah non, mais bon. Ouais, je pense que Isaac, il est plus femme aussi. Ouais, Isaac est derrière. Ouais, non. Ramène-moi dans mon tram. Non, finalement, je vais descendre là. Fais-moi descendre tout de suite. Bon, bah vous êtes super tous les deux, Alan. On t'envoie ton maillot de basket, comme promis. Ouais. Et puis, tu nous repasses Isaac aussi. On va lui envoyer le t-shirt Skyrock à la maison. Ouais, bien sûr. Y a moyen de faire une dédicace? Ah, bah y a tout, moyen, vas-y. Ah, c'est cool. Bah, je fais une grosse dédicace à Howard, Axel, Blacko, Anaïs et tous ceux qui me reconnaîtront. Et bien big up à tout le monde. Salut, salut à toi. Merci Alan. Allez, ciao. Ciao. Et ouais, c'est ça la Sky Solidarité. Entre auditeurs de Skyrock. C'est comme ça que ça se passe. Ah, c'est beau. J'ai un problème de Freebox, Difool. Est-ce que tu peux m'aider? Ah, je sais pas, s'il y a des gens qui bossent chez Free, pourquoi pas. Explique-nous quel est ton problème de Freebox, là, dites-nous. Et puis la rentrée des classes, on y revient dans un instant sur Skyrock. Ah bah tiens, il y a rentrée de merde, là, justement. Bonjour, rentrée de merde. Moi, je suis tombé seul dans ma classe, aucun de mes potes. Mmh. Et mes quatre autres potes sont ensemble dans la même chambre. et sont dans la même classe. Ah, oh, tu vas être dégoûté. Ah ouais, bah t'es tu te sens un peu exclu, quoi. Tu as été, ah bah non, mais c'est pas, tu te sens pas, là, tu l'es. Ah ouais, t'es exclu, là. Parce qu'en plus, en pensionnat et tout, t'es pas dans la même piole, enfin, c'est la totale. On reste avec toi, on est fort. Reste avec nous le soir. On sera là tous les soirs pour t'aider. Bonjour, rentrée de merde. Il y a Fana qui dit, moi, ma rentrée pour la seconde, c'était hier. J'ai fait une crise d'angoisse et aujourd'hui, j'ai voulu retenter. Ouais. Pour y retourner et recrise d'angoisse. Pas mal ta méthode. Non, mais tu fais peut-être un peu de phobie scolaire. Ah, mais ça existe, hein. Ouais, ouais, ça existe. C'est triste, ça. Moi, j'ai la phobie scolaire, moi, tiens. Ouais, non, mais c'est pas comme ça. Ce matin, on en discutait dans l'émission, dans le morning, et on se demandait, mais vous aimeriez retourner en cours? Alors, moi, non, je pourrais pas. Ah, pareil. Ah, moi non plus. D'abord, je sais tout. Donc, j'aurais l'impression de perdre mon temps. C'est clair. Mais retourner en cours, pas trop. Toi, Marie, non plus. Ah, non. Si en cours de maths, pour toi, t'es quand même tellement doué. Ouais, c'est ça. 4 fois 8, 34. Bravo. mais qu'elle est forte. Vous entendez comme elle est forte. T'es con. Ah, elle est trop forte. Samy, t'aimerais retourner en cours, toi? Peut-être pas, non. Ou alors une journée avec des potes pour délirer. Ouais, mais stop. Pas plus. Ouais, t'as pas que la rentrée. Ouais, voilà, une journée, tu vois. Cédric, t'aimerais retourner en CP? En CP? Ah non, pas en CP. Bah si. C'est à le niveau. Ah non. Ouais, bah ouais, aussi à peine. Voilà, salut les petites filles, salut les petits garçons. Voilà, surtout les petites filles, les petits garçons. Tu peux faire changer la musique, Romano, parce qu'elle s'est trompée. Là, il faut mettre Calvin Harris, Rihanna. C'est le son qu'on va se. C'est peut-être bon en fait. Ah, c'est bon. Le son qu'on va vous passer, Calvin Harris, Rihanna. Ça y est, c'est bon. Du c'est Ken bon. Jones, du SCH. C'est changé. Du DJ Snake aussi qu'on va retrouver ce soir. Dans un instant, il y aura Manon avec nous en direct de Lille. Salut Manon. Bonjour. Bonjour. Salut Manon. Manon, tu vas nous parler de ta rentrée, hein, toi, c'est ça? Oui. Oh, donc rentrée de merde, pas rentrée de merde, on va voir. Alex qui nous a contacté sur Snap, Skyrock FM. Salut Alex. Salut. Salut Alex. Salut Alex. Toi, t'as 15 ans, t'es dans le 70 et tu vas nous parler de ta rentrée à toi aussi. Ouais. Et une rentrée de merde, on espère. Et non. Ah, pas sûr. Ah non, parce qu'on a pris tout. Alors on va faire un petit tour d'horizon de la rentrée. Et puis si vous avez des souvenirs de vos rentrées, je parle pour ceux qui sont plus au bahut, vous nous laissez vos messages au 41 759 sur l'appli Skyrock. Vous allez sur Snap, vous allez sur tous les réseaux. On est là et laissez bien vos numéros de téléphone sur l'appli et sur le 41 759 et aussi sur le skyrock.fm. T'es rentré en quelle classe toi, Alex? En seconde. Et toi, Manon? En première, oh, elle est grande par rapport à toi, t'es un petit Alex. Genre. Et Manon, elle a l'air motivée de ouf. Ouais, j'ai l'impression que ça s'est mieux passé pour Alex que pour Manon. Ah ouais, en tout cas la voix, on a l'impression. Ouais. Bon, on va en savoir plus dans un instant. Eh, marrant, un truc dont on parlait hier, c'est Équipe qui nous laisse un message et qui lui est retombé dans la classe de son ex avec laquelle ça s'était très mal passé. Ouais, ça casse. Tu vas l'avoir toute l'année. Hashtag année de merde, hashtag connasse. Hashtag biatch. Peu que tu sois à côté, hashtag biatch. C'est vrai, Manon, on en parlait hier, mais imagine par exemple ta gothique sera là tous les soirs. On fait la rentrée là ce soir sur Skyrock. C'est génial. Et la gothique est dans notre classe. On l'embauche dans l'émission. Elle travaille avec nous. Ouais, non, mais j'espère quand même qu'on me demanderait mon avis avant. Elle se. Oh, on ferait une surprise, Romano. Ah ouais, mais je me démissionne. Hein. Je me démissionne. Ah non, mais je reste pas avec elle dans la pièce. Ça, c'est hors de question. Ça sera elle ou moi. On la mettrait sur tes genoux. Non, on fera un vote. Bah, moi, je suis pour qu'elle reste, moi. Moi aussi. Donc je me barre. Parce qu'on est accueillant sur Skyrock. Radio Libre pour toi. Non, mais. Rana Branlé, je vais pas te. Reste, toi aussi. Bon, on est à la 45e minute de jeu. C'est bientôt fini pour la première mi-temps du match. Une minute. Non, là, on est 30 secondes, il reste. Mais vous dites n'importe quoi, les gars. Laissez parler d'Ifou. Non, mais c'est quoi, avec mes yeux, j'avais vu temps additionnel 3 minutes. Moi. Non, une minute et il reste 15 secondes, là, dans la première mi-temps. Et il y a une légère avantage pour la France. Puisqu'on gagne 2-1 pour les Français pour l'instant, avec un but de Giroud et un but de Martial. Et pour les Italiens, c'est Pelé qui a marqué là. Ouais. Donc vous nous laissez. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Il faut nous laisser vos notes. Les notes pour l'équipe de France de football. Vous laissez ça sur le 41-759 et sur l'appli Skyrock. Quelle est la note que vous mettez au bleu? Moi, je mets 13. Ouais, moi, je mets. Ben, c'est marrant, Manon. Moi, je voulais mettre 13. Ben, je mets 13,5. Ben, moi, je mets 14, tiens. 14 pour Cédric. Marie, combien tu mets? Je mets 12. Pour autrement dit, 10 plus 4. C'est ça, exactement. Le compte est bon. Voilà, 12, 4 de plus que la moyenne. Moi, je mets 13,5, moi. Ouais, t'as vu comme elle sac, Marie? Heureusement qu'elle est pas prof, ce serait une salope, t'as vu? Ah ouais. Non, mais attends, c'était pour pas faire comme Romano et Cédric. Et... Moi, je vais mettre 13. Mais va te faire mettre, toi. 13. Bah ouais. Ah non, mais attends. Tu peux faire comme nous, t'as le droit. Hein. 13, 13,5, 14 et 12. C'est les notes de l'équipe, là, pour l'instant. T'as mis combien, Samy, toi? 13. Toi, nous, il met 15. C'est bien, ça joue pas trop mal. Difool, il met 16. 10, c'est pas la folie ce soir pour le câble HDMI de la PS4. Tu es dur, le câble HDMI. Quand même. 15 nous met l'indécis. L'indécis nous met 15. 19,60 pour Ben du 26. Salut à toi, Ben du 26. 14 pour Cortez. Éluard met 16. 12 pour le M, 17 ans. 12 pour toi. Bon, vous laissez 16 parce que c'est un beau match, nous dit 13 filles. Ouais, il y a des buts, c'est sympa. Hein. Tant qu'on gagne, ça va. En plus, ouais, c'est ça. Pas la folie, quoi, on va dire, mais bon, ça va, tranquille. Il y a des buts, on gagne, ça va. C'est ce que dit Tinkoff du 92. Il dit, ouais, 11, passable. Ouais, voilà, ouais. 11. Ouais, c'est vrai que 11, t'es dur quand même, hein. Ah. Ouais, moi le pornographe, je mets 69, un accord avec mon pseudo. Oui, non, mais les notes, c'est sur 20 le pornographe là. Bon, t'as maté le match Manon ou t'étais seulement branché sur Sky toi? Non, pas du tout, j'ai juste écouté Skyrock. Très bien, bon ben. Ouais, t'as bien fait. Ouais, c'est bien. À vue de nez, comme ça, tu leur mets combien au bleu pour un 2-1? Je sais pas. Bon allez, il va falloir une note. Fais comme si t'étais prof, vas-y. Déchaîne-toi, 15. tu vas avoir 15. Plein de notes cette année, tu peux y aller. Bonne note. Et toi Alex, tu leur mets combien au bleu? Oh, 13,5-14. Moi j'ai mis 13,5 aussi. On vous donnera la moyenne dans un instant. Vous votez 41,759, skyrock.fm, tous les réseaux. On vous retrouve avec votre entrée, les familles du double appel et Calvin Harris et Rihanna. Écoutez tout de suite sur Skyrock. This is what you came for. À la rentrée, on a besoin d'argent. Réveille-toi avec Skyrock. The Morning Show. Tous les matins, le morning de Difool te réveille. Et pour fêter la rentrée, Difool t'offre 1500 euros toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Ta radio préférée? Skyrock. Envoie 1500 par SMS au 72020 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1500 euros dans le morning de Difool. 1500 euros, c'est pas possible. Oh là là, mon Dieu, merci beaucoup. La rentrée, ça a du bon. 65 centimes plus coup d'un SMS. Tu veux rencontrer le mec de tes rêves? C'est facile. Tu peux te mettre au sport, changer de style vestimentaire, sortir tous les soirs en boîte et faire des séances de bronzage. Ou tu peux tout simplement télécharger Smax, rester toi-même et rencontrer des mecs cool près de chez toi. Smax, S-M-A-X. Maître Gims, à contre-cœur. Retrouvez tous les tubes de Mon cœur avait raison, enrichis de 7 inédits. Inclus Est-ce que tu m'aimes, Sapé comme jamais, Ma beauté, Boucan. À contre-cœur, le meilleur des pilules rouges et bleues, plus 7 inédits, disponibles maintenant. Difool, radio libre, 21h minuit sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Looking Difool, Raoul. Elle s'appelle pas Raoul, c'est une femme, Romano. Difool. Je suis une mouche, je vais atterrir sur le crâne de Romano. La piste est assez longue. Cédric. Au moins, tu restes pas sur ta. Sur quoi, comment on peut dire. Marie. Moi, j'adore la levrette. Samy. Genre, pourquoi c'était une chatte toute flétrie ou quoi? Ah, c'était une chatte de vieille, gros. Et Karim. Et la meuf, t'as reçu une amende et elle dit, je mets ça à quel nom, tu sais? Parce qu'il faut un nom à la fin. Ah ouais. Et tu l'as regardé, tu lui as dit, Tom Cruise. Oh là, George Clooney. Difool Radio Libre. 1h minuit, tous les soirs sur Skyrock. Mais non, Cédric, depuis que tu t'es déguisé en Pikachu, tu n'es pas George Clooney, tu es Ronflex. Bah oui. Ou Pikachu. C'est Pikachu. Ouais. Voilà. Cédric, il a deux personnages dans les Pokémon. Dans les Pokémon qui ont été transformés en Grokémon, ouais. D'ailleurs, on va vous remettre les photos de Cédric en Pokémon. Ouais, et puis les vidéos, on peut remettre aussi. On peut aussi remettre les vidéos. Ouais. Qu'est-ce qu'il est beau, Cédric, vraiment, je voulais te dire. J'avais la cote, hein. Ah bah, t'es trop beau gosse quand on voit pas ton visage. Et ton corps. Et oui, on l'avait mis dans un espèce de mannequin. Bah, Pokémon géant, ouais. C'est ça. Pokémon géant. Pikachu géant. Oui. Romano, tu serais escroc coco, d'après ce que j'ai entendu dans le monde. C'est ça, ouais. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. Toi, t'es Tarinor. Et alors pourquoi Tarinor? Bah parce que il a un grand nez, un sacré tarin quoi. Imaginez si on était des Pokémon. Ah ouais, putain. Tarinor, escrococo, Ronflex, c'est pas mal. Bon alors France Italie, j'ai la note du match, la note que vous avez laissée à la première mi-temps, la note des Bleus, pas la note du match. La note des Bleus, merci pour tous vos votes. Et ouais, vous pouvez mettre des notes comme au Bahut, c'est pareil. On va retourner au Bahut là d'ailleurs dans un instant avec Manon et Alex qui arrivent pour nous raconter leur rentrée de merde ou pas rentrée de merde. On va voir. On en reparle. Racontez-nous d'ailleurs rentrée de merde ou pas rentrée de merde. Oh là là, et puis les photos que vous nous avez envoyées sur vos profs. Cédric, ça peut être aussi gros tas de morve, nous dit Amine. Ah, pas mal. Et bah tiens, ça parlant, existe en plus. Parlant de gros tas de morve, là on a une photo d'une prof, elle a un tarin, mais c'est hallucinant d'avoir un nez pareil. Regarde, Romano, le nez qu'elle a, cette ici là. C'est quasiment le même que le tien. C'est la prof d'Anthony, hein? Elle, mais t'as vu le nez qu'elle a, le truc. Bah attends, mais tu te rends pas compte, c'est parce pas que... un nez, c'est. Non, mais parce que toi, tu le vois pas ton nez. L'autre, on dirait qu'elle a une bite au bout du nez, en plus, elle fait son nez au bout, il fait comme une fesse. Ah, comme Gérard Depardieu. Voilà, c'est ça pour vous décrire. Elle a une raie, quoi. Elle a le bout du nez, on dirait un cul, quoi. Et attention, sur Snap, on a récupéré une prof aussi qui vient nous rendre visite dans un instant. Waouh, wow. Planquez tout. Donc deux élèves, planquez tout, hein, si vous avez des trucs, votre téléphone. Les antisèches. Ouais, tout, tout. Sortez tout. Votre carnet de correspondance. Donc, jamais. Attention, je te préviens, Manon, je te préviens, Alex. Il y a une prof qui débarque. Elle s'appelle Céline, elle a 26 ans, elle est à Toulouse. Et elle va remettre de l'ordre là-dedans. Et il faut faire attention. Vous êtes prêts, les gars, les filles? Oui. Bon, double appel. C'est parti. J'avais promis qu'on allait le faire avant 10h. Bon, il est 10h01, on est presque dedans. C'est parti. C'est vous qui m'avez appelé, non? Bah, et vous-même? C'est vous qui me téléphonez? Aucun des deux n'a appelé l'autre. Mais il va falloir que tu t'encules tout de suite, hein. Mais bravo, oui. Patrick. Obsédé. Le double appel de Difool sur Skyrock. Il est magnifique, ta gueule, Patrick. Ouais, ta gueule. Magnifique, ce Patrick. Patrick qui fait des merveilles dans le double appel. Absolument, oui. Absolument. Bon, il est prêt. T'es prêt, Patrick? Absolument, oui. Absolument. Bon, voilà. Quand on galère un petit peu avec les familles, qu'on a eu mal à les faire parler, Patrick peut intervenir. Bah, bien sûr, oui. Bah, évidemment, hein. C'est donc parti. On va filer quelque part en France. Bah, très bien, là. Bon. Chez qui on file? Chez Jean-Jacques et Michel. Jean-Jacques et Michel. Ok. J'aurais préféré un Jackie à la place de Jean-Jacques. Mais bon, on pourrait faire un double appel entre Jackie et Michel. Si vous avez, si vous avez, en plus, il est très intéressé, Patrick. Si vous avez un Jackie dans la famille, ou un Michel dans la famille, ou alors dans votre entourage, laissez-nous les numéros de téléphone. Ah. Allô? Ah, mais moi j'en ai, moi. De quoi, des Jackie et des Michel? Bah, j'ai un oncle qui s'appelle Jackie et qui s'appelle Michel. Allô? Allô? Allô? Oui. Allô? C'est qui ça? Moi je suis Patrick, hein. C'est quoi ces histoires-là? Oui, comment vas-tu? Oh, elle est pas gentille. Attends, mais Patrick, il est en plus, c'est pas cool, ça. Il est resté extrêmement correct. Bah oui, Patrick. Poli. Il était sympa, sympa comme tout, le Patrick. Bonjour, nous sommes déjà en ligne. Veuillez nous rappeler ultérieurement. Okay. Merci. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur la touche dièse. Ah, vas-y, rappelle-en deux. Ah, il y a deux. Allô? Allô? Bonjour. Oui, j'écoute. Ah. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je vous écoute. Pardon? Oui, bonjour, je vous écoute. Ah, j'ai rien demandé, moi. Ah ben, moi non plus. C'est vous qui venez d'appeler sur mon poste, j'ai décroché, c'est vous que j'ai au téléphone. Ah ben non, moi j'ai pas appelé, madame, je vous assure. Et vous êtes qui? Bah, je suis chauffeur de taxi, mais... Ah non, je peux vous garantir que ça a sonné sur mon portable, mais je n'ai pas appelé. Ah bah écoutez, je suis désolée, moi je suis chez moi là, J'ai mon téléphone qui a sonné, j'ai décroché. Alors, je peux rien vous dire, excusez-moi, mais je n'ai pas du tout appelé. Ça a sonné sur mon portable, j'ai décroché. Voilà. C'est pas grave. Merci, au revoir. Non, mais c'est un truc. Pardon ? Bah, c'est bon, le caca, c'est bon. Vous êtes de mon prénom ? Le caca, c'est bon. Non, mais moi. Le caca, c'est bon. C'est une bêtise, ça. Excusez-moi, madame, mais il y a quelqu'un qui est en train de faire n'importe quoi, je crois, là. Absolument. Non, mais on vous appelle pas, là. Je te prends un saucisson de cheval, et je te l'enfile, là. Bah, t'es malade, toi, ou quoi, là ? Saucisson de cheval. Ouais, bah, vas-y, allez. Oui ? Qui ? Vous êtes qui ? Alors ? Non, mais je vous appelle pas, là. C'est quoi, cette connerie ? Je comprends rien du tout à ce que vous dites, là. Ça va pas, non, espèce d'idiot ? Mais je vous emmerde, madame, je vous ai pas appelé. Allez vous faire foutre. Vous êtes qui ? Patrick. Et Patrick qui ? Là, je suis bien en train de branler. Oh putain. Espèce de con, ouais. Branle-toi un peu, là. Espèce de connard. Je suis en train de masturber, là. Eh bah oui, il adore ça, Patrick. Vous avez envie de vous m'assurer un petit peu, non ? Ça y est, pas la dernière. Oui, absolument. Ouais. Attention, attention, pas un double, pas un triple, mais un quadruple à peine. Eh ben voilà. Elles sont quatre. Quatre. Il y a eu le taxi, il y a eu la meuf au début, gentille comme tout. Ouais. Et après, il y a eu les deux autres magnifiques. Qui se sont traités. Ah, splendide. Bravo, le magnifique famille. Le quadruple à peine sur Skyrock. Et bravo, Patrick. Et bravo, ah ouais, bravo, voilà. Patrick. Voilà. Voilà. Voilà. Super, c'est bon, là. Ah bah oui, c'est bon là. Bon, si t'en as d'autres, Samy, oui, je sais qu'il y en a d'autres. Ouais, vas-y, ouais. On peut les appeler. France Italie. La note du match avant le début de la deuxième mi-temps qu'on va suivre en direct sur Skyrock. On gagne 2-1. Allez, bleu. 14 sur 20. Voilà, 13,90 et quelques. 14 sur 20, c'est la note que vous avez mis au bleu pour la première mi-temps. C'est pas mal, mais c'est vrai que contre l'Italie, c'est pas évidemment facile. Parce que les Italiens sont quand même allés beaucoup plus loin qu'on pensait, hein, vous avez vu. Ouais. Allez les bleus, allez les bleus. 14 sur 20, restez bien là parce que tout à l'heure on mettra la note de la fin de match. Ouais. Voilà, vous êtes des oufs, on nous dit. Mais oui, on est capable de tout. D'ailleurs, appelez-nous 01 53 40 30 20. Et je peux te dire que je vais te baiser. C'est gentil, Patrick. Vas-y, Samy. Allez, une dernière famille. Une famille. Avant de faire le point sur la rentrée. Olivier et Fabrice. Dites-nous votre rentrée. Hein. Les pieds de Marie qui nous dit le collège c'est cool. C'était cool ce matin. Bon, bah tant mieux. Tant mieux pour toi. Il y a le pornographe qui veut des cours d'éducation sexuelle et des TP. Allez Marie, donne-lui des cours. Ouais, 19 ans, ouais, il a le pornographe. Oui. Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Oui, comment vas-tu ? Allô ? Allô ? Oui ? Oui, comment vas-tu ? Oui, comment vas-tu ? Et votre touche est complètement écartée ou pas ? Non, mais moi je prends les. Bienvenue sur la boîte. Moi je mets les grands moyens en marche. Ouais, moi je suis décaloté complètement. Allô ? Ouais, elle est partie. Là, évidemment, quand tu lui dis votre chatte est complètement écartée. Non, elle parlait pas. Mais pourtant, elle était sourde. Elle parle pas. Elle était sympa. Moi, c'est les grands moyens. J'appuie sur ce bouton. Et votre touche est complètement écartée. Et là, en général, ça passe ou ça casse. Bon, ouais, là, ça dans, a cassé. Dans la chatte, là. Ouais, dans la chatte. Ouais. T'es comment ? Ta chatte est comment ? Voilà, donc moi, vous savez, on a le lourd avec Patrick. Hein, si vous voulez qu'on s'amuse un petit peu. Ah ça. Pas de problème. Allez, vas-y, fais-en un dernier, Samy. T'as mis un petit peu de doigts dans la chatte, là ? De doigts dans la chatte. un petit peu des doigts dans la chatte, ouais. C'est ça, Patrick. D'ailleurs, je tiens à te remercier, Cédric, pour tes interventions magnifiques. Mais de rien. Tout à l'heure, dans le double appel, dans le quadruple appel qu'on, ouais, a fait, qu'on a fait juste avant avec ton célèbre. Le caca, c'est bon. Allô ? Allô ? Le caca, c'est bon. Allô ? Allô ? Allô ? Le caca, c'est bon. Arrête, Cédric, tu fais peur aux gens. Ils se disent qu'ils sont tombés sur un cacophile. Moi, je suis Patrick. Hein. Oui, je sais, Patrick. Allô ? Allô ? Oui ? Oui, comment vas-tu ? C'est qui l'appareil ? Moi, je suis Patrick. Hein. Je suis en train de m'assurer, là. Comment ? Je suis en train de m'assurer, là. À tous les coups, ça marche. Vas-y. Vas-y. Bon, c'est fini ? Allez, fini. Bon, allez, on passe à la suite. Le double appel avec vos numéros, vous les laissez sur le 41-759 et sur l'appli Skyrock à n'importe quel moment. On peut prendre nos téléphones et s'amuser avec. Oui, la sœur de Cécile là, qui veut. Moi, je n'ai pas oublié ton numéro. De toute façon, on note tout. Hein. Vous laissez vos numéros sur le 41-759 et sur l'appli Skyrock. Sans problème, ça. Ouais, Rebeuf Fruité, un petit message pour toi, Patrick. Il nous dit. Patrick, il fait trop rire. Le roi du hip-hop, un message pour toi, Cédric. Le caca, c'est bon. Eh oui. Eh ouais. Merci, le roi du hip-hop. Mais ça... Oh oui, oh oui. Voilà. C'est un régal. Un autre message. Fais gaffe à ta gueule, toi. Auditeur stylé. Bonjour, auditeur stylé, qui nous demande, mais Cédric, il aime vraiment du caca. Non. Et un autre message de Abou du 59. Cédric, t'as déjà mangé du caca? Ah non, horrible, dégueulasse. Non, jamais? Ah non, le caca, c'est bon. Ah, immonde. Mmh. Bah, franchement, vu dans les endroits où t'as été bouffé, forcément mais t'as qu'est-ce bouffé. Qu'est-ce que tu parles, toi? T'as bouffé de la merde non, sans le savoir. Vu l'odeur de la bouche aussi. C'est ignoble. De toute façon, dans ce délire-là, Romano, il est suspect, moi, je vous dis. Non, elle a pas bouffé de la merde. Non, mais ouais. Bah, déjà, elle se fait pisser dessus, gros. On se pisse dessus mutuellement. En parlant de Patrick, un petit peu chelou, on aura notre problème du mois à retrouver. Ça arrive. On va aller faire un tour sur le net et voir les problèmes des gens. Est-ce qu'ils ont des problèmes, les Français? Ça va pas mieux qu'avant les vacances. Écoute, ça ne s'arrange pas. J'allais te demander si c'était arrangé, mais non. Non, ça ne s'arrange pas. Malheureusement. Inquiétant. Je veux dire, vous avez pas vu l'info là sur une des prétendantes de L'Amour est dans le Pré? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est cacophile? Non, mais ouais, justement, cacophile. En fait, ils se sont rendus compte que la nana, en fait, avait fait une chaîne YouTube. Elle bouffait du fumier. Non, le pipi. Ah. En fait, elle a fait apparemment un tuto parce que le pipi est bon pour se laver, donc elle se lave avec du pipi. Oh, enfin, sale. Un truc. Bon, je suis pas allée voir la chaîne. Voilà, moi, je le fais avec du caca. Non, je te dis, c'est plus ces délires de Romano. Je me lave avec du caca parce que. Le caca, c'est bon. Bah oui, c'est très bon. Mais non, bégaye pas, Cédric. Moi, je suis trop ému. Apparemment, elle dit qu'elle se lave avec de l'urine tous les matins parce que c'est bon pour la peau. Elle est dans quelle émission, elle, là? Le Bonheur est dans le Pré, là. L'amour est dans le pré, pardon. Ah, bah, c'est bien, ça, dis donc. Ouais, c'est une prétendante, apparemment. Ah, bah, écoute, t'es content d'accueillir ça chez toi. Je me suis dit, putain. Quand elle te pisse dans le lit que tu lui prêtes, la cochonne, là. Et apparemment, elle le boit aussi. Ah, bah, très bien. Ah, bah, bon appétit. C'est la totale. Et après, elle te roule une pelle, non, c'est ça? Ah, ouais, non, je sais pas, j'ai même pas vu sa tête, mais. Voilà, j'ai un nouveau truc à te dire, le pipi c'est bon. Ah ouais, allez hop, la totale. Non, mais tu pourrais faire l'amour dans le pré, Cédric. Non, tu feras la vache, gros, dans le pré. Tu ferais le bœuf. Le bœuf ou le veau. Non, mais il y a besoin d'animaux. Mais pourquoi tu me fais chier de Qui c'est qui vient de la campagne? Non, mais c'est quoi ces préjugés de merde? Qui c'est qui vient de la Meurche? Non, mais moi j'habitais pas dans une ferme, donc je peux pas. Putain, c'est pas une capitale, gros. Non, ça a bien joué. En France, il n'y a pas 10 capitales non plus. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, il n'y en a qu'une. Eh ouais. Bon, bah tiens, justement, puisqu'on est en train de se cultiver, la rentrée, c'est parti. Alors, on a Alex du 70 avec nous. Et puis, on va retrouver Manon également. Ouais. On va commencer par toi, Alex, parce qu'Alex, toi, j'ai l'impression que ça s'est bien passé. Et Manon, j'ai l'impression que ça s'est moins bien passé. Aïe, aïe, aïe. On garde le meilleur pour la fin et on terminera. On aura aussi une prof avec nous. Attention, je vous la présente, Céline. Allô Céline. Oui, bonjour à tous. Bonjour madame la professeuse. Bonjour, présente. Bonjour maîtresse. Bonjour maîtresse. Oui. Allez, les clichés. Bon, déballez-moi tous vos clichés. Comme ça. Ouais, donc toi, t'as 26 ans, t'es à Toulouse. C'est pas ta première année, c'est pas ta première rentrée? Ouais, si, c'est ça, c'est la première rentrée. Ah ouais, c'est marrant ça. Donc en fait, t'étais élève jusqu'à l'année dernière, et là maintenant, tu viens de passer prof. Au côté obscur. Donc je suis encore un peu comme vous. Des fois, je les tutoie, mais. Ouais, parce qu'ils ont pris. Je suis rentrée dans la salle des profs. T'es en quelle. Tu t'occupes de quelle section? Collège, lycée? Lycée. Alors, j'ai 3 classes de seconde. Ouais, donc il n'y a pas trop de différence avec toi, à la limite. Bah ouais, parce que t'es jeune, ouais. Tu vas peut-être tomber amoureuse d'un élève. Ouais, tu vas te faire ken sur le bureau. Et ouais. Vous êtes dans la salle des profs. Par le directeur, ouais. Pour avoir une promotion. Est-ce que c'est dans le lycée dans lequel t'étais élève? Non, ça doit être chelou. T'as tes profs, tes collègues avec Tu trouves des profs qui t'ont pourri la gueule et c'est devenu des collègues de travail. Ça doit arriver. Tu vas nous raconter ta rentrée, c'est bien aussi de voir la rentrée du côté des profs. Mais nous avons deux élèves, Manon qui est avec nous, t'es toujours là, Manon de Lille. Oui. Oui, et Alex du 70, et toi t'es à Toulouse, donc c'est pas votre prof. J'étais en train de regarder si c'était votre prof, Manon là. Non, c'est pas mon prof. Cécile, pardon. Céline. Oui, voilà. Voilà, madame la professeure. Bravo, la maîtresse. Madame la maîtresse. Ouais, ça, bon, on va dire. La maîtresse. Bon, alors, on commence par la rentrée qui, a priori, s'est bien passée, puisque tu avais la raconte. Ah, c'est Alex, ouais. Ouais, je sais pas si c'est bien passé, mais t'avais content, ouais. Content, ouais, Alex. Ah ouais, ouais, ça s'est super bien passé. Oh putain, c'est rare d'entendre un auditeur de Sky qui fait « Ouais, la rentrée, ouais, génial !»« Génial, elle a été annulée !»« Ouais !» Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pensais pas que ça se serait passé aussi bien que ça, mais en fait, c'était énorme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah en fait, je suis arrivé à Gré, en Haute-Saône, je pensais que je connaissais personne et tout. Ouais, parce qu'en fait, t'as changé de bahut cette année, t'es en seconde, hein, là. Ouais, là, je passe en seconde, en bac pro. D'accord. Du coup, je me suis retrouvé dans un lycée privé, c'est juste énorme, les emplois du temps et tout. Enfin, je suis hyper content de ma rentrée, c'est énorme. Ah ouais, donc t'as des bons emplois du temps, c'est-à-dire t'as des jours libres. Oh, j'en fous pas une. Les après-midi libres. Bah, genre, les grasses maths. Demain, je prends à 9h, je finis à midi. Ça va ? Ah ouais ? Ah ouais, t'as fini la journée à midi ? Cool. Ouais, ouais, donc là, c'est tranquille, je suis trop content. Vendredi. Ah putain, ouais, le vendredi à midi, t'es en week-end. Mais t'as cours le samedi, non ? Ah non, pas cours le samedi. Ah ouais, ah bah attends, ouais, c'est le pied. Ouais. Vendredi après-midi, samedi, dimanche, week-end. Ah ouais, t'as un bon putain, week-end. Toi, t'es bien, putain, lourd. Ouais, ouais, c'est bien ça. Puis lundi matin, je prends à 10h et je finis à 11h30. En gros, je mange à 11h30. Quoi. Et après, t'as fini la journée ? Non, non, t'as l'après-midi. Ah non, après-midi, non, mais j'ai cours. Du midi, ah, ouais. Quand même. Ah ouais, parce que j'allais dire, ouais, il y a des cours des fois quand même. Ouais, quand même. Ouais, il y a quand même des cours. Ah, mais tu manges au premier service, quoi. Ah ouais, je comprends. Ah, ça, Cédric, c'est terrible pour lui. Bon, là, je mange au premier service. Premier service. Tiens, moi bien, Hip Hop qui nous dit, moi, j'ai 2 heures de maths le samedi matin. Eh ben, écoute, bon courage. Ah ouais, ça, c'est chaud, ça. Et sinon, les potes, les gens de ta classe, ils sont comment? Puisque t'as une nouvelle classe, de nouveaux gens. Bah, genre, niveau meuf, tranquille, tu vois. Ouais, elles sont bien. Ah. Ouais, donc ça, c'est cool. Il y a ce qu'il faut, il y a du matos, quoi. T'as rassé l'œil. Parce que ça change de mon village d'avant. Hein. L'autre, il a bandé toute la journée. Il a de la chance, il a eu la gaule toute la journée en cours. Si vous êtes dans la classe d'Alex, les filles, regardez-le. Entre les jambes. T'en as repéré une. Il y a de la bonasse, quoi. Ouais, ouais. Il y a de la bonasse au mètre carré, quoi. Bah, ça motive pour aller comme Marie, au mètre carré, ah, pas mal. Et sinon, les profs, ça va ? Oh bah les profs, enfin, c'est juste énorme. Ouais. Ah ouais, les profs, c'est énorme. Ah ouais. Bah en fait, il y a mon beau-père qui était avant, du coup, tout le monde me connaît. Enfin, je peux taper des délires avec les profs. C'est énorme. Ah, t'es un peu VIP, quoi. Non, mais après, ouais, ça voilà. Parce que si vous avez un frère, par exemple, qui est plus grand que vous, ou une sœur, hein, qui a fait que des conneries pendant que pendant qu'il était au bahut et que toi, t'arrives derrière, il y a tout de suite un mauvais préjugé. Non, ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, tiens, regarde l'autre, là. C'est le frère du grand con. Ouais, tiens, j'ai été aussi con que le grand ou pas. Donc voilà une belle rentrée. Il y a aussi des belles rentrées. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, il y avait beaucoup de. De trucs négatifs, ouais. Ouais, un peu. Hein. Non, mais c'est vrai que toi, putain, sur l'emploi du temps, tu t'es gavé cette année, quoi. Ah ouais, t'as chanté. De finir vendredi à midi, reprendre le lundi. À quelle heure ? 9h le lundi ou 10h ? 9h. 9h, ouais, ça va. Ouais, ça va, ouais. Ouais, ça va, c'est ça fait un week-end. Bon week-end, ouais. C'est pas mal. C'est bien coupé. Quoi. Benjamin, lui, fait sa rentrée demain. Benjamin, 16 ans, ma rentrée, c'est demain à 14h30. Oh, bah, ça va, tu vas pouvoir te faire une dernière grasse mat. Le Joker, je fais ma rentrée demain, je vous sodomise. Mais on y est pour rien, nous, le Joker. Non, mais l'autre. Le Joker, il a bout de mer parce qu'il rentre demain. Tiens, moi, j'étais dans un Asie, c'est juif, et j'avais le week-end depuis le jeudi soir. Ah ouais, parce que vendredi, samedi, ouais, c'est Shabbat. Il y a Shabbat. Ouais, Shabbat, Shabbat. Donc, ça, c'est un bon week-end aussi, c'est pas mal. Ouais. Alors, on va passer maintenant à un témoignage un peu plus dur, je pense. Alors, je tiens prévenir les âmes sensibles. Là, ça risque d'être terrible. Vous êtes bien sur Skyrock, alors je tiens quand même à vous prévenir. Si vous êtes sensible, Romano est chauve. Cédric a 80 ans et des dents de lapin. Ouais, il est enceint. Ouais, bien la connasse. Et il est enceint, exactement, est Marie. Bien vu. Et puis Manon a eu une rentrée peut-être un peu difficile, donc témoignage poignant maintenant. Allô, allô Manon. Oui. Oui. Salut. Manon. Oh la pauvre. Tout à l'heure, elle est dans un état, oui. Manon. Oui. J'ai envie de mourir. Alors. Mais non, ça a été quand même. T'es rentrée en première donc ce matin. Voilà. Et quand j'ai vu mon emploi du temps, j'ai vu que toutes mes copines étaient dans une classe. Oui. Et que moi, j'étais toute seule dans une classe avec un seul garçon que je connaissais et qui me déteste. Et ben en plus. En plus, j'ai dit au moins t'en connais un. Ben voilà, tiens. Il peut pas me saquer. Il peut pas me saquer. Il me déteste. Et pourquoi vous détestez? Il y a une raison. Parce que ouais, j'étais sortie avec une année. Comme Romano et la gothique, pareil, tu vois, il la déteste. Elle n'était pas dans la même classe, elle était en section couture. J'étais pas vu en couture. Mais t'aurais dû, Romano. En section couture. T'aurais passé plus de temps avec elle. Ouais, elle faisait de la couture. Elle faisait quoi? De la couture, elle était professionnelle. Elle faisait des écharpes, des. Bah, j'en sais rien, parce qu'elle faisait des bordels. Mais genre, couture comme les grands-mères avec les trucs en bois ou couture avec les machines? Non, mais avec les machines et tout, tu vois. Mais elle prenait aussi à la main. Je vais vous dire ce qu'elle fabriquait, la gothique. Elle fabriquait des draps pour les cercueils. Ouais, elle aurait mieux fait de fabriquer des camisoles pour sa mère. Elle aurait. Ah ouais, donc t'as un mec. C'est vrai, j'aurais dû lui dire à l'époque. Oui. Putain, il faudrait que je retrouve son numéro, je l'appelle, j'ai dit ouais, j'ai ah, tu vois, tu veux l'appeler. Vu que t'as fait couture, tu peux pas faire une camisole pour ta rhum. Si vous connaissez pas, je dis ça pour les nouveaux auditeurs et les nouvelles auditrices de Skyrock. La gothique, une ex de Romano, avait une mère folle qui prenait des cachets jaunes, bleus et roses. Non, surtout rose. Et qui insultait ta mère. Surtout rose, ouais. Ouais, qui jetait les trucs par la fenêtre, qui m'insultait de connard. Et qui appelait la mère de Romano un jour et lui a dit. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Non, grosse pute ou je sais plus quoi. Grosse pute. Salope, t'imagine. Grosse pute, t'imagines? Et donc toi, Manon, le mec que tu connais, qu'il y a vraiment un seul mec que tu connais et le mec, tu l'aimes pas. Voilà. Ouais, et c'est, donc, c'est du coup, ton ex, quand j'ai su ça. J'étais dégoûtée, j'étais au bout de ma vie. Ouais, franchement, ah ouais, ouais. T'as pleuré. Ouais, j'étais. Non, mais moi je comprends, hein, ça dure quand même un an. Hein. Ah bah, ouais. C'est long hein, quand même. Ah ouais, c'est long. Jusqu'à ouais, bah, fin voilà. Juin l'année prochaine. Ah, tu m'étonnes. Ouais, c'est horrible d'y penser. Du coup, je suis allée à l'intendant, je suis allée à la CPE, je suis allée partout. Ah, t'as demandé de changer de classe? Tout le monde, j'ai dit que c'était pas possible, que je pouvais pas y aller. Et du coup, ce matin, je suis partie au lycée et je me suis présentée devant ma classe de. Où il y a le mec que je déteste. Oui, t'allais dire ma classe de con, mais tu peux, vas-y. Ouais, c'est ma classe, quoi. Et il y a un surveillant qui est venu me voir, il est venu me chercher, il m'a dit non, la CPE m'a dit de conduire classe. Dans l'autre classe. Du coup, je suis avec toutes mes amies, donc ça ouais, va. Voilà. Ah, bah ça va, alors faut ouais. Pas les priver. Ah, mais ils ont été cons, là. Ah ouais, t'y es passé près, mais faut. Ouais, ouais, c'est sûr, ça. Mais t'y es allé en pleurant, en disant ouais, ça va pas être possible et tout ça. Ouais. Ouais, encore, ouais, t'as eu du bol, hein, parce qu'il y a des cool, bahuts, ils s'en battent les couilles. Ah ouais, c'est clair. Quand il y a des bahuts, t'as beau chialer. C'est comme ça, et si t'es pas content, tu vas ailleurs. Bah, quoi. Bien sûr. Non, mais c'est vrai que si vous vous retrouvez dans une classe de cons. Je leur avais dit que si ça allait pas, j'allais changer de lycée. Hein. La, ah menace, ouais, la menace, la menace. Mais tu sais, ils peuvent te dire aussi, ouais. Bah, tu fais c'est ce là, que tu veux. Hein. C'est là, si vous là où ils disent, ah bah, allez-y, justement, ça nous arrangerait. Vu votre niveau scolaire. Oui, faites baisser la moyenne. Faites baisser la moyenne du lycée, allez. Vous me foutez mes statistiques en l'air, mademoiselle Céline. C'est peut-être une. C'est Marion. Ah, c'est Marion, pardon. Oui, c'est Marion. Romano, t'as des problèmes avec les, avec la mémoire. Non, Céline, on va la voir après. Mais elle est même là, Céline. C'est la pro. Bah, t'ouvres ta gueule, tout à l'heure, tu l'as appelée Cécile, alors. Non, mais c'est pas Manon. Pas du tout. Non, mais Céline, est-ce que on va la voir. Est-ce que je t'ai appelé Cécile, Céline? Non. Bah, bon, je t'aime bien. Je t'aime bien. Non, voilà, voilà, ouais. Bon, voilà, tu vois. Donc en fait, t'es une grosse mytho, quoi. Ah bah, c'est, elle est belle, l'éducation nationale. Donc. Alors, Céline, comment s'est passée ta rentrée? Première rentrée de prof, toi, hein, en lycée? Oui, c'est ça. Oui, c'est sa première rentrée. Bon, c'est plutôt bien passé. Après, bon, j'étais obligée de réagir un peu parce que je voulais clasher trop les profs. Ah, direct, hein. Donc, ah ouais, ben ouais, direct. Donc, je suis obligée de dire, les élèves, ils sont pas non plus, c'est pas d'Einstein, ils sont, voilà, il y a des boulets cons, hein. Aussi. Voilà, ils sont cons. C'est marrant, déjà, tu viens de passer juste ta première journée de prof et ça y est, déjà, c'est parti, t'as la mentalité d'une prof. Ouais, mais déjà, ben, j'en ai repéré déjà deux, trois. Ah ouais, t'as une tête de turc déjà ou pas? Marie c'est raciste, hein, avec ses expressions. Yavol, je passe une expression à la con. Non, mais ouais, non, Marie, mais ça n'a rien à voir avec les Turcs. Je te trouve très, non, très, très, très, très, très raciste, Marie, mais bon. Enfin, je sais pas, un mec que t'aimes pas à la base. Comment non, après, dire, non, je connaissais personne, heureusement pour moi. Non, je connaissais personne. Ouais, mais à la gueule. Reviennent pas. Non, mais ouais, parce que, soyons honnêtes, moi-même faisant partie du corps professoral. Oui, je vous rappelle que Romano est professeur de radio. Oui, section diction. Section professeur diction. De langue. Oui, exactement. Oui. D'accord. Non, mais c'est honnêtement, moi ça me le fait. C'est pas bien, mais c'est humain, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a, tu sais, je les vois au premier cours. Il y en a, tu sais, j'aime pas sa gueule, quoi. T'es un connard. Il est peut-être cool. Non, mais ouais, non, mais des fois, je peux changer d'avis en cours d'année parce que je me rends compte que le mec, il est plutôt sympa. Mais des fois, tu peux bloquer, tu sais, sur quelqu'un. Moi, je fonctionne très comme ça, mais admettons la gueule, quoi. On est une classe, Romano. Tu es notre professeur. Regarde, il y a la Marie. Samy, ouais. Karim, il y a Romain des réseaux sociaux. Là, je me dis, je suis gâté. Et, il est la section Cassos. Et moi. Et moi et Cédric. Ah bah il y a moi, tu l'as entendu, il est là. Est-ce que je suis là. Il y a moi. Voilà, bonjour, monsieur le professeur. Est-ce que tu aurais t'as changé, toi. Est-ce que tu aurais des élèves que tu préférerais rien qu'à leur gueule ou pas? Obligé, non mais je me ferai des réflexions. Déjà, toi, dis full ton nez, je le remarquerai quoi. Oh le bâtard. Ton nez, genre, bah, c'est normal, il est sur mon visage. Quand non, tu mais, regardes, tu le vois. Non mais un truc pareil, je me dirais putain, le mec, il a. Et tu sais, il te ferait des réflexions si tu parles en cours au lieu de te dire arrête de parler dans ta barbe, il dirait arrête de parler dans ton nez. Ah le con. Non mais je pense, non mais évidemment je bloquerai le plus, c'est sur Cédric. Pourquoi? Bah je sais pas, il a quand même un physique. Bah t'as un physique particulier. Ouais, quoi. T'as vu la gueule de carré, tu vois quoi. Non, son menton, il pousse. Non mais pourquoi tu vis dans mes couilles gros? Désolé physiquement, je suis désolé de te vexer Cédric. Vas-y, dis-lui. Mais Karim est quand même plus normal que toi. Merci bien. Oh le suce. Non mais c'est vrai. Non mais merci d'y non, c'est pas une suceur. Alors bah vas-y, alors Marie, entre Cédric et Karim, qui a le visage le plus classique? Ah bah Karim. Et avec lequel, et avec lequel tu gibonnerais? Ah bah, je suis pas sûr que t'as gibonné avec toi non plus. Hein. Non, Karim. Je suis obligé de choisir un des deux. Obligé de choisir un des deux. Bah avec toi Karim. Ah bah vas-y viens voir toi. Ah, non mais attention. Non mais attends, on va continuer. Alors Samy, entre Cédric et Karim, qui a le visage le plus normal? Karim quoi. Suceur. Désolé gros. Dis full. Bah je vais pas faire je vais pas être désagréable. Tifou il parlait pas, il avait pas envie que tu lui demandes. C'est les yeux. Tu parles de normalité. Non mais le plus classique, c'est pas, il est pas. Non mais Karim il passe partout. Enfin Cédric il passe partout. Non mais oui, il a une tête normale. Donc Cédric a une tête un peu particulière, on va dire. OK, bah tout fort enculé. Non mais est-ce que tu veux qu'on fasse un sondage? On fait un sondage. Les auditeurs, vous avez toujours la vérité en bouche. Ouais, voilà, donc la vérité, dites-nous la question officielle du sondage express. Sondage express. Alors, entre Cédric et Karim, lequel des deux a le visage le plus classique? Le plus normal, on va dire. Le plus normal. Classique. Non, normal, c'est bien. Ouais, normal, ouais. Parce qu'avec Cédric, on est dans la normalité. Elle apostrophe, bien sûr. Dans l'énormité aussi. Ouais. Dans l'énormité. Oui, tu peux voter aussi, Céline, même si t'es prof, tu vois, on t'en veut pas. Moi, je vote pour Karim. Tu penses que Karim voilà, merci, Céline. On va aller voir les photos, plaisir. D'ailleurs, sur les réseaux. Après, ça veut pas dire que t'es beau gosse, non, mais ouais, non, mais. Quelle normale. Mais déjà, c'est plus normal que Cédric, c'est pour ça que je dis merci. Et ouais, donc vous pouvez voter. Prenez une photo, on nous dit. Ah oui, tu les as pas vus encore. On va prendre une photo là. Ah bah, Karim, tu vas pas être déçu, elle est normale, très bien. Karim, ah, Cédric. Ah, il y en a pas mal pour moi quand même, gros. Ah, 2, 3, 4, 5, ouais. Ouais, 5 d'un côté, répondez, je sais pas, 50 de l'autre. Mais t'es vraiment un mytho. Bah, je regarde les messages qui défilent, regarde. Ah, Karim. Qui a normal. Le visage le plus normal, Cédric ou Karim? Allez, sondage express. Allez, Cédric, la famille. Ça, c'est un bon sondage express, Romano. J'aime bien. C'est pas le clash de la drague, Cédric. Ça a rien d'inciter au vote. Non, mais là, c'est l'avis de chacun, là. Allez-y, faites-nous péter tout ça, là. Bon, bah, c'est Lynn, on fait un gros bisou. Tu me tiens au courant de ton année pour savoir un petit peu comment ça se passe. T'as des élèves qui te prennent la tête, si tu leur mets des punitions. Cédric a une tête de nem. Qui envoie le message. Mais tu dis n'importe quoi, les mêmes, c'est long, c'est tout long. Ouais, toi t'es. Tête de con. Ouais, je suis plus. Oui, plus, hein. Plus une tête de con. C'est ça, ouais. Et Céline, c'est la première interro, elle est pour quand? Ah ouais, dis, tiens. Je pense dans 3 semaines. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ça va, t'es cool. Ah, t'es cool. Grave. Non, mais c'est vrai. Ouais, en seconde, ouais. Ah, j'aurais bien aimé t'avoir comme prof. Ah, moi, ils s'en battaient les couilles. Hein. À l'arrivée après, de seconde. Après, je m'habille comme un sac à patates, moi aussi, hein. Je suis obligée. Ah, pourquoi t'as peur de te faire siffler, ça? T'as un nombre de messages pour voter, là, entre Karim et Cédric. Mais c'est la folie. On va vous donner les résultats dans un instant. C'est la folie du vote. C'est les succès. Je te paye une opération, si tu veux, Cédric. Et même des messages de solidarité pour toi. Je garde ma tête, t'inquiète. Ouais. Cédric aime le caca, il a une tête pas normal, il est tout pas normal. Merci la boule. Ouais, merci. Bon, bah Céline, bon courage. Ouais, bon cours demain. Merci beaucoup. Merci. Gros bisous à toute l'équipe, à Marie, à Romano, tout le monde. Et t'es prof de quoi? On nous demande encore Lino qui nous pose la question. La matière qu'on déteste, les mathématiques. Oh Marie, voilà. On va te passer Marie, tiens. Je suis sûr que vous avez des choses à dire. Marie, elle va prendre des cours particuliers avec toi. Tu sais que cet été, j'ai rencontré un prof de maths. Ah ouais, et alors? Ouais, on a discuté. Non, mais ça va, cool. Ah bah, j'ai mesuré sa bite, elle était sacrément grosse. Ah, t'es connu. Et ben, 1 et un 8, ça faisait 19. Non, c'était marrant. Non, 18. Ah merde, là. Et sa nana prof de français, dans le monde d'ailleurs. Une famille de profs. Bon, on t'embrasse en tout cas, Céline, reviens vite. Si vous voulez nous parler de votre rentrée, c'est jusqu'à minuit. Vous nous laissez vos messages, vous nous appelez 41-759, appli Skyrock pour vos messages. Et puis le 01-53-40-30-20 pour nous appeler directement ici dans les studios. Vous tombez sur toute l'équipe qui est là. Le téléphone est dans le studio, les réseaux sont dans le studio. Tout le monde est dans le studio. Et on va vous mettre les photos de Cédric et de Karim. Ah, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ah, ça y est, c'est parfait. On a fait une photo tous les deux. Insta, Facebook, partout. Ouais.

I'ma show you that where you from. Don't matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my ra. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my ra. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my ra. Then she says I bought it, and I said I bullet. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my dog. Then she says I bought it, and I said I bullet. No matter where I go, go. You know I love them all. Ken Jones sur Skyrock, on écoutait Don't Mind. Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Ouais, on est là en direct. Il y a Roberto qui nous envoie un message qui dit: je suis malade et ma mère elle me croit pas. Elle croit que c'est pour ne pas aller en cours demain que je fais semblant d'être malade. Ah bah attendez, parlant de maladie. Ah bah ça, je vous l'ai pas dit. Il va nous faire chier. Je vous l'ai pas dit, mais ça, je sais pas si ça s'entend parce que en fait je suis très très malade. J'ai pris un coup de clim. Ouais, sur la gueule, dans le nez. Non. Un coup de clim dans le nez. Je sais pas, je vous ai dit lundi soir, il faisait très froid dans le studio, très chaud dehors. Ouais, c'est vrai que mardi, t'avais la voix un petit peu éraillée. Et ben voilà, ça y est, pam, coup de clim, maladie, grave maladie, très grave, Romano, tu as vu. Ouais, c'est surtout que ce que je vois, c'est que tu vas bien nous casser les couilles encore. Roberto, je te soutiens, et si tu veux qu'on parle à ta mère en direct, Roberto, laisse-nous ton numéro, le numéro de ta mère, moi je l'appelle et je lui explique que t'as le droit d'être malade le jour de la rentrée, hein, c'est pas de ta faute. Hein. Non, mais vois un médecin, comme ça au moins. Ah, on m'emmène les résultats de... Bon. Ah. Qui est le plus normal entre Cédric et Karim? Moi, alors, je sais, j'ai vu les résultats. Et les résultats sont surprenants. Le plus normal... Franchement, Karim, si t'es moins normal que Cédric, c'est chaud, ma gueule. Non, mais même... Le plus normal du visage, on parle physiquement, bien sûr. On attaque le physique ce soir. Karim, 54% seulement. Ah, putain, merde. Oh. Et seulement. Ouais, ouais, seulement, regarde, 54%. Je pensais que j'allais le baiser comme Romano au Clash, quoi. Cédric, 46%. Bah, je suis plus normal que toi alors, ma gueule. Oui, ça c'est marrant. Bah, c'est vite fait, gros, les gars. Pas beaucoup, mais bon, plus normal quand même. Non, mais Cédric, tu devrais être content. Bah ouais. Pourquoi? Parce que je suis pas normal. Bah, non, mais d'avoir 46. Non, mais tu as être non, mais ça, c'est... Non, mais c'est un score de ouf, 46. Ah ouais, toi. Moi, je m'attendais à du 95. Mais tu sais que moi aussi. Et d'ailleurs, je soupçonne Romain d'avoir fait Zama à peu près pareil, tu vois, pour pas que Cédric il insulte, parce que les votes, c'était un truc de ouf. N'importe quoi, il y avait grave des votes. Non, mais j'ai été même surpris. Il y a grave des votes. Cédric, ouais. Regarde, il y a Nébor qui vote pour toi. Je vote Cédric pour Chachouastre. Je l'ai eu au téléphone. Le kiff. J'aurais même pensé que t'aurais pu te faire baiser, Karim. Bah ouais. Putain, ouais. Heureusement que non, putain. T'imagines, je me serais fait baiser. Ah ouais, bah. Je serais parti, je serais rentré chez moi. Moi, je vous le dis. Déjà, t'aurais pleuré sans doute. Pourquoi t'as dansé ce sondage sur la normalité des visages? Parce qu'on parlait des profs tout à l'heure, tu sais, Romano il est prof et quand il regarde le visage de ses élèves, il a la haine. Ah, c'est de la gueule. Ouais, c'est à la gueule, ouais. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Non, mais vous, ça vous le fait pas? Ah bah, je sais pas, des fois gens, t'arrives à une soirée, tu sais, tu vois quelqu'un, tu te dis ouais, je sais pas, lui c'est une tête de con quoi. Ouais, non mais c'est vrai en plus. Non mais qui ne le fait pas, parfois ça arrive. Oui, ça arrive. Bon bah écoutez, on a fait le sondage express, c'est bien. Dans 20 minutes, on lancera les votes pour le match de foot. Il y a 2-1 toujours pour les Français. Et Verratti est rentré sur le terrain, le petit Verratti, j'ai vu, non? Ouais, apparemment il est rentré. Il ouais. est là. Bon, Verratti qui joue pour les Italiens, évidemment. Il était derrière Marco Verratti. Oui, le Parisien, ouais. Ouais, ouais, c'est le numéro 10. Parisien, mais italien, surtout. Oui, mais il joue à PSG. Il joue au PSG, ouais. Il joue à PSG, exactement. Ouais. Donc Verratti qui est rentré sur le terrain et 20 minutes de jeu encore pour la France et l'Italie. On suit le match. Vous avez mis 14 pour la première mi-temps pour les Français. Le match des Français vous a plu tout plu. On va voir ça. Tant qu'on gagne, hein, c'est bien. Hein. Alors, ouais. Est-ce qu'on prendra Real dans un instant? Ah si, on va faire un point sur le problème du mois. Romano, tu es allé sur tous les sites pendant tout l'été. Voilà. Et malheureusement, les gens ne s'arrangent pas. Non, ce que je disais tout à l'heure, elles ont toujours des problèmes. Bon, c'est bien pratique pour le problème du mois. Hein. Qu'est-ce que vous avez vu de pire sur le net? Tiens, dites-nous, le truc le pire que vous avez vu sur le net. Vous traînez sur le net, vous allez voir des trucs. Quel est le truc qui vous a le plus choqué? Alors, parlez-nous de tout, hein. Ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous a choqué? Grave. Moi, c'est la vidéo avec du caca, moi. Ah, Two Girls One Cup. Ouais, ça c'est. Après, il y a d'autres vidéos qui m'ont choqué. Non, mais celle-là, elle est fameuse. Ah ouais, elle est. Non, mais parce qu'on. Pour parler d'un truc connu, parce que j'ai déjà vu des meufs qui vous fait de la merde, des trucs comme ça. Bah, sur le net, tu trouves tout, Marie. Oh, ouais. T'as déjà vu ça, Romano? Bah, évidemment. Quand même. Je chie dans la gueule. Non, et tout, pas forcément, t'as des liens. Non, mais tu sais, ça va vite, hein, Marie. Bah ouais, tu vas en deux. Tu sais, le web, il y a tellement de choses passionnantes à voir. Regardez le dégueulasse des réseaux sociaux, Romain, là. Ah ouais, il a un sourire de pervers, là. Ouais, t'es content? Non, mais c'est connu. Entre potes, on se refile le lien. Lequel? Non, mais Two Girls One Ryan Cup, mais ils doivent avoir un nombre de vues, mais ça doit être hallucinant. Ça fait des années que ça y est. Ah ouais, ça fait, Et ça marche toujours. Non, mais c'est vrai, parce qu'au départ, les meufs, elles sont bonnes dans le truc. Donc tu te dis, ouais, c'est cool. Non, mais ça part bien, ça part comme un film de cul. Ouais, ça part bien. Après, au bout d'un moment, ça se gâte. Ça se gâte. T'as deux meufs dans une espèce de jacuzzi. Ouais, après, elles se. Elles ont des cornets de caca. Elles se chient dans la bouche et tout. Mais attends, faut bien raconter. C'est qu'au début, elles sont sexy, tout ça. Tu les vois, elles sont mignonnes dans leur jacuzzi qui fait des bulles. Et puis tout à coup, elle commence à chier dessus. Voilà, c'est pas mal. À chier dans la bouche, elles font des cornets de merde. Et puis il y a une autre vidéo aussi, la vidéo avec l'autre qui chie dans. C'est pas dans un jacuzzi ou une piscine aussi, c'est pareil. Si, c'est ça, ouais. L'autre, elle. Vous vous rappelez pas? Ah ouais, c'est une qui pète là. Il y en a une qui pète et en fait elle se chie dessus. Ouais, elle était une espèce de marée noire de merde. Ouais, elle était malade. Elle était filmée quoi. Elle était, je crois, c'était pas Hollande. Si, c'était une télé-réalité. Ouais, c'était une télé-réalité, ouais. Et en fait, il y avait des candidats qui étaient dans le jacuzzi. Ah ouais, elle était pas toute seule. Hein. La meuf arrive, elle se met genre dans le jacuzzi debout, et là elle a une espèce de paix foireux, et la meuf elle chie, et avec les bulles, mais le jacuzzi devient marron, mais l'espace de 5 secondes. Et les gens et tous les mecs qui sortent de la piscine direct, en parle. Voilà, je l'ai fait la vidéo. Cédric, tu as fait une vidéo Oh non, bah ça marche, ça, c'est pas du fake. Jamais. Ah, mais t'imagines la honte de la nana, même en sortant et tout. Oh là là. Ah ouais. Déjà, tu participes à une télé-réalité, c'est chaud. Ouais, mais déjà. Alors, si tu te chies dessus en direct à la télé, ouais. Mais la meuf, ça a dû être. Ouais, en fait, rien qu'à Hollande, la meuf, tu peux pas sortir dans la rue. Elle, c'est elle. Faire la gueule. Il y a Sally qui nous parle d'une vidéo dont on parlait ce matin, dans le morning. La vidéo du gars qui se branle avec un McChicken. Elle dit, j'ai vu la vidéo d'un gars qui se branlait avec un McChicken. On en parlait ce matin avec Cariole. Ça m'a traumatisé, elle on dit. On l'a fait dans l'info au mytho. Ouais, c'était l'info au mytho de ce matin. La question c'était, est-ce qu'il y a un gars. C'était hier matin même. Ouais, peut-être. Qui se branle dans un Big Mac. La réponse était mytho parce qu'il se branle pas dans un Big Mac. Mais c'était un McChicken. Il se branle dans un McChicken. C'est sale. Ouais, écoute, il fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que ça a choqué Sally, ouais. Moi, le pire truc que j'ai vu, c'est une meuf qui suce en mangeant des chips. Ah ouais, tout ça, moi j'ai vu pire, hein. C'est Phénixal le mortel. Vous regardez quoi, là, avec. Non, mais parce qu'en fait, Romain, c'est une animatrice télé. La meuf, elle a un pantalon blanc, elle est devant une maison. Si, elle interviewe un mec, et la meuf, en fait, elle se chie dessus, elle se barre en courant, et tu vois la grosse trace de merde sur le pantalon blanc. Dégueulasse. Bah, mets le lien sur les réseaux. Un truc qui vous a dégoûté sur le net. Tiens, moi, j'avais vu une vidéo que mon fils m'avait envoyée, parce que j'aime bien enlever, tu sais, les petits points noirs, les conneries. Bon, comme beaucoup de meufs, d'ailleurs. Ah, le truc, là, je vois. Bah, écoute, tu devrais sortir avec Cédric. Et. Ouais, Cédric est un nid de points noirs. À présentoir un point noir. Il y en a partout. Tous les modèles. Ouais, mais non, mais je vais éviter. Et le truc, en fait, c'était des plus gros points noirs, mais c'était. Ouais, Cédric. J'ai même pas pu regarder la fin du truc. Cédric, j'ai failli vomir. Ah, mais j'en ai vu. Non, mais en fait, c'était genre un abcès, là. Qui... C'est un pu, ouais. Ouais, l'abcès. Je t'avais montré, là. Ouais, l'abcès, il. C'est là où il est où, le bouton? Il est pas dans le cou. Ouais, il est dans le cou, hein. Et en fait. Il met un coup de tuteur. Donc, en fait, ils mettent un coup de bistouri. C'est un bistouri, hein. C'est comme. Et en fait, là, il y a du pu qui sort. Mais c'est un truc de ouf et t'as l'impression. Ouais, et en fait, ils appuient. Regarde, c'est ça, derrière. Ah putain, on attends, tu vois comment ça sort, gros. Pourquoi tu vomis, Romano? Regarde la vidéo, regarde comme c'est joli. Je peux pas regarder, je te jure, j'ai pas pu regarder. Regarde comme c'est beau. Tu as un grumeau sur le visage, Romano, aux alentours de la lèvre. C'est sorti de ta bouche, je sais pas ce que c'est. Oh là là, regarde. Ah non. C'est vrai, elle est dégueulasse, celle-ci. On va. On va vous la mettre sur les réseaux, celle-ci, on peut vous la mettre. Ignoble. Celle-là, elle est horrible. Et moi, j'ai pas pu la regarder jusqu'au bout. Bah, non plus, je peux plus, là. Ah ouais, non, t'as vu? Oh là, regarde, c'est moi. C'est mon dos, Romano. Ah, et puis ça sort, mais. Romano, il gerbe. Ah, mais là-bas, il est dans la poubelle. Bah ouais. Ça va? Ah, la gueule. Vas-y, enlève ça. Enlève ça, change de table. J'aimerais bien la revendre depuis le début. Non, vas-y. On va finir, regarde là. Donc, ça, c'est vrai que celle-ci, elle est pas mal. Ça dégoûte sa mère. Ah ouais. Attends. Ça dégoûte. Il y a que Cédric qui adore. Regardez. Moi, regarde. Oh là. C'est ma vidéo des vacances. Non, mais c'est ignoble. C'est terrible. Non, mais c'est un truc de ouf. Ah, ça y est. Une vidéo qui dégoûte. Allez, vos messages. Un truc que vous avez lu qui dégoûte. Pareil, vous nous dites 41759 skyrock.fm et au 01 53 40 30 20. Noa, là, qui nous laisse un message, 15 ans. Il y a une fille qui vomit devant la caméra et qui mange son vomi après. Il y en a plusieurs qui ont mis. J'ai cru que j'allais tout sortir aussi. Ouais, et a priori, il y a une variante de Two Girls One Cup. Il y a Two Guys One Horse. C'est quoi? Bah, deux mecs avec un cheval. Ils font quoi? Non. Bah, je pense qu'ils se font culer par le cheval. Ah, non, non. Bah, si, bah, ça existe. Quelle horreur. Bah, ça, Marie, quelle horreur. Ah oui, regarde, Romano, message de Max, 17 ans. Ouais, mais il y a Dumbledore aussi. Two guys, one horse. Two men, one horse. Un mec, ils sont... Ah, et qui meurt d'hémorragie interne. Horrible. Des trucs horribles sur le net, les vidéos d'autopsie. Ouais. Le castrage d'un bœuf. Ah ben moi, ça m'a... La castration d'un bœuf. La sœur de Carriol, elle est avocate et elle en a fait une quand elle est avocate, elle a fait du pénal. Mm-hmm. Donc c'est... Moi j'ai fait du pénis hier soir. Vous savez que c'est génial. C'est-à-dire que ouais, pénal, c'est meurtre, assassinat, tous les trucs les plus glauques en fait. Ouais. Et elle a assisté à une autopsie. Et donc... Ah, tu ne tombes pas dans les vapes. Ah mais il y en a la moitié qui ont gerbé. Ah ouais. Il y avait même des pompiers, les pompiers ils ont quiché. Le mec, ce qui s'est passé, c'est que tu sais, il devait scier, je sais plus quoi, un os. Le crâne. Ouais, un os. Oh. Et ouais, je sais plus, un os. Et en fait, la scie électrique, elle fonctionnait plus. Donc le mec, il était à la scie manuelle. Oh. S'il vous plaît, donnez-moi une hache. Une hache. Et elle m'a dit, mais t'as la moitié des élèves, tu sais, des élèves avocats, mais qui sont partis dégueuler. Ah, mais gros, juste quand je vois dans les experts. Ah, mais ouais, ouais. Ça me fait mal. Non, mais là, t'es dans la, non, mais t'es dans la salle, t'as deux mètres du, avec les t'as deux mètres du pue, corps, quoi. C'est-à-dire que le mec, il sort les organes, il les met dans un seau. Tu sais, c'est, a priori, c'est bien gore à voir, quoi. Oh, j'ai vu la vidéo de Japonais qui mangeaient leur caca dans des assiettes. Oh. Ah, dégueu. Moi, il y a Cassandra sur Snap qui m'envoie une fille qui se filme, elle enlève son tampon et le suce. Ah, oui. Ah, mais c'est vrai que sur le net, on trouve des trucs terribles. Ah, une vidéo qui me dégoûte, c'est Cédric dans la rue. Mais pourquoi? Bah parce que je lis le message, Cédric. Mais à quoi de dégoûtant? Bah je sais pas, je lis le message de Benny sur SMS. Bah explique-moi Benny, j'aimerais bien bah, savoir. Bah dis Benny alors, vas-y. Alors Fab lui a été dégoûté, ça c'est vrai que tu le fais avec Cédric, le décès est proche. C'est-à-dire qu'en gros, Cédric pète, il y a un tuyau qui est relié à un masque à gaz sur une autre personne. Mais ça c'est un jeu japonais ça. Non mais c'est vrai, ça passe à la télé. Tu crois qu'on essaye gros ce soir? Ça passe à la télé japonaise. Et Fab il nous dit, lui il en a vu un où le mec en fait tellement a priori ça pue la merde, le mec gerbe dans le mec gerbe dans le tuyau. Non mais Karim, il avait un masque comme ça cet été. Viens, on essaie demain soir si tu veux. Tu mets le masque et je te pète. Mais rien à voir, du coup, c'est le masque qu'il avait, Karim, c'est un masque de plongée. Bah oui, c'est un masque de plongée de chez Decathlon, là, avec le truc. Mais c'est trop bien, ces masques. Hein. Ah, ah, mais on peut pas péter dedans et ça rentre dans le masque. Bah, meuf, mais faut que tu te rentres le tube dans le cul, tu vois. Oh, bon, aucun problème. C'est le seul moyen, Cédric. Hein. Ouais, et tu pètes et comme ça, il aura l'odeur. Mais non, mais t'es con, mais en fait, c'est un masque avec un tube à intégrer. Ouais, bah ouais, et en fait, ça va rentrer. Ça fait comme un périscope en haut, t'as une espèce de truc. Non, mais c'est vrai que t'as une gueule de con avec. Ça, il faut le reconnaître. Mais par contre, franchement, ça marche grave bien. C'est moins galère qu'un tube à classique et tout. C'est bien, ce truc. Ouais, c'est vrai. Bon alors Romano, dis-nous ce que t'as trouvé sur le net pendant ces vacances. Alors, c'est le premier problème du mois de cette rentrée. Le problème du mois, c'est simple. Dès que vous voyez un truc bizarre sur le net, un courrier, ouais. Ouais, un courrier, un lecteur. Oui, c'est ça. Du site internet qui a des soucis, qui a des problèmes. Un internet. Il y a but de la France. Il y a but des Bleus. Mais oh, oui, mais oui. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Et voilà, easy baby. Au calme, baby. Tranquille. C'est qui? Kurzawa. C'est Kurzawa qui est marqué. Avec sa barbe. C'est ça. Le Paris, on peut dire que c'est un Parisien, non? Ouais, tu peux dire. Il est dans le PSG, je vous le dis. Ouais. C'est bien. Et là, il a fait un but, une passe décisive pendant le match. Bah écoute, c'est pas mal, dis donc, Kurzawa. Eh ouais. Ça nous fait donc 3-1. 3-1. Il était pas à l'euro, lui. Hein. France. Si, mais il était sur le banc. Si, il était, ouais. Il était sur le banc, c'était Evra le titulaire. Ouais. 3-1. Bon but en plus. Ouais. Et n'empêche qu'il aurait dû mettre cette équipe contre le Portugal. Parce qu'elle est pas mal, cette équipe, elle marque. Ouais. Elle a marqué 3 buts quand même. Je suis pas fan du système qu'il a mis en place parce que Griezmann il disparaît complètement. Bon là il est sorti, c'est normal. C'est vrai, on nous a dit Griezmann n'a pas fait un super match. C'est normal parce que quand il joue comme ça avec 3 à 3 devant, Griezmann c'est pas son poste et du coup il. On est bon, regarde derrière, il met 3 buts gros. C'est mieux qu'il joue dans l'axe. L'essentiel c'est qu'il mette 3 buts. 1, 2, 3, 1. Si on leur met Catin, c'est bien. Ouais, la Catin. Ouais, comme ça c'est. On leur fait, c'est moi la Catin ici. On leur fait la Catin là. Donc 3-1 pour les Français, but de Kurzawa, but de Giroud et but de Martial pour l'instant. Bravo Kurzawa et bravo bien les bleus. Ouais, bravo 3-1. Ouais, en plus il reste quoi? Il reste pas grand-chose hein. 9 minutes. Pff, on va gagner contre les Italiens. Les doigts dans le nez. Allez, oui, je dans le cul. Au choix. Bah, revenons au problème du mois. Alors, la première et, c'est Tara. Alors écoutez bien, le problème du mois est proposition de Romano, il y en a 5, toujours 5, t'as pas changé. Ouais, il y en a toujours 5 là. Tracodre. D'accord. Non mais je suis drogué aux médicaments. Donc ah bah ça y est. Un moment je. Oui parce qu'il dit fou les malades. Vous vous rendez compte, il a un rhume. Bah, non mais j'ai un rhume. Maladie de ouf. Mais c'est, vous savez c'est un rhume. Non mais c'est, je suis très inquiet. Moi aussi j'en ai eu un, j'ai pas fait chier le monde, tu vois, tu prends du médoc et... Tu veux pas essayer ma méthode avec l'aluminium? Ah, Marie veut que je me mette les pieds dans l'aluminium pour guérir mon rhume. Bah écoute, il paraît que ça fonctionne. Mais bien sûr Marie. T'as de l'alu? Ouais, j'ai tout. Vas-y, mais on peut te le faire, dit fou là. C'est l'alu. Il faut le garder une heure. Tu vois pas là. Non, mais franchement, imagine si ça marche, on sait jamais. Vous voulez que je foute mes pieds dans l'aluminium? Essaye, gros, bah oui. Non, mais je vais bien essayer, j'ai rien à perdre. Je vais avoir l'air d'un con, mais c'est pas très grave. Non, t'auras pas l'air d'un con, non. Oh, tu sais, il y en a qui n'ont pas besoin de se mettre les pieds dans l'alu pour avoir l'air d'un con, Cédric. Et hop là. C'est une semaine qui se balade avec son alu. Oh ouais. Non, c'est là. Bon alors, reviens sur ton problème du mois. Bon, parti. Alors la première, c'est Tara, 32 ans, de Dampierre en Crotte. Qu'est-ce qu'elle... Tara, 32 ans, elle habite à Dampierre. Mais c'est existe, en Croc, je sais pas comment ça se dit, ça s'écrit C-R-O-T, c'est dans le 18. Dampierre en Crotte. Elle a écrit au Forum Palais de la Soumission. Alors ouais. elle a voulu faire, pendant l'Euro, là. Ouais. C'est un peu un problème du mois foot, vous voyez, je suis raccord avec l'actu. Bravo, c'est bien. Alors, pendant l'Euro, elle lui avait offert un ballon avec une bouche. C'est un ballon à fellation, en fait. Ah, tu mets ta bite dans un ballon et il te suce. Ouais, c'est ça, ouais. C'est comme si c'était une tête, sauf que c'est une bâche. Bah, il y a une tête, hein, c'est un ballon tête, en fait. C'est ignoble. Mais c'est horrible, ce truc. Mets-le en photo sur le net. Pour que vous puissiez bien choisir votre problème du mois, il faut voir ce bordel. Donc, c'est un ballon. Oui. Vous imaginez, à un endroit, il y a une bouche et il y a deux yeux dessinés et un espèce de nez, quoi. Oui, c'est horrible. Et donc, bon, au début, tu vois, il l'a pris comme un cadeau, tu sais, que tu peux faire à un pote pour l'anniversaire, tu sais, un cadeau à la con, quoi. Ouais, un truc pour rigoler, ouais. Ouais, bon, seul problème, c'est que depuis qu'ils sont rentrés de vacances, le mec, ça fait une semaine qu'il n'arrête pas de mettre sa bite dedans, mais quasi H24. Elle en peut plus. Et quand t'es fan de foot, ça peut être sympa, hein. Alors, au début, il se cachait, mais elle l'a grillé. Et du coup, vu qu'il a été grillé, il s'est dit, bon, bah, maintenant, autant plus me gêner. Donc, par exemple, le soir, devant la télé, il est en train de bourrer son ballon. Non, mais c'est comme si, je sais pas, si vous avez un mec à la maison, vous vivez avec lui, et il se branle devant la télé tous les soirs. Ouais, c'est ça. Et vous êtes juste à côté. Avec un ballon. Lui, il le fait avec un ballon en bouche. Ouais, c'est ça, un ballon très moche, ça, d'ailleurs. C'est le ballon bouche. Ouais, c'est le ballon bouche. Et le problème, c'est que il est devenu complètement accro à ça, et il veut plus la toucher. Vous avez vu sur le net, on trouve des trucs sympas, hein. Alors, elle veut lui confisquer le jouet, mais il a menacé de la quitter s'il lui enlevait. Quel couple de merde. Tara et son mec, problème du mois numéro 1. Que faire? Problème du mois numéro 1. Ben vous avez bien noté, si vous voulez celui-ci, il faudra voter juste après. Le 2. Alors, Mallory, 28 ans, de Bordeaux, elle a écrit au forum au féminin.com. Alors, elle, rien ne va plus avec son mec. Bon, il est accro au porno et il s'est mis en tête de se filmer en train de baiser pour faire des vidéos, des sextapes, quoi. Je suis sûr qu'il y en a plein qui l'ont fait. Bon, alors, le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, a priori, Mallory, elle est nulle. Elle baise mal. Ouais, quoi, il la trouve nulle sur les vidéos et il lui dit, ouais, t'es nulle, t'es qu'une gourde, tu sais rien faire, tu baises mal. Si ça continue comme ça, je vais aller en trouver une autre parce que t'es incapable de faire une bonne vidéo. Sympa. Donc, Mallory le vit mal. Comment tu réagirais, Marie, si ton mec il disait, ouais, tu baises mal, t'es pas bien sur la vidéo, tout ça? Bah, je l'enverrais chier, je pense. Ouais. Ah ouais, non mais tu penses que tu ferais une bonne baiseuse dans un film de cul? Non mais je pense Marie elle serait bien. Ouais. Non mais je veux pas faire ça. Hein. Non mais tu veux pas faire ça. Je te propose pas une carrière Marie là. Non, je te pose juste une question. Est-ce que tu considérerais que tu serais une bonne J'espère. Une bonne baiseuse que le film serait intéressant à regarder. Absolument, bah, j'espère. Oui. Tu ferais la chienne genre tu sais des trucs de non mais c'est quoi chienne, genre, ça, la bite sur le visage tu sais des trucs de ouf. Ah non mais j'aime pas ça. Tiens regarde il y a Madame 22 ans elle me fait mon mec veut faire une sextape aussi. Ah bah ça, tu vois, bah j'espère qu'il va pas te traiter comme Mallory s'est fait traiter de nul, d'incapable. Il y a Astre qui veut être filmé. Moi, je veux être filmé. Ça pose pas du tout de problème. Moi, j'aurais peur de ça. D'abord, ça m'excite pas des masses. Après, j'aurais peur que ça tombe dans les mains. Ouais, bah ça, il faut le faire sur ton. Dans des mains de malotru. Malotru, oui, exactement. Mes sextapes, je les fais sur Snap, car 10 secondes, ça me suffit. Voilà, c'est ce truc. Non. Merci pour ton message. Excusez-moi, Snapchat, vous pouvez réduire à 5. C'est trop long, autrement, il faut faire 2 vidéos. Ah, tu peux faire 5, hein, si tu veux. Bon, donc ça, c'est le problème du mois numéro 2. Mallory, son mec veut la filmer en faisant du porno, il l'a fait, et elle est nulle. Enfin, il la trouve nulle. Bah, il la trouve nulle, il la traite mal. Donc, il menace de la tromper pour trouver une meilleure actrice, quoi. Ah ouais, carrément. Lui, il est bien, déjà. Problème du mois numéro 3. C'est rien qu'on avait failli faire il y a quelques semaines. C'est Aldwin, 35 ans, de Leeds, en Angleterre. Ah, un Anglais. Ah ouais, c'est parce que cette année, on s'ouvre à l'Europe. Première radio urbaine mondiale, Romano, Skyrock. Sex Education Forum... sexeducation.org. Ok, amis américains, ils doivent être hallucinés quand ils t'entendent. Sexeducation.org. Et alors, qu'est-ce qu'il a là? Eh ben, il a découvert sur internet un club japonais de forest fucking. C'est-à-dire, hein, tu te fous des baobabs dans le cul? Non, c'est quoi? C'est-à-dire que tu fais des balades de forêt avec des gens qui font partie du club. D'accord, et tu vois un platane et tu montes dessus. Non, et à un moment donné, en fait, un des membres du petit groupe se fait fister ou tu peux te faire fister par lui. Juste le fist. C'est déjà pas en mal. Forêt. En même temps, t'as envie de te prendre un bras dans le cul en forêt. Bon, non, mais ils mettent pas l'orbite, rien du tout. Ah non, c'est juste du fist fucking. D'accord. Et donc lui aimerait organiser ça en Angleterre parce qu'il n'a pas trouvé de club. Ah bah alors les Anglais. Alors il faudrait vous mettre à la page, les gars. C'est au Japon que ça se passe. Ouais, c'est ça. Et lui aimerait apporter ça en Angleterre. Ils sont chelous, les Japonais. Vous avez pas vu les vidéos japonaises? Il y a des carrés sur la chatte. Ouais, ou alors des fois ils sont poilus. Bah, ils aiment pas les poils apparemment. Non, mais t'as des carrés sur. C'est flouté en fait. Voilà, même les films de cul, c'est un genre de floutage. Ouais, des carrés, genre de la chatte. T'as des espèces de mosaïques. Ouais, alors qu'ils font plein de mangas. Bien cul. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis ils font des trucs entre le mec qui a vomi dans le masque à gaz parce qu'il s'était fait péter un tuyau dans la gueule. Donc l'anglais, le forest fucking, c'est ça que c'est. C'est ça, exactement, le forest fucking. C'est le point de vue numéro 3. Le 4. Alors c'est Désiré, 27 ans, de Nancy, à Doctissimo. Oui. Et il a écrit à la rubrique Fantasme, mais Fantasme qu'il a déjà réalisé, puisqu'en fait son truc c'est de se branler chez des amis. Voilà. C'est sympa, vous avez des potes qui arrivent à la maison, ils sortent leur queue, ils se branlent. Mais devant les amis ou... Alors, ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, ils se masturbaient dans des affaires, par exemple dans le linge sale. Et dernièrement, il a dormi avec un pote. Non. Il s'est branlé à côté de lui. Bon, le pote a pété un câble. Mais Cédric, tu l'as fait ça, non? Ah non, t'as branlé un pote, pardon, excuse-moi. Non. Allez. T'es un gros mytho, toi. Bah, est-ce que je suis un gros mytho? Pas du tout. Ah. Mais si, t'es un gros mytho, gros. C'est pas toi qui l'as raconté, connard? Mais j'ai jamais branlé un pote, t'as un photo quoi. Mais si, tu l'as pris dans tes bras, tu l'as branlé, il y a la mère qui est arrivée, t'as eu honte. Mais t'es malade, toi quoi, je l'ai pas branlé, j'ai juste pris dans mes bras. Oh, c'est mignon. J'ai pris sa queue dans ma main. Ouais, c'est mignon. Tu l'as pas branlé? Non. Ah, j'étais sûr qu'il avait. Dites-nous. Mais j'avais un pote à moi qui s'est branlé dans le lit. On était à trois dans le lit. Lui, il avait dormi à gauche. Moi, à droite. Au milieu, il y avait une meuf. Ouais. Et lui pensait qu'on allait baiser la meuf. Donc, tu sais, il était excité comme un ouf. Il n'arrivait pas à dormir avec la meuf au milieu. Du coup, il s'est retourné. Tu vois, discrètement, il se branlait pendant que tout le monde dormait. Et il me l'a dit que le lendemain, tu vois. Bon, là, après, il s'est trompé de bite. Il a pris la mienne. Voilà. Bah, je lui ai dit, t'aurais dû me réveiller la nuit. Ah, mais je l'ai tellement traité, le mec. Ça va, il y avait une meuf entre vous. Oui. Ah, mais même, tu te branles pas. Toi, ça te ferait pas chier que je me branle dans ton dos? Non, mais tiens, une meuf entre les deux, tu fais ce que tu veux. Ah, imagine, il y a carriole au milieu. Ouais, non, ça c'est inimaginable. Toi, t'es à droite, moi je suis à gauche. D'accord? Toi, tu dors tranquille, et puis moi, je suis là en train de. Carriole, elle dort, et moi, je me branle. Et je te le dis le lendemain. Je lui fais, ouais, en fait, faudrait que tu laves tes draps, gros, je me suis branlé dans tes draps. Non, mais si c'est une meuf, admettons, je sais pas, on va dormir. Marie. Ouais, on va dormir chez Marie. Tu te branles, je m'en bats les couilles, franchement. Ah, moi aussi, ouais. Merci, les gars. Non, mais s'il y a Marie entre nous deux, je m'en bats la race, quoi. Simplement, aussi, si tu fais bouger trop le lit, je te dis, ouais, vas-y, va te branler ailleurs. si tu te branles, je m'en bats les couilles. Ah non, moi, je ronfle, j'étais mort. J'ai des messages du pote de Cédric, Dumbledore, qui nous dit, je suis le pote de Cédric et il m'a sucé. Voilà. Message de Yuma, Cédric Mytho, si, tu l'avais dit. Non, qui nous fait si, il a dit, il avait branlé son pote. Mais jamais de la vie. Rectification également, non, Cédric s'est fait enculer ce jour-là. Ouais, bah oui. Oui, je suis l'ami de Cédric et il m'a branlé, après, il m'a sucé. Ah bah dis donc. Voilà. Encore un autre message. Et oui. Merci pour tous vos messages sur le 41759, l'appli Skyrock, vous dites la vérité. Il a même dit qu'il s'était fait arroser par le sperme de son copain. Message de Blue. Dis pas ça. À vous Cédric Mytho. Ça m'excite. Voilà, tu vois, donc moi je crois les auditeurs de Skyrock. Merci d'avoir réagi. Merci pour tous les témoignages. Il nous reste deux problèmes de moi. Désiré. Ouais, Désiré, donc lui, c'est lui qui se branle. Ben, on l'a fait celui-là. Ouais. Ah oui. Il se branle chez des potes. Il se branle dans leurs affaires. Là, il s'est fait cramer parce qu'il se branlait dans le lit à côté de son pote. Ça s'est mal terminé. D'accord. Mais le problème, c'est qu'il peut pas s'en empêcher, quoi. Maintenant, quand il va chez quelqu'un, il faut qu'il se branle. Oh, le taré. Donc, il le fait, par exemple, si c'est un couple, il va le faire avec des affaires du mec et de la meuf. Très bien, lui. Et après, il les remet dans le linge sale. Lui, il veut du linge sale. C'est tous des trucs qui puent. Un peu. Voilà. Et le dernier problème du mois, problème numéro 5. Eh bien, c'est Cécilia de Paris. Elle a écrit au forum porno dépendance et elle a un nouveau fantasme et l'envie de transformer son anus en sexe shop. Hein? Comment ça? C'est-à-dire qu'elle veut se rentrer, elle arrive à rentrer plusieurs godes à la fois dans son, dans son anus. Son anus, c'est un présentoir à godes. Et elle aimerait, du coup, rentrer plusieurs objets différents, mais toujours des sextoys, hein, genre des œufs vibrants, un god, je sais pas, des boules de geisha. Mais elle veut faire quoi? Elle veut les coffrer ou quoi? Ah, mais t'imagines la taille de son truc? Ah ouais, impressionnant quand même. Et elle a vu des vidéos et elle aimerait bien limite battre le record. Elle aimerait avoir des conseils pour une dilatation extrême de son trou du cul et le, ainsi donc le transformer en sex shop vivant. Voilà, elle veut donc devenir record woman. Et voilà. Oh, bah, c'est bien, il y a eu les JO. Ça a inspiré, elle. Elle arrive un peu après. Là. Bon, alors vous nous dites pour le problème du mois, il y a Tara. Donc, problème du mois numéro 1. Tara, c'est simple. Hein. C'est. Le ballon à pipe. Le ballon. Ah, je cherchais le. Oui. Comment appeler le truc? Oui, le ballon à bouche. Ouais, c'est le ballon à bouche. Le ballon à bouche, elle a offert ça à son mec depuis, il est complètement accro à ça. Le 2, c'est Mallory. Mallory, elle a en fait son mec qui veut faire des pornos. Et il la trouve nulle dans les pornos. Ouais, il la traite. Il veut changer de meuf. Problème du mois numéro 3, Alan Langlais. Alors lui, c'est le forest fucking. Tu vas en forêt pour te faire fister. Le 4, Désiré. Qui se branle chez ses potes. Et il se branle dans le lit des potes. Ouais. Et le 5, Cécilia, avec son anus, dans lequel tu peux rentrer plein de choses à l'intérieur. Elle veut battre le record. Vous choisissez parmi les 5 problèmes du moment. Moi, j'hésite entre Désiré qui se branle chez les potes. Parce moi aussi. Avoir le témoignage de Cédric. D'ailleurs, j'avais un petit, une petite précision. On me dit que c'était un travesti qui était entre Cédric et son pote. Ah, ah bah non, voilà. Petite précision sur ce qui s'est passé chez Cédric. Ouais. Donc, moi, j'hésite entre le 4, branler chez ses potes, ou alors Mallory, voilà, ouais, le 2 là. Ouais, moi, je vais prendre Mallory aujourd'hui. Comme toi, moi, 4 ou donc le 2 pour Marie, le 2 pour Romano. Ouais, le 4. Je vais dire le 4 pour moi, ça met du suspense. Le 4 il est énorme, tiens. Nous dit de toute façon, c'est vos votes à vous qui comptent. Oui, le 2 pour Luxus. Le 4 juste en dessous, Cécilia. Fin du match, Cécilia, fin, le 5. Fin du match, les gars. Ouais. La France. Bon, victoire des Bleus, et ça y est. Pour le 4, bravo, ouais. Bravo, bravo. Et Samy, tu votes pour le 4 moi, et. Je vote le 5. Karine, ouais. Tu votes pour. Je vote pour le 5, moi. Et bah, Cédric, le... vote le 4. Non, je vote le 5. Tu pourras témoigner. Oui, un petit témoignage. Puis pas un pote et tout. Et les Bleus ont gagné 3 à 1. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Et évidemment, premier sur le foot. Donc vous votez pour le problème du mois et juste après, on mettra la note des Bleus. Préparez un petit speech aussi si vous avez un truc à dire sur le match. Des joueurs que vous avez trouvé bons, des joueurs que vous avez trouvé moins bons, des joueurs que vous avez envie de féliciter, bah, d'autres que vous avez envie de traquer. Vous pourrez nous dire. Donc problème du mois, ça vote 1, 2, 3, 4, 5 au 41-759 et sur l'appli Skyrock. Et pour le foot, les votes, on les fait dans un instant. On donnera la note du match. Ouais. On s'en occupe après SCH sur Skyrock. Allô, maman. Demain matin, ils vont tous se réveiller sur Skyrock. Hi, this is Rihanna. Maître Gims. Hey, it's Beyoncé. Salut, c'est Romano. Wesh, l'équipe, c'est Jules. C'est Sabrina. Hey, this is Justin Timberlake. Salut, c'est Diffoul. Salut, Diffoul, c'est Momo du 4-2. This is Bruno Mars. Bonjour, c'est Pamela. This is Eminem. The Morning Show. Toi aussi, rejoins-nous demain matin en direct de la part dès 6h pour le retour du Morning de Difool avec 1 500 € à gagner toutes les 30 minutes si tu réponds que ta radio préférée c'est Skyrock. 6h-9h. C'est le Morning de Difool sur Skyrock. Tu veux rencontrer la fille de tes rêves? C'est facile, tu peux te mettre au sport, développer des techniques de drague. Bonsoir. Et aller dans tous les cafés de la ville. Ou tu peux tout simplement télécharger Smax, rester toi-même et rencontrer des nanas qui te plaisent près de chez toi. Smax, S-M-A-X. Difool, radio libre, 21h minuit sur Skyrock. Et oui, le gros son de SCH maintenant à l'autre maman. Et ça vote pour problème du mois. Il y en a deux qui sont serrés là, on va vous dire ça dans un instant après. Je serai pas trop là, mais tu sais, je t'aime, bébé. On a grandi mal, c'est la fausse à la télé. Je pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. Moi je serai partout, tant tu m'attendras du rimel sous les cils. Nos photos portraits dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. Non, non, j'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô, maman. Allô, maman, ça va? Ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô, maman. T'es au travail? J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô, maman. Bobo. Bobo. Ça va pas fort. Allons-nous-en. Allô, maman. Ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin de repos. Allons-nous-en. J'aurais ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, je reçois que des éloges, mais je dois t'affranchir. Je parle à la faucheuse, la nuit, je me réveille en nage. Sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à blanchir. Là, je suis partout, toi tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les têtes de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir, te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, je crois que t'as besoin de repos. Allons-nous-en. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu, heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, tu vas partir, me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, bobo, bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin, j'crois que t'as besoin de repos. Allons-nous-en. Ouais maman, ça va. Je te rappelle après. Skyrock, D-Fool. Tu vois, entre E.T. et toi, bah, moi je baise E.T. Un bâtard. Bon courage à Eti. Romano. T'es allé au marché? Oui, j'étais au marché. Avec toi et ton petit caddie à roulette. Non, c'est ma meuf, on a un petit panier. Cédric. Je viens avec mes différents slips et puis je vais me trémousser devant vous en fait ce soir. Ta gueule, espèce d'enfant de putain. Marie. Ça veut dire genre levrette en tirant les cheveux, en faisant ce genre de choses? Bah ouais. Samy. Ah mais ouais. T'as sucé un peu. Et Karim. Bah foutu la honte qu'une fois, Cédric, si. D-Fool Radio Libre. 21h minuit, tous les soirs sur Skyrock. Bah qu'une fois, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Non, mais je pensais que c'était plus, mais bon. Alors, le problème du mois, les résultats du problème du mois, ils arrivent. Je vais vous donner le problème du mois que vous avez choisi et qu'on va faire en ce jeudi. Romano est allé sur le net, il a chopé 2-3 personnes intéressantes. Tara avec son mec et son ballon bouche. Mallory avec son mec qui est accro au porno et qui veut la filmer. Ouais, il la trouve nulle. On a Alan. Oh, elle est nulle, qu'elle est mauvaise. Alan qui se fait mettre des bras dans le cul dans une forêt. Ça, c'est vrai. Ouais. Numéro 3. Il y a Désiré aussi qui se branle chez ses potes qui adore. Ouais, dans le linge et tout. Enfin. Et puis, et avec son pote dans le lit aussi. Ouais, oui, aussi, oui. Et puis aussi Cécilia qui peut se rentrer un nombre hallucinant de sextoys dans l'anus. Et ça, c'est assez exceptionnel. C'est le premier sex-shop humain. C'est ça, exactement. C'est un coffre. On verra lequel vous avez choisi. Et dans un instant, on en saura plus sur le problème du mois du jeudi soir. Et d'ailleurs, si vous aussi voyez des gens un peu chelous sur le net, envoyez romano@skyrock.com. Il prend tout. Merci bien. C'est gratuit. Je vous récompenserai. Profitez. Ouais. On a eu un bon match. Merci. Avec 4 buts pour le match. 3 pour les Français, 1 pour les Italiens. Exact. Bravo la France. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. Il a donné une note au match. Maintenant, on fait la note au match de ce soir. Bon, moi, j'étais à 13,5 pour la première mi-temps. Et là, je monte, mais je monte grave à 15. Ouais, moi aussi, j'allais mettre 15. 15, ma note. 14,5, moi. Ouais, 14, moi aussi. Il fait ça pour faire l'intéressant. Ouais. Non, parce que j'ai dit 13,5 tout à l'heure. Ouais, tu montes d'un point. Pareil, tu mets tout le temps des demi, toi. Ouais, j'aime bien. Tu serais prof, ce serait le mec qui vous met des demi. Donc laissez votre note pour les Bleus là et puis dites-nous quel est le joueur que vous avez préféré. On n'a pas trouvé Griezmann, nous dit il est sorti assez tôt sur SMS. Hein, il est sorti assez tôt dans le match aussi. Si vous l'avez pas vu à la fin, c'est normal. Hein, il était sur le banc. Donc on n'a pas trop le temps de le voir en fait. Ouais, puis non, première mi-temps, c'est vrai que c'est pas le système qui. Et Pogba, il a en valeur. Il a fait un bon match. Pogba, ça va, ouais, ça n'a pas été le mieux. J'ai bien aimé moi la défense, les latéraux, Kurzawa, Sidibé, j'ai bien aimé. Ouais. Et Martial. Kurzawa qui a marqué d'ailleurs. Ouais, Martial qui a fait une passe décisive aussi. Et une passe décisive, c'est le meilleur joueur du match. Du match. C'est celui que vous avez préféré. Ouais. Ah ok. Il a été élu homme du match à part. C'est vrai, j'ai pas vu. Ouais, c'est vrai. Ah bah tu vois, on a les mêmes goûts. Très bien, parce qu'on est premier sur le foot, Samy, tu le sais. Mais bien sûr. Et oui. Une fois de plus, vous nous le prouvez. Bah, bien vu. Allez, votre note pour le match, vous laissez ça au 41-759 et sur l'appli Skyrock et sur le skyrock.fm. Vous nous envoyez tout ça et puis vous nous donnez votre note. Faites les profs un peu ce soir. Notez les Bleus là. Ouais. La rentrée des Bleus, bah, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Prochain rendez-vous avec les Bleus mardi soir dans la radio libre. On suivra le match de qualification pour le mondial. Ouais. Coupe du monde. Biélorussie-France. La Biélorussie. Ok. Et ouais, à suivre. Et ça se passe en Biélorussie. Biélorussie. C'est ça, ouais, ouais. Marie vient de découvrir le match. Ah, ok. Bah ouais. Ok, donc c'est donc ça. Donc je demande. Allez, vas-y, vas-y. Bah, Biélorussie, là. Non, Biélorussie, Marie. C'est Biélorussie. Biélorussie. Et Phoenix, Phoenix qui nous dit bravo, Difool. Tu as pronostiqué le bon score. Tu es vraiment le roi du local foot. Ouais, bien sûr. En effet, j'ai pronostiqué 3-1 c'est ça, ouais. au début ouais. de l'émission. Ouais, bien joué. Et ce matin, dans le morning. Espèce de mytho. Ce matin, dans le morning. 3-1, j'ai dit. Si, il a dit 3-1, gros. Là, t'étais pas là, quoi. Si, j'ai écouté ce matin le morning. Il a dit, bah, vas-y, alors, qu'est-ce que j'ai fait comme conseil à 6h40? Je sais pas, j'ai écouté juste au moment où il a dit 3-1, après, je suis allé nasse. Bon, voilà pour le match de foot. Vos notes, là, dans un instant. Merci pour les messages que vous nous envoyez. On s'en occupe. Il y a Real, tiens, qui arrive dans un instant avec nous. On va le prendre en direct. Ah oui, on fait la rentrée aujourd'hui. Bah oui, quand même. Bah oui. C'est le jour de la rentrée. On a eu des rentrées qui se sont bien passées. Des rentrées qui sont un peu moins bien passées. Ouais, ouais, ouais. Mais le bilan est assez, attention, assez équilibré. En même temps, j'ai envie de te dire, on n'a pas le choix. T'as pas le choix, ouais. Faut ça, c'est bien dit, mon bon Romano. On n'a pas le choix. Bah ouais, c'est à un obligé d'y passer. Ah, mais il a raison, on n'a pas le choix. À un moment donné, il faut bien rentrer. Hein. C'est la rentrée, c'est la rentrée. Ouais. Ou alors tu deviens un marginal et puis tu vis une vie un peu spéciale, je sais pas. Non, ou alors t'es blindé, ouais. Ou alors t'es blindé, mais de thunes partout, t'en as. Ah ouais, moi je suis blindé, moi. Oui. C'est pas de thunes, c'est d'alcool. D'alcool, toi. N'importe quoi. Bon, alors, les résultats du problème du mois. Tu nous liras le problème du mois que vous avez choisi, parce qu'on en saura plus sur celui que vous avez choisi. Il y a du lourd ce soir. Et puis, donc, Réal, en direct avec nous, il est à 78, dans ouais. les Yvelines. Et salut. Pas à Madrid. Moi. Et pas à Madrid. Ouais. Salut, Réal. Salut, l'équipe, ça va? Ça va, Réal. Ah, ça fait plaisir de vous avoir. Eh ben, c'est gentil de nous appeler. Vous aussi, appelez-nous, hein. Ça fait plaisir de vous avoir à l'antenne tous les soirs. Ouais. Alors, t'as 15 ans et t'es où dans le 78, toi, Réal? Je suis pas loin de Mantes-la-Ville. Je sais pas si vous connaissez. Oui, oui. Ouais, ouais. Ouais, ah, oui. Val-Fouré, très bien. Ouais. Et Fouré comme Marie ou pas? Oh, qui est con. Ça va, non, je me renseigne. Ah ouais, en fait, l'équipe. Oui. Oui. J'ai un site bizarre si vous voulez. Ah ouais, tout à l'heure, on parlait des vidéos et des trucs ça bizarres va, qu'on va, pouvait trouver sur le net. Ouais, genre les trucs les plus dégueux qu'on ait vus, quoi. Ouais, un truc qui vous a choqué, même des trucs que vous avez vus qui vous ont fait vomir. Vous allez sur ftm.xxx. Et c'est quoi ça? C'est, allez voir, je vous jure, c'est non, mais c'est, non, mais dis ce que c'est, parce que si c'est vraiment un truc dégueulasse, on va éviter. On va éviter. En fait, je sais pas, c'est chelou, parce que c'est des mecs qui se rendent des trucs dans la chatte. Mais des mecs. Des mecs, ils ont une chatte? Ouais. Ah, c'est les. C'est trans. Alors, il y a les shemales, alors ça, ce serait des e-females. C'est un rendez-vous avec des potes, ça fait des liens bizarres, et ils m'ont envoyé ça. Voilà, c'est un site de e-females. Ouais, parce qu'il y a les. Cédric. Il y a les chimelles. Les chimelles, c'est des femmes, mais avec une bite. Ouais, et toi, c'est l'inverse. Donc. Hommes-femmes, en fait. C'est des e-females, en fait. Ah ouais, c'est ça, ouais, je suis dessus, là. Ouais, j'ai pas compris, c'est quoi. Romano, il a noté tout de suite, lui, le truc. Hein. Un truc dégueulasse qu'on annonce à la radio, il était en train de noter. Non, mais c'est quoi une e-female? Non, mais en fait, c'est. Une chimelle, c'est une femme qui a une bite. Non, c'est un homme qui. Ah non, attends. Non, c'est des mecs, ils ont des chattes, gros. Eh, c'est ça. T'as vu? Ouais, d'accord, ok. C'est un mec à chatte, en fait. Ouais, c'est un mec. Ah ouais. C'est un mec qui a une chatte, mais c'est comme une femme tatouée, balèze, avec de la barbe, tout, mais il a une chatte. Ah, mais non, ça n'existe pas, ça. Bah, vas-y, montre quand même, Samy. Ah, si, je connais, il est parfait, le site, j'adore, nous dit Charlie, là, sur SMS. Ouais, quoi, c'est un site, t'adores si t'es gay, hein, parce que sinon. Oh, maman. Bah, si t'es gay, non, il y a une chatte. Oh, mais c'est un homme qui s'est mis une chatte, c'est des mecs qui scannent entre eux. Mais il n'y a pas de bite. Ouais, mais il y a une chatte et c'est un mec, gros. Il s'est fait mettre une chatte. Un mec, il n'y a pas de chatte. Bah, si, c'est, tu vois, ça fait. Non, mais il y en a, c'est dégueulasse. C'est des bûcherons, quoi. Ça fait, tu vois. Ah ouais, mais ouais, tu sais, c'est genre les bons américains, quoi. Il y a un moustachu, genre en Marseille. Il se doit. Ouais, t'as pas vu l'autre qui se gode? Vas-y, montre. Il y en a qui se godent bah, sur la homepage. Ouais, on le voit. Attends, Romano, ne le critique pas. Il s'est fait mettre une chatte. Ça a dû lui coûter cher. Donc, autant l'utiliser. Ah ouais, bah ouais. Bienvenue à FTM. Ah, c'est français en plus. Et t'as vu là la photo, c'était un mec avec une chatte qui se faisait baiser par un chimel, un vrai trans. Oh qui a là une là bite. Là, oh non, la totale, t'as pas vu quoi. À s'y perdre. Ah oui, c'est bon, je vois. Rien. Ah putain. Regarde là. T'as vu Romain Derry, elle fait gaffe en plus. Les réseaux sociaux là. Il est en jogging, il bande dans son jogging. Les réseaux sociaux, il fait. Tu sais, quand tu seras vieux, parce que t'es jeune, t'as quoi, t'as 20 ans? Quand tu seras vieux, tu seras un gros pervers comme Patrick. Ah ouais, c'est clair. Tu seras un Patrick. Bah déjà, on sait ce que tu vas passer la nuit à faire, quoi. Oui, bah lui, tu vas passer la nuit là-dessus. Ah, ça me ferait gerber, moi, putain. Ah ouais, c'est. Il est pas mal ton site. Ah, il faut que ça soit. Ouais, je sais. Ouais, ça soit le délire un peu, ouais. T'as vu le clito qui est. Ah ouais, t'as vu dégueu, t'as vu le mec qui se faisait bouffer la chatte. Ah, Cédric, t'es. Mais tu sais quoi, il a un compte, cet enfoiré, parce que normalement, pour aller dessus, après, faut un compte. Moi, à chaque fois, je clique dessus, ça me dit, ouais, créez votre compte. Non. Ah, le bâtard, t'as un créez compte. Créez votre compte. Ah, t'es pilouze. On apprend des choses. Ah, comment il s'est cramé tout ça. Eh, t'es un extrême, gros. Laisse-moi tranquille. Non, non, mais pas toi, c'est Romain d'aller même moi, t'es Réal, t'as un compte, Réal. Vas-y, vas-y, vire-moi ça. Bon, merci pour le petit conseil, Réal. Super, mort de rire. Il y en a plein qui sont allés le voir. Ça leur a fait des connexions. Ilyes qui nous laisse un message. Ah, les mecs, ils vont pas comprendre. Ils vont avoir des. Oh putain, il y a un pic ce soir. Là. Yeah, ouais. Florentino qui dit c'est quoi le site? C'est quoi le nom du site pour le dingue du 01? Ah bah fallait écouter. Ah bah dire. Ouais, on va. Ah bah ouais, ou alors moi je le donne pour 10 euros. Ça y est, il le vend quoi. C'est quoi FFT? FTM.xxx. Voilà. Et vous en saurez pas plus. Et attention, j'ai vu et c'est dégueulasse, message de la team Romano, on est d'accord. Bon après, c'est un site de cul, hein. C'est, bon, c'est une particularité quoi. Ouais. Ah, c'est pilou, je crois. C'est horrible. Ah, c'est strange, ah ouais. Bon, ouais, mais à la limite, c'est moins strange qu'une meuf qui se fait enculer par un cheval, tu vois. Oui, ah non, bah oui. Oui. Ah bah oui, attends. Ouais, ah, ouais, ouais. Bah, les deux sont. Ah non, bah, franchement, ça, les trucs avec les animaux. Ah, bah ça me dégoûte, quoi. Ah, ouais, c'est. Tu les gens qui font ça, ils ont un problème. Ah, bah ils sont complètement. Des animaux, gros, c'est des animaux, gros, je crois. C'est ça. Ils sont pires que les animaux, les gens qui font ça, ouais. Bon, alors, on va passer au problème de Réal et juste après, je donne les résultats du problème du mois. Il faut que je te soigne. Pourquoi? Bah avec mon alu. Faut que tu mettes. Ah ouais, l'hôtel repense à son alu. En plus, le garni humeur, vas-y. Tu connais la méthode de la Marie pour lutter contre le rhume? Réal. Alors, ah bah tiens, répète moi. Bah Marie. Écoute, apparemment. Non, mais j'ai trouvé ça sur le net. Hein. C'est l'alu. Tiens, elle est même pas sûre de son coup, hein. Je te dis ce qu'elle dit. Apparemment. Bah non, mais. Non, mais parce que je veux tester le truc. Avec le nombre de conneries qu'on trouve sur le net. Alors, j'ai trouvé ça sur mytho.com. Non, mais non. Il faut emballer les pieds pendant une heure avec de l'alu, avec 6-7 couches d'alu, et il paraît que tu vas beaucoup mieux derrière. Voilà. Alors, Marie. Je suis pas sûr. Sans prendre de médicaments. Ouais, mais je te dis, Réal, moi non plus, je suis pas sûr. Non, mais je suis pas sûr non plus, mais bon. Voilà. Marie a trouvé ça sur le net. Bah ouais. Il y en a qui vont voir des films de boules sur le net. Marie, elle tape le mot-clé alu. C'est l'alu. Écoute, on va voir si ça fonctionne. Si tu veux, Marie, alors vas-y, amène ton truc. On va le faire pendant un temps réel. Pendant que Marie s'occupe de mes yep. Ah si, c'est vrai. Hein. De quoi c'est vrai? Faut que j'enlève mes chaussettes aussi. Ouais. Ah, j'enlève mes chaussettes aussi. Ah, comme j'ai des belles chaussettes. C'est quoi comme chaussette? Chaussette grise sale chaussettes. Un peu, non? Des Nike. Mais non, elles sont pas sales. Ah non, elles sont grises. C'est des grises Nike. Elles sont grises, ouais. Elles sont délavées. Elles sont délavées. Elles étaient blanches, elles sont grises. Non, elles sont pas délavées, elles sont. Ah, Marie, elle sent, mais Marie, elle me sent les pieds. Bah non, je sens pas des pieds. Voilà, suceuse. C'est Cédric qui pue des pieds. Voilà, suceuse. Allez, on emballe. Non, mais Cédric, tu sais, il y a des gens, ils se lavent les pieds. Ah, bah, moi aussi, je me lave les pieds. L'autre, il hallucine parce que j'ai les pieds qui puent pas. Voilà, suceuse. Combien de tours tu Vous savez que peut-être, je vais lancer une mode, il y a des gens qui vont voir ça aux States et qui vont se dire, oh, génial, les shoes. Ouais. Super les nouvelles choses. Ouais, si on va putain avec le tagueur sur internet demain. Bah ils s'adresseront à la Marie. Hein. Eh, du fou, il va faire le buzz. C'est bon, c'est bon. Ta gueule. Oh, ta gueule toi. Non, mais sérieux. Voilà, c'est bon Marie. Ah, vas-y, marche comme ça maintenant. Excuse-moi Réal, on finit, on me soigne. Attends, non mais t'inquiète, tu connais Marie, elle est un peu différente de nous. Et ça lui fait faire des activités, c'est bien. Les chaussures de l'espace. Non mais elle va te coucher gros, elle est encore plus malade, tu vas voir. Mais non. Mon deuxième le pied. Le bel, j'y crois. Mais tu sais, ça sert à rien de mettre du papier sur les pieds. Bah écoute, on en sait rien. Voilà, mais laisse-la faire, Samy, elle est contente. Regarde non, comme elle est. Marie, tu sais, elle est persuadée que c'est un tour de magie. Ouais, c'est genre, clair, ouais. Dans une heure, t'auras plus du tout de rhume. Non, mais regardez comme elle est contente. Elle est complètement débile, surtout. Oui. Non, mais on essaye, comme ça, si ça marche, vous aurez un truc pour ne plus avoir de rhume. Ah, on verra. Voilà. En plus, j'en ai un carabiné, là, ce temps-ci. On est bon. Puis votre daronne, elle va être contente que vous niquez le rouleau entier de trucs, là. Oui, c'est pas qui a lu. Voilà. Ah, c'est vrai que. Non, mais moi, après, je le récupère pour emballer du saucisson. Mais oui, regarde ça. Non, mais dis fou, le sartec avec les babouches. Ah ouais, putain, j'ai les babouches, je suis sûr. Eh, je suis dans le turfu, les gars, là. Ah, mec, on dirait ouais. Un cosmonaute. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que c'est discret quand tu marches. Donc, voilà. Fais voir, soulève une patte. Mais j'ai pas une patte, ça, une jambe. Ah ouais, c'est joli. Franchement, c'est la classe. C'est swagué, puis ce qui est bien, c'est que ça glisse pas du tout en plus. Non. Mais, non. Il paraît que ça a des propriétés anti-inflammatoires. Bien sûr. Des propriétés inflammatoires, dans une heure, vous allez voir, j'ai des pieds, ils vont ressembler à la bouche de Cédric. Des ampoules. Ouais. Le truc va avoir gonflé. Bon, donc on fait un test. Hein. Si vous venez d'arriver sur Skyrock, ne vous inquiétez pas. Tout est normal, sauf Marie. Il paraît que ça fonctionne pour d'autres trucs, mais bon. Alors, avant le résultat du premier mois sûr. Et le résultat de la note de vos matchs, de votre match de foot, Réal, explique-nous ce qui arrive. Toi, c'est par rapport à la rentrée, toi. Ouais, en fait, je suis pas encore rentré au lycée, je rentre demain. Bon courage. Merci, sauf qu'en fait, je rentre dans un lycée dans lequel je veux pas aller. Oui. Bah, moi, je veux, de toute façon, on proposait n'importe quel lycée, j'avais pas trop envie de rentrer. Moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, mais en fait, si vous voulez, à côté de chez moi, en fait, il y a deux lycées de secteur. Mmh. Et en fait, c'est un logiciel qui nous affecte à un des deux lycées. Ah, c'est ouais. Et moi, non, c'est suivant ton adresse. Ouais. Ouais, voilà. Et moi, j'étais affecté au lycée le plus pourrave. Mais genre, la bouffe, elle est dégueulasse. Les profs, ils sont atroces. Ils virent 5-6 élèves à chaque cours. Ah, bah, avec un peu de chance. Avec un peu de chance, ils te virent. Ils te foutent dans l'autre lycée. Ah, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, voilà. Le lycée, il est défoncé. La bouffe, elle est dégueulasse. Les gens, ils fument du shit à toute heure, tout le temps, dans la cour. Mais c'est ça, c'est là-bas. Cool ton bahut, toi. Génial. C'est quoi ce bahut? Super. Ouais, non, mais c'est quoi ce bahut? Un bahut de ouf. En plus, là-bas, j'y suis, il n'y a aucun de mes potes. Je connais personne. Et pour le coup, en fait, j'aimerais savoir s'il y a des auditeurs à qui c'est arrivé, ou même vous, et savoir comment faire si tu pour aller dans l'autre lycée. Ouais, parce que même, putain, limite, me faire virer, je m'en bats les couilles. Hein. J'éclate n'importe qui, je pète la gueule, mais je me fais virer. Ouais, mais si tu te fais virer, t'es peut-être pas forcément accepté dans l'autre bahut. Ouais, parce qu'après, c'est sur le dos, il regarde le dossier. Ah, mais après, j'ai des bonnes notes, hein. Oui, mais bon, quand t'es vivant, en général, ça passe mal, ouais. Ouais, ouais, après, ouais. Sur le dossier, c'est pas super qu'il marque que t'as défoncé la gueule d'un mec, quoi. Ouais, non, je comprends. On sait jamais, c'est peut-être possible. Tout à l'heure, on a eu Manon qui a réussi à changer de classe, elle était dans une classe toute pourrie. Ouais, elle a pleuré. Elle a pleuré, et ça a marché, donc. Et elle les a menacés. J'ai pleuré. Donc, va pleurer, ouais. Donc, mais pourquoi Non, mais je sais que tu peux, par exemple, quand t'es affecté à un bahut, tu peux te désectoriser, comme ils disent. Ouais. Comment tu fais pour être désectorisé? Eh bien, justement, ça, je ne sais pas comment ça marche. Moi, je l'ai fait toute ma scolarité, j'étais pas dans mon secteur. Comment Ah, j'ai une idée. Oui, je sais ce que tu vas dire, Samy. On a déjà parlé. C'est l'idée du prof, non? Du pote qui. Ah non, ça, c'est pour changer de classe. Non, c'est pour changer de bahut. Pour changer de bahut, en fait, tu dis que t'as pote qui habite à côté de chez toi, qui va dans l'autre bahut, que la mère peut t'envoyer. C'était pour changer de classe, parce qu'il faut que t'aies les mêmes horaires que ton pote, donc pour changer de classe et te retrouver dans la classe du pote. Là, pour changer de bahut, il y a rien à expliquer à personne, faut s'inscrire, tu vois. Non, mais si tu dis par exemple, t'es loin du bahut pour y aller tous les matins à pied ou... Non, même pas, j'y vais en bus, c'est quoi, c'est un quart d'heure. Un quart d'heure, mais tu peux pas dire que t'as la mère d'un pote qui peut t'amener dans l'autre bahut. Et donc tu demandes de changer de bahut parce que tu veux, voilà, c'est, ça fait. Ah mais il faut une raison, ça fait covoiturage. Oui, parce qu'après, en fait, ils veulent une raison valable. Ouais, il faut une raison, en fait, c'est comme la loi, tu vois, il y a une loi, faut que tu dises pourquoi tu peux faire ça. Bah, c'est pas juste déménager. Bah non, ouais, mais tu vas pas faire déménager toute ta famille, Marie. Non, mais oui, mais tu peux donner une autre adresse. Bah, tu déplaces en fait, la maison. En fait, le truc qu'il faut faire, faut que tu trouves une adresse qui dépend du secteur du bahut dans lequel tu veux aller. Donc soit chez un pote, soit quelqu'un qui est bien sympa qui veut te prêter son adresse. Ouais. Et tu mets juste ton nom sur la boîte aux lettres et tu t'inscris avec cette adresse-là. Moi j'avais trouvé une adresse dans la rue de mon bahut alors que j'habitais à 30 km du bahut, tu vois. C'est pas con, et ça marche. Juste pour aller dans ce bahut. Ça marche, avec l'adresse, bien sûr. Ou alors, deuxième possibilité, j'ai testé aussi, faut que tu t'inscrives dans une option qui a que dans ce bahut là où tu veux aller. Ah ouais. Et ça peut se faire même après la rentrée? Eh ben, ça, moi j'ai toujours fait avant la rentrée. Ouais, normalement, là, ça aurait dû être, t'aurais dû faire ça fin juin. Bah ouais. Par exemple, si dans le bahut où tu veux aller, il y a une option, je te dis n'importe quoi, moi c'était de la planche à voile, tu vois. Mais genre, il y avait le truc sport-études planche à voile, c'était que là. Pour aller là-bas, ben, fallait que je sois dans ce bahut, donc c'était ma raison, tu vois. Toi, peut-être qu'il y a du volet, peut-être qu'il y a des. Par contre, tu vois, c'est Russes, pas, si y a option latin, par exemple, tu vas t'éclater. Hein, ouais, mais c'est ça, hein. Ouais, mais ça, c'est pas une option rare, tu vois. Ouais, mais un truc qu'il y a que là-bas, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, faut qu'il y ait un truc, oui, qui est pas dans le bahut où t'es. En général, c'est soit une langue, soit un sport. En revanche, le déménagement, c'est possible n'importe quand. Ouais, mais en fait, la baisse. Non, mais le déménagement, c'est pas vrai, j'ai peut-être pas envie de déménager. Non, non, mais tu fais une autre adresse. Tu mets la maison dans la cour. Non, mais. T'es Non, mais pour l'adresse, je parle. Ouais, mais si l'année, elle a commencé, c'est peut-être un peu tard. Oui. Non, mais en fait, la baisse, c'est que les deux lycées sont dos à dos, en fait. Ah merde. Putain, t'as vraiment pas de chance. Ah, j'ai aucune chance. Ah ouais, c'est plus. Ben, regarde l'option alors, ce que j'ai dit pour l'option. J'ai un sport ou une langue, je te dis. Putain, t'imagines si par exemple il y a option couture. Mais ouais, c'est ça, tu vas devoir te taper de la merde. Putain, t'es pas comme. T'as cru que j'étais la gothique ou quoi? Attends, s'il y a que ça, t'es obligé. On va te rappeler demain, tiens, t'iras demander les options. je rigolerais bien qu'il y ait des trucs de meuf, tu vois. Ouais, option couture. Moi, dans mon bahut, c'était voile, donc ça allait, c'était cool, mais il y en a, ils étaient frappés le russe, hein, pour pouvoir venir dans le bahut, ils avaient dû faire du russe en plus. Putain, du russe pendant un an. Ouais, c'est ça, voilà. Ah ouais. Bon, non, mais si je dois le faire, je le ferai. Hein. Bah, écoute, renseigne-toi, puis si vous avez d'autres solutions, hein, pour changer de bahut, autant le faire, hein. Tu vas galérer un an dans un truc que t'as pas forcément envie de faire, mais ça te permet d'aller dans un bahut qui te plaît mieux. Sinon, tu vas rien faire. Ouais, sinon, tu vas galérer toute l'année, quoi. Un an de latin ou de grec, par exemple. J'ai déjà fait ça, en plus. Ah ouais, oui. Mais ça, c'est pas rare, tu sais, c'est dans beaucoup de bahuts. Ouais, faut prendre des trucs rares, genre russe ou. Ouais, genre. Couture, je te dis. Couture, ouais, c'est pas mal. Ouais, couture. Voilà, couture. C'est pas mal, option couture. Bon, alors, écoute, merci, Réal. T'as voté pour quel problème du mois, toi? Tu te rappelles des problèmes du mois, là? Le 5. T'as voté pour le 5. Ah, le sex shop Mais tous les problèmes du mois, je vote pour le 5. L'anus, c'est... Ah, c'est toi, c'est tout le temps l'anus. Ah ouais. Je vais vous donner les résultats du problème du mois. Le problème du mois de ce soir, qui a gagné? Alors c'était serré entre, j'ai dit deux, mais même trois problèmes du mois ce soir. C'était serré jusqu'au bout. Vous n'avez pas choisi, alors elle, vous l'avez vraiment pas choisi, c'est le ballon bouche. Oh, bah alors, bah toi, c'est quand même rapport avec le match de foot. Hein. Elle arrive, ouais, c'est un truc rapport c'est avec vrai. Le match de foot. Elle arrive dernière, Tara, avec son ballon bouche et son mec qui se branle dans un ballon, il y a une bouche dessus. Ouais, tout le temps, ouais. Il adore. Vous n'avez pas choisi, ah bah non, encore moins pour lui, tiens. Vous n'avez pas choisi l'anglais Alvin avec son foot, non, son Forest Fucking. Forest Fucking. Ah oui, lui, il est 4% des voix. En fait, lui, il est dernier. Avant-dernier, c'est donc Tara. Et après, c'est serré entre les trois premiers. À la place numéro 3, on trouve le problème du mois de Désiré, le mec qui se branle chez ses potes avec 22% des voix. Ouais. 28% des voix pour Cécilia qui s'en carre un paquet dans le cul puisque Cécilia veut devenir un présentoir de sex shop, mais juste avec son anus. Ouais, mais elle veut faire un record du monde, hein, quand même. Hein. Record du monde, 28% des voix et 39% des voix pour le problème du mois de Mallory, celle qui est accro. Non, celle qui a un mec qui est accro au porno. C'est ouais, Mallory gagne le problème du mois de ce jeudi soir. Oui. Merci Réal, en tout cas, on va faire le problème du mois. Merci tout de suite. Foules. On va attaquer, ouais. Et puis, reste à l'écoute hein, si on a d'autres renseignements à te donner. Ouais. N'hésite pas. Ouais, la méthode des options, ça marche. Hein. Le message de Mina sur SMS. Plein de messages qu'on a reçus. Maxime également. Je vais faire alors. Ouais. Foued également qui nous a dit que lui, ça avait marché le coup des options. J'avais option arabe dans un lycée et pas dans l'autre. Je me suis fait changer de lycée et j'ai arrêté l'année d'après. Ah bah, tu vois. Ça fait une année. Ouais, c'est ce que je vais faire. Bon, bah écoute, bonjour. Et merci pour vos messages. Vous avez vu la photo de mes nouvelles chaussures que m'a fabriqué ma mère. Ouais, c'est magnifique. Bon. Un style. Regarde, je crois que c'est le buzz. Difool, tu es dans le turfu avec tes boots. J'ai le message de Kenny West qui me dit yeah, Difool. Oh yeah. Au top. Merci Kenny West. Marie, ça va pas. Marie, elle te fait des oh yeah. Oh yeah. Laisse-la, elle se prend pour Johnny Hallyday. C'est pour Kenny West. Elle est bourrée. Ouais, c'est pour Kenny West. Trop forte les chaussures. Kenny West, puis c'est quoi le rapport? Jamais oh yeah, oh yeah, il fait Kenny West. Oh yeah, ouais. C'est le mec qui fait pas oh yeah. Tout va bien, quoi. Oh yeah, I'm Kenny West. Bon, allez, on écoute DJ Snake et Justin Bieber, le gros son de Snake, tout de suite sur Sky. Et juste après, tu nous lis le problème du mois, Roman. Ouais. Maître Gims fait sa rentrée sur Skyrock. Sky. Tes places toute la journée pour voir Maître Gims en concert Skyrock dans toute la France. Maître Gims dans toute la France avec Skyrock. C'est trop bien. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Écoute Skyrock à tout moment. On voit Roulette au 7-20-20 et Skyrock t'envoie sur la tournée de Maître Gims avec 200 places à gagner. Super, merci beaucoup. Skyrock. Premier sur Maître Gims. 65 centimes plus coup d'un SMS. T'as du clitoris, j'aime bien. Divine, une femme, Dounia, en quête de pouvoir et de réussite. Money, money, money. Avec sa meilleure amie, elle décide de suivre les traces de Rebecca, une dealeuse respectée. Depuis quand tu te fais pour une daronne, toi? Divine, un film de Ouda Benyamina, caméra d'or à Cannes. Mais je préfère qu'elle aille au supermarché. Mercredi au ciné avec Skyrock. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous allons arriver dans quelques instants sur votre lieu de vacances. Pour votre confort et votre sécurité, merci de rester sur l'application Yax et de continuer à délirer. Je répète, pour votre confort, restez sur l'application Yax et continuez à délirer. Toute l'équipe de ce train et le peuple d'Yax vous souhaite d'agréables vacances. Yax, YAX. Mécanique résurrection. Non. Arthur Bishop. Profession. Tueur à gage. Méthode. Faire passer ses contrats pour des accidents. Statut. Retirer des affaires. Et amour. Jason Statham reprend du service pour sauver celle qu'il aime. Il a très peu de temps. Tu as 36 heures, sinon c'est moi qui les vois éliminer. Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Mécanique Résurrection, actuellement au cinéma. Avec Skyrock. Et c'est reparti déjà sur Skyrock. Pas long la pub et le gros son de DJ Snake maintenant. 21h minuit, Difool, Radio Libre, tous les soirs sur Skyrock. Ouais, DJ Snake avait mixé dans l'émission quand il était venu nous voir. Eh ouais. On salue Snake. Snake et Justin Bieber. Justin Bieber, let me love you. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. you. C'était, je chante bien, hein, c'était Justin Bieber. Mais j'ai cru qu'il était là, moi. Justin Bieber et DJ Snake sur Skyrock. Tifoul, radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Oui, c'est nous et en direct sur Skyrock avec toute l'équipe qui est là. Romano, évidemment, ouais, pour le problème du mois du jeudi. Ouais. La Marie. Oui. Samy est là aussi. Yes. Il nous a fait une belle description du match de foot. Ouais, ça va, tu as vu. Non, c'était pas mal comme match. Hein. Non, c'était pas mal. Non, ça va, ouais. Les Bleus sont dans la continuité de l'Euro, on va dire. Elle est où la note d'ailleurs la note du match 15 hein, dans mon ça, cul hein. Ah merci Marie de la sortir. 15 pour le match de foot. Tiens. Merci bien. Je récupère la note en effet. Merci. C'est 15. Voilà, c'est bon. C'est livré. Très bien, Karim, bien sûr. Ouais. Romain des réseaux sociaux. Et puis vous tous, c'est vous tous en direct. Vous pouvez nous laisser des messages sur Snap si vous voulez passer dans l'émission. Sinon, bah, directement ici, comme ça, au 41-759 ou sur l'appli Skyrock ou sur skyrock.fm. Ça arrive directement dans les studios. Et c'est bien pratique. On salue tous ceux qui sont là. Bonjour à Jérém. Bonjour à Joachim qui vient d'arriver. Je kiffe tes babouches, dit Foul, me dit Alan Sko. Non, mais c'est vrai que t'as la classe. Ah oui, je rappelle que Marie est en train de me soigner avec de l'aluminium. Aluminium au pied. Car je suis très, très, très malade. Bah, je sais pas, j'ai vu cette technique. Mytho.com, très bon site. Non, je me suis dit, tu vas encore plus malade, dit Foul, tu vas voir. Oui, car je souffre le martyr. Je suis pas sûr que l'aluminium en soi, ce soit super bon pour le corps humain. Tu crois que je vais avoir. Je vais faire un cancer de la peau. En plus, il y a plein d'études qui montrent que c'est pas. Non, mais c'est pas très bon. Déjà, c'est. Elle est en train de l'enlever discrètement. Non, je garde mes babouches. Pendant une heure, faut que je garde. Jusqu'à la fin de l'émission, je vais garder ma bouche. Tiens, regarde mes babouches. Non, mais même. Tu filmes pour qui, là ? Tu filmes pour TF1 ? Tu filmes pour quoi ? Facebook. On est sur Facebook Live. Mais il faudrait nous le dire, c'est qu'on l'annonce. Oui, c'est vrai, ouais, parce qu'il fait ses films. Ça peut être intelligent, ça. Ouais, ça peut être pas mal. T'as du monde ? Bonjour, Facebook Live, Skyrock FM. Bonjour, Facebook Live, Skyrock FM. Salut, Facebook Live. Bon, alors. Les babouches du troisième millénaire. Ah, vous trouvez que ça a une gueule de babouche. C'est joli, ah, c'est hein. Futuriste, ouais. Ouais, psarte, quoi. Non, mais peut-être que j'ai un truc. Je sais pas, il y a peut-être. Non, mais tu sais qu'il y a des SDF. Babouche ou, ou Peter Pan. Hein? Peter Pan. Peter Pan. Il y a peut-être Diesel, ils vont m'appeler, ils vont me dire. Default, maquet. Vas-y. Ça, c'est un panini, le bordel. Ouais, j'avoue, on dirait un sandwich emballé. T'as raison. Ça, c'est un américain. L'américain, ce fromage. Ouais, bon, c'est clair. Donc, je vous dirais, si je guéris avant la fin de l'émission, c'est le. Mais c'est sûr, mais là, tu te sens mieux déjà. Ah, mais je dirais que je me sens mieux grave. Ah ouais, non, mais ça m'étonne pas. Grave. Tu dois être bien à l'aise. Non, mais je commence à transpirer les pieds. Tu vas avoir un truc chelou au pied. Je transpire. Je te dis, l'aluminium, c'est pas bon. Bah écoute, on verra, Romano, si j'ai plus de pieds demain matin, tu sauras contre qui porter plainte pour moi. Ne t'inquiète pas, je ferai le nécessaire. T'es enfoiré. Merci, Romano. Bon, on dit bravo aux Français, belle victoire des Français. 3-1 oui. Contre l'Italie. Bravo les Français. Et un match très important, c'est le match de mardi prochain qu'on suivra en direct sur Skyrock. Contre la Biélorussie. En Biélorussie, France. Ça se passe en Biélorussie. Ouais. Il me semble. J'ai dit au pif et j'en ai quand même du pif. Un sacré. Même quand je suis. Un sacré tarin, quoi. Même quand je suis enrhumé, pareil. Alors, il est où ? Qui ? Ah, bah le problème du mois, Romano. Eh bah, il est devant moi. Vas-y, le problème du mois, on fait le problème du mois. Donc, vous avez choisi. C'est Mallory. Mallory, 28 ans de Bordeaux. Avec son mec qui est un peu chouette. Elle a écrit au forum au féminin.com. Qu'est-ce qu'il y a, Karim ? Je filme, c'est sur Periscope aussi. Ah, c'est partout, man. Contre Facebook Live ce soir. Y a pas encore autre chose. Vous voulez pas plus de lumière sur Romano parce que vous voulez pas. T'es un peu dans le noir. Un peu dans le. Mettez du light, tu vas passer sur Facebook. Waouh ! Ça change tout. Bon, allez, Romano, lis-nous le problème du mois de ce jeudi. Je vais lire. Allez, go. Essaye surtout, essaye. Alors. Ça m'avait manqué, on nous dit sur SMS, ça. Il va bugger encore, super. Ah, bah là, on espère. Bon, go. Bon, bah, je go. Ah, go, M. Go, M, on est des Américains. American style. Calme, Samy, mais ça va pas, non, go. Vas-y, je suis chaud maintenant. Go. Il a payé, le mec ? Non, toujours pas. Ah non, le nouveau propriétaire a acheté l'OM, ouais. Mais sans argent. Par contre, pour la fin du mercato. Ça y est, c'est à lui. Non, mais pour la fin du mercato, il a passé un coup de fil au dirigeant actuellement en place. Il leur a dit c'est bon, vous pouvez faire des. C'est pour ça qu'on a acheté 3 joueurs. Ah, vous pouvez faire des dépenses, y a pas de problème, je paierai, j'assumerai. Donc les mecs, ils ont fait venir des joueurs. S'il faut, le gars va jamais payer, on va se retrouver dans la merde. Voilà, en faillite. C'est chelou, hein, quand même. Non, ça prend beaucoup de temps, en fait, c'est normal. Il y a plusieurs millions d'euros en jeu, hein. C'est pas un truc à le mec, mais c'est. Comment ça se fait que le mec il achète ça, quoi ? Je dirais, il sait pas où il a mis les pieds. Ouais, je pense aussi, ouais. Mais bon, on va rigoler. Ouais, il va vite comprendre. Alors, passons au problème du mois, le problème du mois de Mallory. Linus, quelle est la pauvre Mallory ? Alors. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour Mallory. Moi, c'est Mallory, 28 ans de Bordeaux. C'est bien la première fois que j'ai créé un forum. Et avec le problème que j'ai, je m'en serais bien passé. Je ne sais pas vraiment par quoi commencer. Bah, par le début. Tout se bouscule dans ma tête. Je me sens seul. Je me sens vraiment mal. Aimé, en fait. putain, c'est là. Aimé. Je me sens mal aimé. Ah, pardon. En fait. En fait. Bah attends là, c'était bien lu, ma gueule. Oh bah grave. Avec mon mec, tout ce ne passe pas comme dans un conte de fées, loin de là. Je vais vous expliquer clairement les choses. Clairement, hein, bien sûr. Très clairement. Il porte. Oui. Ah. Non mais ça m'angoisse de me faire filmer autant là. Mais attends, t'es Periscope et Facebook Live. Tu veux qu'on fasse un Snapchat petit, aussi. On fait un petit snap aussi. Non mais ouais, l'autre il est en train de snapper ce connard. Vas-y, lis. Laisse-toi pas impressionner par la célébrité. J'ai trop l'impression là. Tu sais, j'ai les lumières sur la gueule et tout. Tu sais, on se croirait, je me croirais au journal de 20h. Au moins. Il porte un grand intérêt pour les femmes du milieu du fitness et du porno. Mmh. Il en suit des tas sur Instagram et Snapchat. Il passe également de longues soirées sur YouPorn. Lorsque je m'en suis rendu compte, je lui en ai parlé. Il a commencé à s'énerver en me disant Tu as qu'à baiser mieux. T'as qu'à baiser mieux. Il est sympa, lui, dis donc. Ah non, mais l'enfoiré. Ah, Marion, t'as jamais dit ça, toi, je suis sûr, impossible. Ah non, non, pas dit, non. Non, t'as qu'à baiser moi, on lui a dit, Marion. Le mec, il en peut plus au bout d'un moment. Non, mais imagine un mec qui te dit ça, comment tu réagis? T'as qu'à baiser mieux. Bah, mal. Mais et toi, t'imagines? Ah bah moi ça m'est arrivé. Bah ouais là, ah oui, en plus vrai. En plus carriole. Ouais. Eh ouais. Elle t'a dit t'as qu'à baiser mieux, autrement tu dégages. Non, c'est pas que ça qu'elle m'a dit. Elle m'a pas dit exactement. Non mais c'était dans la même violence. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'elle m'a dit ouais c'est. J'espère que la prochaine fois ça sera mieux, sinon ça va pas durer longtemps entre nous. Allez hop. Non mais j'avais été minable en même temps. Hein, bon. Minable. Bah il le sait. Une merde. Minable merdique. Genre j'ai baisé mais comme Cédric quoi. Voyez. Voilà. Ouais, mais tout merdique. Eh ben, ouais. Un Apollon, ouais, tu veux dire. Un Apollon. Non, mais j'avais été nul. J'avais pas bandé. Après, je bandais à moitié mou. Ah ouais, beau gosse. J'ai été précoce. La totale. La relation parfaite. Que... J'ai un ami également qui a ce problème, Romano. Ouais, je sais bien, ouais. Mais il a plus de mal que moi d'en parler. C'est vrai. Non, il assume moins sa précocité. Non, mais moi, c'est fini. Hein. Maintenant, ça va très bien. Hein. Voilà. Bah c'est vrai, ouais, secondes, c'est fini aussi, tu sais. Oh ouais, c'est fini, terminé. Ça passe vite. Bon alors. Tu es précoce. Je sais. On présente les précoces. Ouais. Bon alors, donc je reprends. Oui. Lorsque je m'en suis rendu compte, je lui en ai parlé. Il m'a dit, tu n'as qu'à baiser mieux. Je lui ai dit, mais je fais ce que je peux. Et pourtant, je n'ai pas l'impression d'être spécialement froide au lit. Mais lui est extrêmement chaud. Il adore la sodomie, les femmes fontaines. Je ne suis pas femme fontaine. Et la sodomie, une fois de temps en temps, oui, mais avec lui, ça serait à chaque fois. Ah bon, bah déjà. Le sexe, il adore ça et moi aussi. Cependant, dans ma vie, je n'ai eu que deux partenaires sexuels, dont lui. Et lui, il en a eu une bonne cinquantaine. Ah ouais, il a de l'expérience, on va dire. Il a confiance en lui, au lit, arrive à tout gérer. Dernièrement, il a eu une nouvelle idée. Au début, j'ai trouvé ça plutôt cool. Il m'a dit, nous allons faire des sextapes, mais qui vont rester entre nous. On s'est filmé une première fois. Il l'a posté sur YouPorn. Non. Depuis, je suis une célébrité. Et... 10 millions de vues. Et lorsque nous l'avons regardé tous les deux, il a été très critique à mon égard. Oui, moi, j'ai de la merde, regarde. Regarde, mais alors crie, vas-y, pourquoi tu cries pas là? Il m'a dit, tu n'es pas très belle quand on fait l'amour. Les positions, ça ne va pas. T'as une gueule de merde. Mais qu'est-ce que t'es moche, non, regarde la tête. Les positions, ça ne va pas du tout. Regarde ce que tu fais sur la vidéo. Je veux que tu te lâches plus. La fois d'après, il m'a critiqué à nouveau. Depuis, je n'ai plus trop envie d'en faire. Mais lui, il continue avec ses caméras de merde. Vas-y, souris, gris. Merde. Vas-y, fais la pute. Avec un 6, quoi. Mais oui, bordel de merde. Tu vas jouir. Je ne sais plus quoi faire. Ces critiques m'angoissent de plus en plus. Que faire? Merci de votre aide et à bientôt. Alors, bah, qui s'est déjà filmé dans l'équipe? Non, moi, non, jamais, moi. Jamais, moi non plus, jamais filmé. Moi, j'ai pris des photos, mais non, pas filmé. Les photos, l'appareil tombait en panne après. T'es un de ce mythe. Tu les as gardées? Ah, bah oui, t'as vu en train de baiser, Karim. Moi aussi, je t'ai vu. Bah, si, c'était dans l'appareil photo à l'appart, on avait tous. Bah, ouais, on avait tous. Ah, mais c'était pas. Ah, moi, j'avais pas vu, j'avais pas voulu regarder. J'ai pris des photos. Non, non, mais non, moi, je t'avais vu. Moi, je t'ai vu en train de baiser, moi. Bah, oui. C'était qui? Ah bon? Mais vous voyez pas ta bite. La meuf, en fait, t'étais allongé sur le dos. Avec ton gros cul. Et on voyait que son cul, elle, la meuf, pas trop longtemps. Et tu lui claquais le cul. Ah, ouais, putain, j'avais oublié celle-là, ouais. Putain, vous avez réussi à regarder? Non, pas moi. Ah, mais on voyait pas trop sa gueule. Non, mais moi, j'ai pas voulu, moi. J'ai... Non, mais même. Ah ouais, putain, j'avais oublié ça, ouais, ouais. Et ouais. Donc, Cédric, oui. Mytho, Cédric, tu mens tout le non, temps. Non, non, mais ouf, bah, ça va, j'oublie. La meuf avait un gros cul, même. Ouais, très gros. Ah, je me souviens, non, pas très gros, mais. Bah, j'ai juste vu le début, le cul de non, la meuf. Non, mais elle était. Après, j'ai laissé tomber. Je me souviens, elle avait une longue raie du cul, quoi. Oh, le bâtard. Ah, en plus, et des poils dedans, non. Non, pas, non, mais pas de poils. Mais, non. Elle avait une longue raie du cul, j'avais trouvé. Ouais. Putain, je me souviens. Elle avait une raie du cul qui allait jusqu'au milieu du dos. Ouais. Oh putain. Comme moi. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Bon alors, qu'est-ce que tu veux comme réaction pour le problème si vous, du si vous êtes déjà filmé, que ça soit bien ou mal passé, que la vidéo ait fait le buzz ou pas mais, du tout. Mais il y en a qui se filment pour envoyer ça à des sites de cul. Ouais, ouais, bah de toute façon, les trucs amateurs, ouais, ils sont bien récupérés quelque part. Hein. Bah oui, c'est vrai. Donc si vous avez déjà pratiqué les sex tapes, eh bien n'hésitez pas à témoigner, on vous attend très vite. Allez, témoignage et puis on aura la réponse pour le et problème. Et c'est vrai que ça, Andy Capay là qui nous dit là une fille de 27 ans, les vidéos c'est dangereux en cas de rupture. Vengeance, aïe aïe aïe. Non mais il faut garder le truc pour toi hein. Oui. Ah bah oui. Et puis bon, savoir que tu peux récupérer de la thune par contre si c'est diffusé. Ouais, mais ouais, bon, enfin, en attendant, t'as quand même une image de merde quoi. Évite de passer par là quoi. Ah oui, il faut déménager ou changer de pays aussi. Et Chachou Astre, ah, c'est 25 ans. Salut Chachou Astre. Moi j'aimerais tellement me faire filmer. Eh bah demande. Bah ouais. Demande. Bah fais-le. Au mec avec lequel tu es, le prochain, essaye. Bah après, il y a peut-être des mecs, tu vois, ça ne branche pas ouais. Non plus. Hein. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Faut peut-être attendre un petit peu. Moi je prends des photos pour montrer à mes potes quand je baise une meuf. Trop drôle, on fait des échanges. Ah ouais. Ah c'est comme les Pokémon. Ouais c'est ça les collections. Hein. Voilà ouais, tiens bah, tiens je vais t'échanger la sodomie contre la femme fontaine. Et sodomie à droite une femme fontaine à gauche. Et beaucoup plus classe c'est le sudiste. Salut sudiste. J'ai fait ça en Thaïlande avec une pute. D'accord. Tu m'étonnes la classe. C'est bon ça. Mais les putes elles acceptent de se faire filmer tu crois. Ah ouais, tu leur rajoutes 5 euros. Ouais. Quoi, ah 5 balles. Ouais, ah c'est pas cher. Bah ouais, ouais, c'est quoi. C'est 10-15 balles. Non, 5 c'est beaucoup quand même. Ça rajoute 1 euro. 1 euro ouais. Ah bah c'est vraiment pas cher. Bah ouais, parce que la pute c'est 15 euros je crois la journée. 5 jours c'est une demi- 5 euros c'est une demi-journée. Pas cher le film souvenir. Oui, pas mal. Et moi je fais beaucoup de snap hot. Ah, c'est le poteau du 95 qui nous laisse un message. Thomas, la puissance lyonnaise, Mathieu Valbuena peut vous donner des conseils sur les sextapes. Oui, c'est vrai. Mathieu, si tu nous écoutes, tu peux passer dans la radio libre, la plus grande radio libre de France, t'ouvre ses portes. Ça. Et puis en plus, on a Romano dans l'équipe. On fait la même taille. Ah, faites la même bien taille. Photo. Bon, on a Fred au téléphone et puis on reparle du problème du mois dans un instant. Fred, il est où? À Toulouse. Salut, yes. Fredo. Salut, salut Toulouse. Fred. Salut, salut. Ouais, Toulousain. Salut, ouais, salut. Coucou. Alors toi, t'as 24 ans. L'équipe. Bah écoute, moi ça va, j'ai les pieds dans de l'aluminium pour me soigner. Pendant combien de temps déjà ton on truc on teste une heure. Ah oui, une heure. Bah juste à la fin de l'émission, j'enlève. Ouais, c'est ça. Putain, mais ça fait transpirer des pieds ce truc. Bah, et il y en a qui me disaient que c'était radioactif l'aluminium. Mais non. Non, mais je te dis, c'est pas bon. Bah non, mais tu consommes pas d'aluminium, donc c'est pas bon en soi. Ouais. Donc à part ça, tu vois, tout va bien. Ça peut être toxique. Ça va. Donc 24 ans, tu fais quoi dans la vie, Fredo, toi? Maçon couvreur. Très bien. Qu'est-ce qui t'amène, toi? C'est pas le problème du mois. Tu t'es déjà filmé en baisant ou pas, toi? Non, jamais. Moi, jamais, toi non plus. Moi non plus. Mais moi, je pense que je ferais pas, je m'en fous. Moi, je vis le moment présent et il y a suffisamment à faire pour donner du plaisir, les filles. C'est ça. Ouais, mais bon, c'est un délire. Ouais, mais en tout cas, il y en a que ça excite, hein. Je vois les messages que il y a pas de message. Que vous envoyez depuis tout à l'heure. Il y en a qui sont surexcités. Ouah, se faire filmer, c'est super. Ah, faut appeler Amaré, on nous dit. Ouais. Ah oui, Amaré, le nordiste. Amaré, lui, il faudrait qu'on lui passe un coup de fil, on l'a pas eu depuis la rentrée, Amaré. Ouais, c'est vrai. Le spécialiste des sextapes. Ouais, lui, il fait des. Je sais pas si tu le connais, Fred. Tu vois qui c'est. Non, c'est un auditeur qu'on a de temps en temps, qui nous appelle de Lille, et qui est marié. C'est une masse. Qui est beau gosse, marié, une masse, puisqu'il fait du sport. Ah ouais, laisse tomber. Et il baise, mais à tout va, quoi. Et il baise, à tout, il baise tout. Et il filme. Et à chaque fois, ouais, il filme. Et il nous avait appelé pour nous raconter. Ah, on a déjà vu ses projections. Ça fait les vidéos. Ouais, bah évidemment. Attendez, Amaré, ça fait longtemps qu'on en a pas eu. Ouais, c'est vrai, ouais. On attend les vidéos de l'été, Amaré. Amaré, là, le petit film des vacances. Allez. Les diapos de l'été. Ouais. On va essayer de voir ce qu'il pense du problème du mois, Amaré. Si tu nous écoutes, on a besoin de toi. Donc, ouais, dis-nous, Fredo. Mais voilà, ça fait 8 ans que je suis avec ma copine. Mmh. Ça fait 2 ans et demi que j'ai des vues et des sentiments sur la belle-sœur. Et en fait, je sais pas comment l'interpréter. C'est la grande sœur ou la petite sœur de la copine? C'est la petite sœur. Donc tu kiffes la petite sœur de ta copine? Voilà, oh, c'est ça. Mais elle lui ressemble, elle se ressemble beaucoup? Non. Ah, elle se ressemble pas du tout. Ils ont même pas. C'est opposé total. Mais tu trouves que la petite sœur, elle est plus bonne que ta meuf? Voilà, bah ouais, carrément. Ah ouais, putain. T'as misé sur le mauvais cheval? Sur le mauvais canard. Non, mais à la base, tu sais, ouais. Bah attends, à la base, pendant 6 ans, il n'y avait pas de problème avec sa copine, mais. Romano, t'es déjà jamais tombé amoureux de la petite sœur de ta gothique? Non. Non. Mais elle avait pas de sœur déjà. D'accord. Bon, bah, comme avec, ça, quoi, mère. Alors, du petit frère. Du petit frère, ouais. Non, non, jamais, non. Non, il avait quel âge? Non, mais il était trop petit. D'accord. Il avait 13 ans. Mais, ah oui, c'est vrai qu'à l'époque, tu sortais avec la gothique, t'avais quoi, 16, 17, c'est ça? Ouais, 17, ouais. 17, 18, ouais. C'est à côté de lui que vous avez baisé? Ouais. Et c'est, peut-être branlé, gros. Non, non, il s'est pas réveillé, non, non. Parce que je non, parce que pendant que je la kennais, je jetais un œil sur lui de temps en temps. Ah ouais, c'est bon. J'ai cru j'ai du sperme. Pour t'exciter. Pour m'exciter, mais pour voir s'il se réveillait pas, tu vois. Faites attention, ça peut faire des histoires comme Valbuena. Pour toi, Fred, dis-nous donc par rapport à cette petite sœur, elle le sait, tu lui as fait déjà des allusions Ouais, elle me fait pas des avances, mais un peu quand même, tu vois. Enfin, elle me touche le corps. C'est violace. Voilà. Ah, tu penses qu'elle est, elle est open? Ouais, voilà, je pense qu'elle est chaude, enfin. Mais c'était sûr ou c'est pas toi qui te fais des films tellement t'as un fond sur elle, le moindre truc, t'as l'impression que c'est un signe, mais en fait, c'est que dalle. Non, mais attends, du tout, du genre, tu vois, exemple banal, il y a 4 mois, on va pour un baptême, son collant, il est effilé au niveau de la cuisse, tu vois. Ouais. Et elle me dit, bah, regarde, mon collant, il est effilé. Et du coup, je regarde. Mais je sais pas, quand même normal, il y a quand même... Non, mais elle te connaît depuis 8 ans. Non, mais c'est pas un truc de ouf, quoi, il y a rien, là. Je dépend où c'est effilé, imagine, par exemple, elle a un trou au niveau de la chatte. Non mais là c'était à la cuisse. Non mais elle te connaît depuis 8 ans, elle peut te parler normalement, quoi. Non mais une bonne pote, elle te le montre, tu vois. Bah oui. C'est en haut ou en bas de la cuisse? Non, c'est en haut. Ah, tu vois, c'est en bas de la cuisse. Non mais même en haut, tu vois, bon... J'imagine la meuf, elle va pas te montrer sa chatte, mais je sais pas, une bonne pote, elle te montre, ouais, si elle a un collant défilé, elle va te le montrer, c'est pas... Andy, pour moi, c'est pas un signe de ouf, quoi. L'âge de la petite sœur, elle a quel âge, la petite sœur? Elle a 19. Donc tu l'as connue, elle avait 11 ans. C'est ça. Bon, bah elle a grandi. Elle a grandi, Marie. Bah écoute, c'est la vie. Attends, Marie, elle dit ça et elle nous a expliqué quand elle serait vieille, elle sortirait avec des petits jeunes. Oui, non, mais pas de 11 ans. Enfin, pas des petits jeunes. Non, Marie, la cougar, quoi. Ce sera pareil, elle regarde. Non, mais peut-être qu'un mec de 11 ans que t'as croisé, dans 10 ans, il va te niquer. Hein. Bah ouais. Non. Bah si, Marie. Regarde, elle a dit. Imagine le fils d'un de tes potes, je sais pas. Voilà. Le mec. Malade. Bah t'en sais rien. Jamais un truc pareil. On sait pas ce qui arrive. Bah tu sais, tu le reconnais pas, vous perdez de vue entre temps. Le mec, il te ken, il te dit, ah, au fait, mon père, c'est ton pote. Oh non, il monte. Bah, je t'ai bien baisé. Non, mais 19 ans, 24 ans, ouais, ça peut être. Non, bah ouais. Et oui. Ouais, tu fais toujours l'amour avec ta nana ou pas? Ouais, toujours. En pensant à l'autre. Des fois oui, des fois non. Ah, salopard. Tiens, Didil qui nous demande, bonne question, Didil Luigi même, qui nous dit, est-ce que sa petite sœur a déjà un copain? Non. Est-ce que elle a eu un copain, mais c'est fini entre eux. Moi, je pense que si t'y vas, tu vas te casser les dents. Ah bah carrément. Moi, je pense que si t'y vas, ça peut peut-être marcher. Mais qu'après, faudra quand même gérer ta meuf actuelle. Même avec la famille et tout, ça va être chaud. Et il faudra gérer la famille, et je suis d'accord avec toi, ça va être chaud. Non, mais moi, je pense que ça marchera pas, parce que déjà, tu t'emballes, y a rien du tout. Mais y a rien. Tu sais, moi, perso, le truc du collant, c'est pas, est-ce que tu as un autre exemple? Romano veut un autre exemple. Un exemple. Il faut un autre exemple. Une fois, il lui a fait la bise. Plus convaincant. Plus convaincant. Eh ben, elle m'a roulé une pelle. Ah, voilà, ça c'est plus convaincant. Voilà, ça dit ça direct. Là, c'est mais ça c'est mieux. Ça faut le dire direct, mon pote. C'était quoi, genre bourré? En quelle occasion? Agent, je sors du boulot, c'est la débauche. C'est la débauche. C'est le cas de le dire. Agent, c'est la débauche. C'est cool. Ou alors t'habites à Agent. Voilà, je vais prendre ma douche, je reviens, je me mets sur le canapé, tranquille, je bois ma bière. Mais qu'est-ce qu'elle foutait chez toi déjà? Hein? Qu'est-ce qu'elle foutait chez toi? Eh bien, parce qu'elle vient faire ses études à Toulouse, et du coup, pour éviter qu'elle prenne un appart, tu vois, donc du coup, elle paye le loyer en nature. T'es plus souvent avec elle ou avec ta meuf? C'est-à-dire, tu la vois plus elle ou ta meuf? Si elle vit avec toi, ou si elle est à toi. Ouais, les deux, c'est pareil. Bon. Ah, mais c'est ça qui doit t'exciter, toi, c'est clair. Attends, on l'appelle quand même. T'en étais en train de boire ta bière sur le canapé? Hein? Ouais, je bois ma bière sur le canapé, elle est à côté de moi et tout. Là, je rote, elle est très excitée. Le vieux rote. Ah, je l'ai excité, je pose ça comme ça. Grave, là, elle se jette sur moi, elle me roule une pelle. Classe. Elle me passe le bras autour du cou, elle vient, elle se penche, et puis c'est elle qui m'emballe. Moi, sur le coup, tu vois, j'ai rien demandé, j'étais en train de regarder la télé, elle vient, elle m'emballe. Je l'interprète comment? Ouais, c'est un film de cul aussi. Mais t'es sûr que c'était la petite sœur, t'as pas confondu? Ah, pas con ça. Non, non. T'es peut-être bourré. Sûr que t'as parlé. La bière, la bière. T'es sûr que c'était la première je bière. Je lui ai dit quoi derrière? Vous en avez reparlé? Parce que je suis pas une meuf qui t'embrasse comme ça. Ouais, bah ouais, je lui ai reparlé. T'es arrivé quoi sur le coup et tout? Elle m'a dit, je sais pas, j'ai une envie comme ça de t'embrasser. Ah. Ouais, enfin, genre, bah elle est très nette, la petite sœur, pour faire ça. Bah, la salope. Ah bah ouais. Ah, j'étais sûr que tu pensais ça, Marie. Non, mais c'est clair. Attends. Non, mais ça, sur le coup, t'as pas tort. Non, bah attends, en famille, c'est moyen, quoi. Oui. Ça, c'est comme ici, ça, moi, mais... la sœur de Carriole, elle venait me chauffer, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Comment tu réagirais? Non, mais moi, je bloquerais, je dirais. Avec sa cigarette électronique au mec. Parce qu'en fait, elle vit 24 ans sur 24 avec une cigarette électronique implantée dans non, la bouche. Non, mais attends, n'empêche que. Non, avant, elle fumait deux paquets de clopes et s'est visée la cigarette électronique. Non, elle fume 10 cigarettes électroniques par semaine. Non, mais tu sais, elle a une mallette avec des batteries de rechange pour la journée. Les batteries, elle en change 50. Par jour. Des grosses, tu sais. Tu sais, les cigarettes électroniques nucléaires, là, les ouais, ouais. Tu sais, les trucs énormes. Pas de pareil. Truc, là, ouais. Bon, moi, je m'engagerai pas là-dedans, Fredo. Non, mais bon, en tout cas, la sœur de ma meuf, elle vient me brancher. Je lui dis, moi, j'ai une idée. Arrête tout de suite. Ouais, si t'es super excité, c'est chaud. Et non, mais puis elle, c'est une tordue aussi. Non, mais regarde, moi j'ai une bonne idée. Bon, je remixe un peu une idée de Chachou, mais c'est pas tout à fait. En fait, tu l'as piqué l'idée de Chachou. Non, parce que c'est pas tout à fait ça ce qu'elle nous dit, elle, mais ça m'a inspiré. En fait, t'as qu'à envoyer un message. Genre, par exemple, tu dis, j'ai envie de toi. Ouais. Tu lui envoies à elle. T'attends la réponse. Et si la meuf, elle te répond, elle te fait, mais qu'est-ce que t'as craqué ou quoi? Tout de suite après, tu dis, oh là là, la gaffe, excuse, c'était pour ma meuf et tout, putain, ouais. Désolé. Et puis là, elle le montre à sa sœur, et là, c'est pas grave. Ça peut être la merde. Le drame familial. Et c'est pas grave, t'en fais 3 tonnes derrière, tu vois, oh là, je me suis dit, mais après, il faut être sûr que tu puisses. Parce que bon, si tu veux y aller, il faut être sûr de pouvoir la niquer. Parce qu'imagine, elle te met un stop, elle en parle à ta meuf, mais c'est mort. C'est pas grave, et là, tu dis, ouais, c'est une erreur. Mais par contre, si elle te dit, ouais, moi aussi, machin. Ah, c'est risqué, moi, je dis ça. Et sinon, faites gaffe, parce que c'est vrai, il a raison, Flo-Flo. Vas-y, Flo-Flo du 27-18 ans qui nous dit, fais gaffe que ce soit, attention que ce soit pas un complot entre sœurs, pour voir si t'es fidèle. Ouais, mais elle aurait pas galoche quand même, tu vois. Ah, tu sais. Bah ouais, mais maintenant, il serait déjà plus avec sa meuf actuellement. Ouais, tu sais. Est-ce que toi, je sais pas, pour faire un alibi à Cédric, tu pourrais lui rouler une pelle? Oui, ah non. Un alibi, genre quoi? Non, mais je sais pas, Cédric, il a une galère. Et il faut que dans cette situation, le seul moyen de le sauver, c'est du rouler une pelle. Voilà, et lui lécher le trou de cul. Non, mais rouler une pelle. Non, mais genre les keufs, ils arrivent, tu sais, comme dans les films, et tu sais, le mec qui roule la pelle à la meuf au moment où les keufs. Ouais, voilà, ouais. Ah non. Ouais, genre je fais un bisou pour le sauver, je fais un bisou sur la bouche. Y a pas, mais je roule pas une pelle. Non, mais non, il faut rouler une pelle parce que sinon le bisou ça marche pas. Non. Et Cédric, il est content, écoutez-le. Non, je veux bien te sauver en te faisant un bisou sur la bouche. Oh, le scénario de ouf. Oh, j'en ai une érection. Oh ouais, des keufs. Je vais tout balancer. Représenter précoce. Oh yeah, c'est parti. Ah, terrible. Ah, mais ouais, mais t'es chelou, toi. Ouais, bon, et fais gaffe. T'es chelou, t'inventes des scénarios, mon pote. L'idée de Samy, ok, mais fais gaffe, il faut toujours, elle peut toujours garder le texto. Ouais, mais justement. Et le ressortir à un moment ou à un autre. C'est toi, t'en parles. Tu dis, oh là là, j'ai fait une erreur, j'envoie un texto à ta sœur, qui est con. Et direct, t'envoies un message à ta meuf et tu lui dis, putain, j'ai pas fait exprès, j'ai envoyé un message. Oui, t'envoies des émotions. Non, ou alors, j'imagine, tu t'entends bien avec elle. La meuf, laquelle? En plus, ouais. Ouais, tu t'entends bien avec elle. Je sais pas, sur le ton de la déconnade, je sais pas, tu lui dis, ouais, tu veux pas qu'on aille baiser? Tu veux pas me sucer la bite? Non, mais amener autrement, tu vois. C'est un peu comme le truc du texto. Ouais, bon, moi, il y a pas de trace, tu vois. C'est-à-dire les traces, si tu dis que c'est une. Au moins, oui, ça, moi, c'est direct, ça, c'est sûr. Non, mais peut-être pas aussi direct, mais sur le ton de la rigolade, tu lui sors un truc un peu cul. Déjà, la meuf. Sors ta bite, direct. Voilà. Elle regarde. Tu lui poses sur le front, elle regarde. Tu lui dis, c'est rose bite. C'est rose bite. Une bite rose, gros. Donc, si tu veux y aller, tu peux faire ces méthodes-là, ou alors, c'est de pas y aller et de continuer l'histoire d'amour. Ouais, moi, j'irai sur. Depuis longtemps, si tu t'entends bien avec elle et que vous parlez des fois de cul pour déconner, machin, je vais amener le truc en rigolant, tu vois, et je verrai bien comment elle réagit. Si la meuf, tu sens qu'elle est en sang, c'est bon, tu peux aller la niquer. Si sinon, tu peux faire essayer de faire un plan à 3, si tu souhaites. Allez, voilà, on termine sur un plan à 3. Si, la famille. Si, la famille. Bon, merci à toi, Fredo, pour le coup de fil. On t'envoie les t-shirts Skyrock à la maison. On a les résultats du problème du mois aussi. Le problème du mois. Tu peux les sortir, les résultats du problème du mois, parce qu'on a pas mal de réactions aussi que vous nous avez laissées sur le 41-759 sur l'appli Skyrock. Sur la sextape, quoi. C'est sextape ce soir dans le problème du mois. Donc vous avez fait des sextapes, vous filmez régulièrement. Ah, il y en a qui veulent nous envoyer leur sextape. Bah allez-y, envoyez. Hein. Pas de problème. Karim@skyrock.com. Envoyez-nous tout ça. Et puis, la réponse. Et Maître Gims aussi, qu'on va écouter avec Jules. On va se faire le son de Jules et de Gims. Là tout de suite. Et puis Maître Gims a gagné dans la roulette. Ouais. Vous voulez vos places? Allez-y, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. 7-20-20, vous envoyez roulette. C'est ça, tout simplement. Et vous allez voir Maître Gims où vous voulez, n'importe où en France. On a plein de places, 200 places à gagner sur Skyrock. C'est pour vous. Et si vous voulez deux places ce soir, 7-20-20, vous envoyez roulette et ça tourne. Barcelone. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre en direct. 21h minuit sur Skyrock. Et tu nous prépares, Romano, le problème du mois, la réponse. Ouais. Ouais. Et vos réactions. Et Maître Gims et Joule. C'est bon camp. Ouais, j'aime bien ce morceau. Avec DJ Last One. Ouais, il y a aussi DJ Last One. Ouais. Il y a DJ Last One. T'as un pote de DJ Roro. Ouais. C'est ça, exactement. DJ Roro qui sera là demain matin dans le morning. Ah oui. Que faire de tout ce qu'ils disent? Le guide a changé. On entend le bruit de ta caisse quand tu passes au quartier. Tu contrôles toute la zone depuis les Champs-Élysées. 700 chevaux. Pile poil, je crois quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigade Gassabali. Pousse-toi de la lance, passe par ici. C'est plus de Nîmes et Aziz la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite de la manif. Les petites grimes à l'épuissance. Plongé dans le monde de la nuit, de l'envie, des ennuis. Protège bien tes arrières. Regarde dans mes yeux, ce n'est pas la joie. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. Croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout battait, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pas le même one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, du doudou, il est yo. C'était Boucan sur Sky. Diffoul, radio libre. What the fuck, 21h minuit sur Skyrock. Bon, je vais enfin pouvoir enlever ton truc. Ah oui, Marie. Le papier d'aluminium. Oui, ouais. Si vous venez d'arriver, ça tu fait une heure que j'ai les pieds. Oui, j'ai les pieds dans du papier d'aluminium. Ça va sentir bon, tiens. Non, je sens pas bon des pieds. Ouais, non, mais tu sens pas des pieds, tu sens comme tout le monde. Ah bah non, je sens pas comme tout le monde. Je sens pas comme Cédric, par exemple. Oui, mais Cédric n'est pas tout le monde. Oui, bah c'est. Bah, moi non, des pieds, moi non plus. Ça m'est arrivé une fois, j'ai revenu du ski. Ça, c'est normal. J'ai l'impression qu'au Mano, il avait une fromagerie dans les chaussures. Ah, mais ça, c'est tout le monde. Tu me dis pas quand tu finis ta journée de ski, tu sens bon des pieds. Bah si, moi, je sens toujours bon des pieds. Ouais, non, mais c'est obligé, tu pues des pieds. Non, des foules, c'est propre, on va mettre un sandwich dedans après. Ouais, après. Non, mais je le récupère. Vous faites attention, recycle. Faut pas le déchirer. Une solution pour ceux qui ont un rhume. Moi, j'ai pris un coup de clim. Donc, le coup de clim, je sais, en plus, c'est lundi soir et mardi matin. Les deux clims étaient à donf. Il fait hyper chaud dehors, ouais.

telle quelle. Elle dit quand même de s'entraîner. Réagis au plus vite. Non, à bientôt sur le forum. Bisous. Qu'est-ce t'en penses? Non, mais c'est vrai que c'est les nuls, elle a qu'à progresser aussi, merde. Non, ça se fait pas, elle doit se sentir à l'aise, elle doit, voilà quoi, elle doit même pas calculer, elle doit se sentir à l'aise. Ça doit venir d'elle-même. Ou alors être excitée. J'ai Nathalie là, qui adore se faire filmer. Mon ancien mec me filmait tout le temps. Après, on regardait les films hors de rire. Ah ouais, quand tu regardes, c'est bizarre, hein, cela dit après. Ah, ouais, ouais. Non, mais de toute façon, Marie, le principe, c'est quand tu fais un film, en général, c'est pour le regarder. Oui, on l'avait regardé avec mon fils. Non, bah, oh, t'es dégueulasse. Et avec mon père. Et mon père également. Lors d'un repas de famille. Je m'étais trompé de fichier. L'horreur. On voulait regarder Shrek. Non, on s'est trompé. Gros plan sur mon anus. T'imagines. On a regardé Schneck à la place, la mienne. C'est horrible. Oui, c'est horrible. Bon bah écoutez, et oui tu disais à Marais, donc faut vraiment le faire avec des gens qui en ont vraiment envie, tout ça, ou que ça ouais, excite. Ouais, voilà, en fait ça doit, à l'arrière tu peux lui proposer, mais elle doit l'accepter, c'est pas la contrainte, parce qu'après ouais, ça, faut elle, que ça soit d'un commun accord. Elle ouais. le fera à moitié, donc voilà quoi. Vous avez vu, il est bien Marais, hein, il est bien. Hein. Un romantique. Voilà, et une question pour sortir complètement du sujet, puisque t'es boxeur, et Toshi qui nous dit, t'en penses quoi des boxeurs au JO? On a gagné en boxe, on est ouais. médaille d'or, deux médailles d'or là, de coupe. C'est pas même boxe en fait. Ça c'est de la scoring machine. C'est vraiment c'est touché en fait. Tu vois, c'est le coup qu'il soit porté ou pas, c'est compté comme un point. Donc attends, t'aimes la boxe pas... qui défonce vraiment, toi. Pam pam. Ah ouais, t'es. Bah en fait, quand tu fais de la boxe amateur et quand tu fais de la boxe amateur au JO, c'est pas la même boxe en fait. C'est pas la même manière que les juges ne jugent pas de la même manière. Bon, mais le couple là, ils sont là les deux. Tony Yoka là. Oui. Y a pas de problème. Hein, imaginez quand ils se prennent la tête, quand ils doivent s'engueuler les deux là. Ah ouais. Tu se mets des patates, ils s'esquivent. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors les patates sont trop cuites. Bam. Bon bah écoute, merci à Marais, c'était bien d'avoir tes nouvelles. N'hésite pas à nous rappeler quand tu veux. Et on attend des petites vidéos sympas. Et Romano attend. Ça fait longtemps. Je vais avoir des problèmes, les gars. Mais non. Mais non, t'es une star à Marais. Bon, t'embrasse à Marais. Ciao. Salut à toi. Bon ciao. Ciao. Et la roulette qui va tourner tout de suite, c'est parti. Tous en place de concert Maître Gims. Skyrock. Premier sur Maître Gims. Et Ali est avec nous en direct de Villeparisis. Salut Ali. Allô. Ouais, allô. Salut Ali. Coucou. Alors ça Ali, ben ça va bien. Ouais, t'as 24 ans. Ben, présente-toi. Tu fais quoi dans la vie, tout ça? Bah là, je suis sur la route. Je suis handicap. Là, je suis manager chez McDo. Ben salut les McDo. Ah. Les McDo branchés sur Skyrock. Et voilà. Et allez, vous savez que j'aime bien votre nouveau fiche là, le double fiche. J'aime bien ça. Le double fiche? Ouais, bien ça. Bah pas sur McDo, je t'en donnerais plein si tu veux. Non, et puis en plus, vous savez pourquoi c'est bien? C'est parce qu'ils les préparent pas en avance. Je sais pas pourquoi vous les préparez pas en avance. Vous en avez pas beaucoup? Ouais, voilà, c'est parce qu'on en vend pas beaucoup. Ouais, et donc ça veut dire que quand bon, c'est un peu long, faut attendre. Ah, mais ils te le préparent, ouais. Mais il est tout chaud, tout moelleux. Ouais, c'est mieux. Tout bien bon. Ouais, c'est vive mieux, McDonald's, c'est bon. Vive le double fiche. McDo, je t'aime, Ronald, je t'embrasse. T'as vu Romano, il essaie de gratter encore. Non, mais j'entends. Mais c'est bon, non, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. J'ai un drive D-Fool. Allez, super. C'est parti, Ali, on fait tourner la roulette. Maître Gims a gagné la tournée de Maître Gims, c'est évidemment avec Skyrock. Tu dis stop quand tu veux. Stop. Eh bien, revenons du taf. T'as encore la pêche après le taf, toi, c'est ouais, bien. C'est bien. Ah ouais, c'est bon, et c'est gagné. Deux places pour aller voir Gims à Bercy. Merci l'équipe. Et voilà, c'est pour toi. Tu vas y aller avec qui? Avec Ronald? Merci beaucoup. Waouh, je vais y aller avec ma mère. Ah, avec ta mère, c'est bien en famille. Ouais, avec ta maman avec en plus. Ma mère. Ouais, c'est cool. Avec ma petite maman. Et ben, t'embrasses ta petite maman, t'embrasses ta famille. Ouais. Salut au McDo. Soucis. C'est McDo de Villeparisis. Okay. Je fais une petite dédicace. Bah vas-y, profite. Non, moi je bosse à côté de Roissy, mais je fais une dédicace à tout Villeparisis, toute ma famille, tous mes potes. Et je fais une grosse pensée pour Momo. Et eh ben écoute, oui, on t'embrasse. Merci. Et nous aussi on y pense. Salut à toi, ouais. Ali. Ciao. Merci. Salut merci Ali. Beaucoup. Et prochaine roulette demain matin. Bah ouais, avec nous dans le morning. C'est fini là, ça passe vite. Hein. Eh ouais, alors ton papier d'alu. Déjà minuit 11. Alors, il est temps d'enlever mes babouches en alu que m'a fabriqué la Marie. C'est pour soigner un rhume. Rhume. J'explique pas. Et vous savez que j'ai encore plus mal à la tête qu'il y a une heure. Ben non. Ah, si, je suis sûr. Ah putain, j'ai les pieds, ils sont transpireux. Ah ouais. Ah, c'est mouillé. Non, ça sent pas, par contre. Non, ça sent pas. J'ai vraiment les pieds propres. Hop, aïe. Enlève tes chaussons. Voilà, ça y est. Enlève tes chaussons. ça fait du bien. Et là, donc, je suis guéri de la grippe. Bah, il faut que t'attendes un petit peu avant de remettre tes chaussettes. D'ailleurs, ça s'entend. J'attends combien de temps? Je sais pas, ils disent pas, mais il faut attendre un petit peu. Il faut laisser reposer tes pieds. Je vais rester pieds nus jusqu'à. C'est la moquette de Skyrock. Je fais pas confiance. Non, tu m'étonnes. Ne les pose pas. Je vais pas les poser par terre. Bon, bah, écoutez, si demain je suis pas là, on verra demain matin. L'équipe assurée à ma place, Romano, je compte sur toi, Cédric aussi. T'inquiète. On remerciera surtout Marie. Et on remerciera très fort Marie. On te fait un test. Voilà, maintenant Difool, tu es radioactif, nous dit Blue. Ça y est. Mais non. C'est fini pour toi. Marie, elle croit vraiment que ça va marcher. C'est Archimède. Mais j'en sais rien. Message. Je sais pas. Elle y croit. Non, mais non, t'es à fond dedans, mais t'es complètement galbé. J'ai vu ça sur internet. Je suis toute bourrée. Surprends-moi pour une conne. C'est génial ce site. Génial. Il y a plein de trucs super. Demain, je vous expliquerai comment vous couper la tête si vous avez mal au crâne. Ils ont mis ça, que ça fait passer, mais direct le mal de tête. C'est nickel. Bon, vous souhaite une bonne nuit. Merci d'avoir passé la soirée avec nous. Bonne nuit. Bravo aux Bleus qui ont gagné 3-1. On voulait qu'ils fassent 4-1. 3-1. Et puis bravo à moi qui fait le bon pronostic depuis ce matin. Ouais, que dalle. T'as dit 2-1. Bravo, Difool, bravo. Vous avez écouté l'émission de ce matin, j'avais dit 3-1. Ouais, bien sûr. Romano. Donc bravo les Bleus, félicitations. Très gentil. Et puis rendez-vous mardi. En mardi pour les Bleus, demain matin pour nous pour le morning, et puis demain soir pour la radio libre. On vous embrasse, on vous souhaite une belle nuit, et puis ben rendez-vous demain dès 6h avec 1 500 € toutes les demi-heures. Inscrivez-vous au 720-20, vous envoyez 1 500 720-20. Il y a la bande-annonce qui va passer. Pour augmenter les chances de gagner, écoutez bien. Salut, à demain. Salut. Ciao. À la rentrée, on a besoin d'argent. Réveille-toi avec Skyrock. The Morning Show. Tous les matins, le Morning de Difool te réveille. Et pour fêter la rentrée, Difool t'offre 1 500 € toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Ta radio préférée? Skyrock. Envoie 1 500 par SMS au 720-20 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1 500 € dans le Morning de Difool. 1 500 €, c'est pas possible. Oh là là, mon Dieu, merci beaucoup. La rentrée, ça a du bon. 65 centimes plus coût d'un SMS. Yeah. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. Just imagine.

afin de fumer la white weed. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, j'balle. Mais c'était pas la white weed. Fait du mal à ma petite. Premier sur le rap toute la nuit, c'est Skyrock avec Escrew et le Nekfeu du bon rap parisien. On écoutait J'aurais pas dû à l'instant. Un autre parisien arrive, c'est Maître Gims de Section d'Assaut. On vous l'offre d'ailleurs tout au long de la journée sur Skyrock dans la roulette. Venez crier stop, venez décrocher vos invitations pour aller voir le Skyrock War à nos tours. C'est encore une dizaine de dates avec Skyrock avant la fin de l'année. À Nantes, à Amnéville, à Lille, à Paris, à Dijon, à Clermont-Ferrand, à Marseille ou encore à Lyon. Maître Gims a gratté tout au long de la journée. Prochaine roulette tout à l'heure entre 6h et 9h avec le morning de Difool sur Skyrock. Rap R&B non-stop, Maître Gims arrive, c'est ma beauté. Juste avant, il y a Sean Paul, Get Busy en classique. Et voici Justin Bieber sur le son de DJ Snake, Let Me Love You sur Skyrock, la première radio urbaine mondiale. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Donna, Donna, Jody and Rebecca. Woman, get busy. Just shake that booty non-stop. When the beat drop, just keep swinging it. Get jiggy, get drunk, up, percolate. Anything you want, because it's oscillating. If I don't take pity, I'm happy to see you get life on the rhythm of my ride. And my lyrics up about electricity. Girl, nobody can do you nothing, cause you don't know your destiny. Yo, sexy ladies want power with us. You know the car with us, them not war with us. You know the club, them want flex with us. To get next with us, them can't vex with us. From the day my bond, I ignite my flame. Girl, I call my name and it is my fame. It's a good girl, turn me on till I earn them on. Let's get it on, let's get it on till I earn them on. Girl, it's a good, just turn me on. Girl, don't sweat it, don't get agitated. Girl, go and rotate, cause anything you want, you know you must get it. Come in here, my bitch, and don't ease the tension. Girl, run the program, just go and fit it. Yo, have a good time, girl, free up on your mind, cause nobody care this.